tous les soirs, 20h-23h, Mickaël sur Room Radio. Et ouais, on est là, bonsoir tout le monde. Oh là là, dis donc Ben Laden, la première image que j'ai là en regardant la télé maintenant. Oh dis donc, ça y est, je sais pas qui est encore vivant moi. Ah, je croyais que tu parlais de Polo. C'est vrai que il y a un peu de ressemblance. La barbe certes un peu moins longue, mais la barbe un peu blanche quand même aussi, effectivement, ouais. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ça y est, c'est mercredi aujourd'hui, milieu de la semaine. Oui. Eh oui, bah oui, milieu de la semaine, donc ce qui veut dire que on approche du vendredi. Attends, et oui, le milieu est passé. Bah ça dépend pour qui. Pour nous c'est pile au milieu. Pour les gens normaux, c'est le milieu est passé effectivement, puisque cette journée est terminée. Attends, ça sera le milieu à 21h30. Exactement. On fêtera ça. J'ai décidé d'être chiant. Pierre, vous avez mal fermé la porte, Pierre. Ouais, à 21h30, ce sera techniquement le milieu pour nous en tout cas. Ouais. Enfin, pour ceux qui terminent à 23h vendredi. Après, il y en a peut-être d'autres aussi qui terminent à 23h vendredi. Mais voilà, concrètement, c'est un petit peu ça. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Tout le monde, c'est vacances en général pour ceux qui nous écoutent là. Ouais. Oui. Encore une fois, la belle vie. Ouais. Enfin, quoi qu'il y en a qui se font chier aussi. Hein. Parce qu'il faut savoir que quand t'as des semaines de vacances à l'école, t'as quand même les profs le reste de l'année, quoi. Oui, c'est vrai, mais bon. Non, tu rigoles, mais c'est trop bien l'école. On marronne, on va être grand et tout, mais après on est on est hyper nostalgique. Je suis pas vraiment nostalgique de l'école, mais aussi nostalgique des vacances de l'école. Ouais, putain, c'était tellement bien. Mais à côté de ça, je t'interromps encore une fois, t'as pas d'oseille, donc je peux pas partir, donc et ça, après, c'est ça qui est. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est chiant, tu vois. Non, si, tu peux travailler quand t'es à l'école, ça dépend dans quelle classe t'es, quoi. Ouais, mais justement, quand tu travailles quand t'es à l'école, c'est que tu travailles pendant tes congés, donc au final, tu pars. Moi, je me tapais toutes les vacances scolaires à partir de la terminale, mais même les trucs genre une semaine de la Toussaint et tout, tous mes potes ils se reposaient, et moi je bossais. Ouais, mais c'est relou, c'est ça qui est relou, mais bon. Bon, Cécile va bien également? Ça va, cool. En forme? Ouais, ça va. Bon, très bien. Mika également, pareil? Ouais, ça va bien. Ouais. Oui. Ouais, tu as mis ta chemise 3D aujourd'hui. Ouais, je l'aime bien, c'est la chemise du mercredi. Je crois que je l'avais tout le mercredi. Celle du mercredi? Bah, ouais. Non, mais il a surtout été chez le coiffeur, Mika. Oh là! Parce que demain il a rancard. C'est pas vrai encore. J'ai pas rancard, faut pas dire ça. C'est. J'ai une sortie, voilà. T'as rancard quoi. Mais pourquoi t'es allé chez le coiffeur? Pourquoi t'as fait ça? Bah, parce qu'il veut pécho. T'étais plus beau hier, moi je trouvais. Ah oui, c'est vrai. T'étais plus belle l'année dernière, toi. Pour autant, je te le dis pas. Mais bon. Salut. Bon, et puis Pierre va bien également? Il va bien, nickel, et en plus il a son meilleur pote qui s'est coupé les cheveux pour une meuf demain. Ça va te faire foutre. Voilà, et puis comment va le corps également avec une chemise pas 3D? Bah 2D. Ouais. Elle est trop belle, sa chemise. 3D avec le ventre. Hein. 3D avec le ventre. Ouais, c'est vrai qu'avec le ventre, il y a un peu de ça, ouais. Donc comment ça va? Le corps qui a fait le régime aujourd'hui, hein. Tu peux nous dire ce que t'as mangé avant d'arriver? J'ai mangé 3 hot dogs et une grosse assiette. 3 hot dogs? Ouais. Non, mais c'est une blague. Non, non. Bon, enfin, mais comment est-ce possible de bouffer autant? Bah, j'avais faim. Non, mais ça, j'ai compris, mais quand même, quoi. Putain, t'as bouffé tout ça? 3 hot dogs, ouais. Ah, donc. À la sortie des cours, voilà, j'avais faim, donc. Bah, non, mais je veux bien croire, hein. En même temps, pour bouffer 3 hot dogs, oui, je te confirme, effectivement, fallait vraiment avoir la dalle, hein. Parce que j'ai rien mangé à midi aussi. Oui, bon, enfin, ça n'excuse pas tout non plus, hein. Ouais, hein, mais bon, le ventre parce que après... Ouais, bah, le ventre après, il est gros, hein, en l'occurrence. Hein, ouais, bah, ouais. Bon, il y a du foot ce soir, encore une fois, et oui, puisque Marseille a joué tout à l'heure face à Guingamp, ils ont gagné 1-0 seulement. Ah, bah, tu vois, mauvaise langue. C'est pas non plus la lue, de quoi? Oh, 1-0. Tu vois, mauvaise langue. Qu'est-ce que j'ai dit? Hier, tu disais, nanana, Marseille, Guingamp, on n'est pas à l'abri qu'ils perdent. Bah, on n'est pas à l'abri, je te rappelle qu'il y a quelques années, ils avaient perdu contre Carquefou. Carquefou, oui, je sais. Bah, ouais, mais bon, du coup, t'es pas sûr non plus, quoi. Bon, et puis en ce moment, là, c'est la 61ème minute pour Lille, Caen 3-1. Avec un carton rouge pour Caen. Il y a 3ème minute pour Auxerre-Bastia 0-0. Allez Auxerre. Ah. Eh ouais. Tous derrière Auxerre. Non. Tous derrière Bastia. Bien sûr. Ouais. Tous derrière Auxerre, bien sûr. Mec. Et ensuite. Mais tu paries que Bastia va gagner. Mais tu paries que Bastia, c'est des merdes. Déjà, on parle bien, parce que sinon je t'encadre dans la fenêtre. Attends, mais ça va, c'est pas une équipe, ils savent jouer au foot. Ouais, non, ils courent après des figadets ou. Ah, voilà, ouais, c'est ça. D'accord, ouais. Continue, ce soir tu es en train de me chauffer, je suis malade, on va rigoler. Non, mais ils savent pas jouer au foot, sincèrement, entre toi et moi, en vrai là, vraiment. Non, Bastia c'est jouer au foot et il y a eu, je sais pas, tu t'y connais pas. Non, mais je demande. Bastia a eu une grosse épopée, c'était en 77-78 et on est arrivé en finale de la Coupe d'Europe. Après, En quelle année tu m'as dit là? 77-78. D'accord, donc j'étais pas né, je sais pas si tu es bien conscient de ça. Voilà, mais on avait les plus grands joueurs d'Europe. D'accord, oui, on avait, donc à l'époque quoi. Voilà. Tu sais, à l'époque, mais Bastia, les Américains ont été sur la Lune, hein, aux années 60. Hein, le club de Bastia, c'est pas que du football, c'est une histoire, c'est un peuple c'est qui est des bombes. Ouais, c'est pas que ça, c'est pas que ça, il y a également. C'est une culture, ouais. C'est ça, c'est une culture. C'est un peuple qui est derrière ce club, qui supporte, et en fait, en Corse, l'hiver, si on n'a pas le football, on est mort quoi. Ah ouais? Parce qu'il y a que ça. Ah, il y a que ça à faire. Hein. Bah, c'est ça, voilà. Bon, dites-nous si vous avez les pronostics ce soir aussi pour le gros là, Lyon, Paris, Saint-Germain. Ah. Deux équipes qui pour l'instant sont un peu bracassées puisque elles sont pas très très bonnes non plus hein, pour ouais. l'instant. Hein. Je pense que c'est Paris qui va gagner. Parce que Lyon, c'est pas une équipe de, c'est pas une équipe de coupe quoi. Ouais, mais c'est plus une équipe de championnat de Ligue 1 non plus. Donc. Ouais, en l'occurrence. Tu vois, l'un dans l'autre, hein, faut voir. Hein. Mais ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui disent pour Paris. Donc, je sais pas. On verra bien. Si vous avez des pronostics en tout cas à faire, eh ben allez-y dès maintenant. Donc, vous faites péter ça sur mikl@goomradio.com, sur le Facebook de l'émission également. C'est sur facebook.com/mikl officiel où on salue ceux qui sont connectés que je ne vois absolument pas puisque je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi ça ne marche plus cette connerie, dis donc. J'ai mis le code, ça ne marche plus. C'est à Facebook là. Non, rien, si ça fonctionnait, mais je sais pas pourquoi ça s'est délogué. Voilà, il y a Laetitia qui est dessus, il y a Maloré, il y a Tania qui dit, moi je dis, même si je comprends rien, PSG 2-1. Bah ouais, pourquoi pas. Alexandra aussi qui est connectée, qui dit, après les cartes à gratter, goal, on parle encore de foot. Ralala le Corse. Oui, mais bah, il sait parler que de ça de toute façon. Bah c'est ma passion, c'est ma vie. Ah bah oui, la Corse et le foot. Voilà. Voilà, deux trucs. Et la chanson. Oh oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bon, Marie aussi qui est là, Laetitia qui dit allez Bastia et l'OM. L'OM ils ont déjà joué tout à l'heure et Bastia ils vont perdre là malheureusement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Nicolas également, il y a Tania, il y a Corentin et puis petit tour du côté du match là et ça rafraîchit 0-0 pour l'instant. Toujours. Tout va bien. Ouais. J'ai envie de te dire, tout va bien. Bon, au niveau son ce soir, on passera Julian Peretta avec Wonder Why. Il y aura également le nouveau son de Leslie. Il y aura le nouveau son de Rihanna. Il y aura My Chemical Romance aussi. On devrait les avoir normalement, My Chemical Romance, lundi soir, là, juste avant leur concert. Ouais, qu'ils feront, le concert dont tu nous prives. Qu'ils feront à Paris. Oui, bah en même temps, il faut travailler. Hein. Mais surtout que ça va être trop bien lundi soir à faire une spéciale Halloween. Oui bah oui parce que ce sera Halloween exactement. Happy ouais. Halloween. Il y aura Far East Movement également et puis le nouveau Shime aussi qu'on aura l'occasion de passer tout à l'heure. Peut-être qu'on se mettra les Black Eyed Peas, c'est pas prévu mais on verra. Ah c'est bien, j'aime ouais, bien ça, pas, bien cette chanson. Je vais voir. Est-ce qu'on peut mettre aussi j'ai une demande Junin avec Sunday Afternoon. Attends, laisse-moi réfléchir. C'est Amy qui voulait. Ah bah non. Je te l'avais dit, Amy, qu'il fallait pas me demander à moi. C'était sûr que t'allais pas avoir son titre. Ouais, elle m'a demandé aussi, mais j'ai pas. Moi, je. Mais sinon, Mickaël, dis-moi, quel temps il fait à Cuba alors? Bah, je suis revenu depuis hier. Tu me vois pas là? Ah non, je te vois. Enfin, il. Je suis revenu depuis hier. T'es vraiment con, hein, non, mais c'est exceptionnel. Par contre, je repars vendredi là. Vendredi, j'hésite avec l'Australie. Ah, ouais. J'aime bien aussi. Ouais. Ouais, je sais. Bah le surf et moi, j'ai essayé le surf un jour, mais c'est pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est. Faut que tu sois né dedans, quoi. Ouais, ça. C'est difficile le surf. T'arrives pas. Tu deviens pas surfeur comme ça du jour au lendemain. Ah, ça c'est sûr. Ah ouais, bah, je te confirme. Donc je sais pas. Je sais pas. Et puis sinon, j'hésitais aussi dans un truc. Donc après Cuba, après les Bahamas, après l'Australie, un truc sympa. Peut-être le Luxembourg. C'est la tristesse, Laura. Oh, bah, tu veux tirer une balle là. Moi, je vais à Bruxelles. Ah bah c'est bien ça. C'est ouais. Dans ce week-end là. Non, c'est le week-end du 15 décembre, je crois. D'accord, ok. J'y vais aussi, mais je crois le même. Non, mais sans déconner, c'est non, pas une blague. Tu vas là au même moment. Non, j'ai une de mes tantes qui a une baraque. Qu'il nous cache quelque chose. Non, mais j'y vais pas moi ce week-end là. Hein. Je vais rester à Paris. Non, mais c'est vrai, j'ai une de mes tantes qui a une baraque dans Bruxelles. Elle m'a dit, Bruxelles, tu la prends quand tu veux. C'est où? C'est dans quel coin? Il avait pas eu l'idée avant que je lui dise. Mais c'est bizarre. C'est vrai. C'est au, je sais pas, au Mannequin Piece. Qui connaît que ça. Ça veut rien dire. Non, je sais pas où c'est. Mais renseigne-toi. Ouais. J'ai téléchargé l'application Bruxelles sur mon iPhone. Bruxelles. Mais Bruxelles, oui. Parce ouais, que... Bruxelles. Moi, j'ai ouais. Bruxelles. Non, bah, il faut c'est pas. Pareil. Bruxelles. Ouais. Et c'est sympa, hein. Bah oui, je suis dit depuis le début, là. Non, c'est cool. Non, mais j'ai plein d'infos. C'est une belle ville. C'est ça. Par contre, j'attends toujours l'adresse exacte du bar rock. Oui, bah c'est le rock classique, il est très très bien. Rock classique. Rock classique, ouais, c'est très très bien. Je chercherai ça, y a pas de souci. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on va parler de pas mal de. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, 3-1 pour Lille, bon, on l'a vu, ça fait ah, un ça quart d'heure, bien, Fredo, là. Que ça a été mis là, le but. Ouais, bah j'ai misé 2€ sur Lille. Il a sorti la doudoune, enfin. Ouais, bah ça on y est, bah là on va la voir jusqu'au mois de juin. Hein. On attendait. Qu'est-ce qu'on mange? Non, on va surtout l'avoir jusqu'au mois de juin, ouais. Là, de doudoune. Hein. C'est-à-dire il quand la même, quand jusqu'en il y a 25 mars, degrés. Ouais. Mars et non, bien, mars, bien plus tard. Mais bien plus tard. Mai, juin, même, la dernière. Hein. Arrête, ça fait trop mal, Fredo. Parce qu'il est en train de la sodomiser. Ah, hein. avec le gravier. Et là, elle jouait. Oh merde. Ça, ça m'a chauffé, moi. En fait, il me prend dans ses bras, mais il serre tellement fort qu'il me brise les deux bras. Aïe. Ah, là aussi, ça va essayer Mika cette fois-ci. Et pour Oscar Mafia, misez quoi? Micro. Peut-être. Au cerf. Oh, ça se joue à la baie des champs, là? Ouais. Je vais peut-être mettre une petite pièce sur Bastia. De toute façon, c'est fini. On peut plus voter. On peut plus miser. Ça a déjà démarré. Direct. Non, on signer un chèque. Ça va être Ben Marine, président. Ouais, comme ton cul. Attends, je vois des crocs de nez. Ça se trouve, c'est aussi profond. On peut pas savoir. Par contre, quel match après? Allez vite. Eh ben, Lyon-Paris. Ah ouais, mais c'est gagné, vieille dinde. Lyon-Paris. Lyon-Paris, je pense que Paris va aller faire un résultat à Lyon. Arrête, mais quelle conne, elle me bouffe la main. Ouais, mais elle est débile. Dis donc. Oh, dis donc. Ne parle pas ce qui se passe en antenne, merde. C'est ça. Tu crois que j'ai pas entendu la vanne de Pierre Crête sur ton Playboy des bacs à sable hier? Eh ouais. Mais c'est même pas lui, dis-lui. Attendez, tu crois que moi, tu vas me prendre pour un lapin de 3 semaines, tu crois pas que je vois ton manège depuis quelques jours à tourner autour, aller à la pause club, sortir l'iPhone et blablabla, bah tu peux aller le voir, il est ailleurs. T'as fait exprès, je pense, tu voulais pas que mon amour naisse. Ça doit être ça, ouais, ça doit être ça, ouais. Non, mais c'est même pas vrai, dis-lui, Minique, mais c'est pas vrai, ils ont plongé comme des Mongoliens et dès que j'ai dit un truc. Dès qu'on parle à un mec ici, on se le pécho, je sors toujours. Non, à part toi, vas-y, dis dans cette. Et encore, je t'ai pas pécho. Bah le Corse. Mais le corps, j'aimerais bien, mais il veut pas de moi. Tu vois le corps, tu as une possibilité là, ce soir avant 23h dans les chiottes en speed. Regardez cette magnifique position. On rentre pas dans le détail, hein. J'ai trop faim. Le corps ne bourre pas n'importe quoi. Non, c'est vrai, effectivement. Bon, et puis on parlera donc. Bah, c'est sympa, hein. De quoi? Je suis n'importe quoi, donc. Ah bah oui, mais bon, écoute. Attends, c'est ça que t'as mal pris, c'est pas bourré, je comprends pas. Non, ça c'est pas un problème. Non, c'est bon, n'importe quoi. Venez donc, si vous voulez, donc sur le groupe Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Guillaume qui est dessus et qui me montre sur une carte, une map monde, où se trouve l'Australie. On vous dérange pas à la sortie de mon studio, les deux c'est dingue. Il m'a touché les yeux, non mais. Faites gaffe, j'appelle Polo pour qu'il vous vire du studio, là. Il m'a mis la main. C'est dur, là, quand même. Donc, pour me montrer où se trouvait l'Australie. Merci. Guillaume, et je sais où ça se trouve. Hugo qui est là également, il y a Méline, il y a Cassou, il y a Camille, il y a Nicolas, Alexandra et tous les autres qui sont donc connectés sur le Facebook. Et puis il y a la chaîne américaine, c'est CBS qui planche sur une nouvelle télé-réalité. Donc en fait, ils vont faire, Vie ma vie sur TF1. Oui. Ils vont faire pareil, mais avec les stars. Donc quelle vie vous aimeriez bien échanger avec une star? Enfin, pas échanger, mais genre vie ma vie de star. Pendant 24 heures, quelle star t'aimerais bien Moi, avec Kristen Stewart pour me pécho Robert Pattinson. Toi, tu t'es pris une tape. Et toi, le Corse? Je sais pas, moi avec Brad Pitt. Qui c'est ça? Brad Pitt. Brad Pitt, c'est ça? Ouais, George Clooney. Ah ouais, mais enfin. Mais George Clooney, pourquoi? Il se tape personne, mec. Il est célibataire, le gars. Non, mais pour non, ça, tu rigoles, il est avec la vie qu'il a. Elisabetta Cannabis. On n'a pas parlé des sens encore. Non, on s'en fout. J'y vais là. Robert De Niro, parce que c'est mafieux. Hein? C'est parce que c'est mafieux. Non, parce que j'aurais bien aimé jouer dans les films qu'il a joué. Ah ouais, d'accord, ok. Très bien, parfait. Vous avez Charlie Oleg dans l'émission? Charlie Oleg? Ah oui, le Corse. Oui, bon, speed. Mais il joue pas du piano aussi? Non. Ah bah voilà, il joue pas de piano. C'est ça qui est dommage. Sinon, il se fait debout. Bah, c'est ça. Oh, jouer du piano debout. Mais il aime bien être assis, bien, bien bas d'ailleurs, avec la table de mixage dans les dents. Voilà, c'est ça. Voilà, comme ça il est bien. Et toi, Pierre, une star qui t'aimerais bien échanger pendant 24 heures? Ce serait une star, une meuf déjà. Ouais, pourquoi? Pour me caresser. Et ce serait Aretha Franklin. Rien à voir. Aretha. T'aimerais bien Vincent. Meg Ryan en 93 quand elle était dans Comme un moto sur la banque. Oui, à l'époque, ouais, à l'époque. Qui était très bien et maintenant qui est très moi, Nathalie Portman. Très dégueu. Nathalie Portman. Pour que Mika ait envie de moi. Ouais, non, mais si je sais que c'est toi, c'est mort. Et toi, Mika? Moi, le mec de Scarlett Johansson. Comment il s'appelle, tu vois? Je sais pas, mais c'est un connard. Il s'appelle Ryan. Ryan Leslie? Pas du tout. Ryan Leslie. Oh putain, comment il s'appelle? Quelque chose, Ryan Air. Tape Scarlett Johansson et Ryan. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, tu vois, il est pas dégueu du tout. Nickel. Ouais. Moi, par contre, c'est à moi-même que je vais ressembler. Par contre, il a le nez brûle sur ce. Le nez avec la boule, là. Il a ça. Ah, c'est moche, ça. Ouais, c'est très laid. Oh non, c'est pas ce dos-là qui se tape Scarlett? Bah, si, il est marié avec elle. T'as vu, hein? Et il est moche, hein? Mais il est laid qu'il en peut plus. J'aimerais mieux toi, non? Il est pas terrible. Je vais me rapprocher du corps parce que personne me calcule, là. Ah, bah, tu vois, voilà, hop là, la main sur la cuisse, comme ça, il va pouvoir avoir la petite gaule du soir. Oh là là, faut arrêter de me prendre pour une fille facile. Non, bah attends, tu te rapproches sur la cuisse, la cuisse. Bah c'est ça, t'es en train de te rapprocher là. Mais j'ai pas la main sur sa cuisse. Bon, dites-nous si vous avez envie de ressembler à une personne, enfin pas ressembler, mais juste échanger, faire le vie ma vie d'une personne en particulier. Dites-nous, dites-nous pourquoi d'ailleurs aussi. Et toi, Mickaël? Des frères Bogdanov. Non, non, pas du tout. Les frères Bogdanov. Il a eu des drôles, la blague. il est content, ça l'a fait marrer, il est content. Merci, mon Mika. Non, parce que j'aurais bien vu la gueule de Mika avec, de Mikaël avec la gueule de Bogdanov. Non, de Mika aussi, mais il n'y a pas grand chose à changer. Ouais, c'est ça, ouais. Le menton, non, c'est le même. Pas, je sais pas de qui. Ah, je vois plus Mika, c'est cool. Je vais réfléchir, tiens. Tu nous le dis après. T'aimerais pas être Mark Zuckerberg ou Bill Gates? Pour faire. Bah, pour les sous. Bon, non. Bah, non, mais c'est qu'une journée. Ah, mais moi, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, hein, le fait d'avoir. Qu'une journée, tu te fais un gros virement sur ton compte à toi. Ouais, c'est ça. Et après, tu reviens dans ton corps. Bah, mec, j'ai vécu ta vie, quoi. Je fais des transactions. Genre avoir une grosse société, tout gérer, le bordel, le pognon, ça, c'est un truc qui m'intéresse. Mais non, mais t'es Mark Zuckerberg un dimanche. Ah oui, un dimanche, ouais. À Bamako. Ouais, pourquoi pas, c'est une idée aussi, ouais. C'est une idée. C'est le jour du mariage. Trois en même temps. Ah, allez, mets un disque, mets Leslie maintenant là avec hier encore. Et puis bon, bah, donnez vos avis. 4-1 pour Lille, là, quatrième but pour les Lillois face à Caen avec un rouge. Pour Caen, c'est bientôt terminé. Il reste, je crois, 25 minutes, un truc comme ça. On va suivre tout ça, bien entendu. Et puis on se met comme promis maintenant Leslie avec hier encore sur Goom. Leslie à l'instant sur Goom Radio avec hier encore. Il y a Julien Peretta qui va débarquer aussi dans quelques instants. Et puis bah, je vous ai demandé aussi, hein, donc ils vont faire c'est CBS en fait, une chaîne aux US qui planche sur une nouvelle télé-réalité en fait où il y a de grandes stars hollywoodiennes en fait qui pourraient changer de vie avec un anonyme, donc avec un téléspectateur en l'occurrence, et donc ce serait une sorte de vie ma vie version star, et donc bah, ils pourraient changer de vie. T'imagines la star qui arrive dans la vie du Corse par exemple. Oh là là. C'est une merde. Non, mais putain, c'est vrai, hein. Vas-y, échange ta vie avec Zac Efron ou Robert Pattinson. Il se régalerait. Mais non, un mec qui se régalerait. Ouais, ça reste à voir encore. Question, hein, c'est tu connais ma vie d'où, toi? Mais non, mais il boufferait du fromage et tout. Ah, oh, ouais, c'est clair, ouais. Ouais, t'imagines, c'est clair. Et je suis à Bastia, je suis David Guetta, Famus. Et alors, oui. Autre question, est-ce que, alors, par exemple, Mika, qui, à mon avis, la réponse est non chez lui, mais on sait jamais, vu le nombre de meufs qu'il a, qu'il enchaîne, etc. Est-ce que t'es du style à partager tes codes? Genre code Facebook, code mail, enfin ta boîte mail, etc. Jamais de la vie. Si, à une seule personne. Mais tu rigoles, c'est son plus gros outil de drague. S'il dévoile ses codes, il est mort, le mec. À une seule personne qui a mes codes, c'est Émilie. Et je sais que c'est pas la bonne personne, hein, mais elle a mon code mail. Ah ouais, et tu sais que tout à l'heure j'avais un dossier perso, je voulais trop regarder. Ouais, et qui dit code mail dit forcément le premier mail d'inscription Facebook. Oh, ouais, ça si tu l'as gardé, toi, un idiot aussi, pourquoi tu gardes ça? Oui, non, je l'ai viré, mais c'était pour faire un teasing. Ah ouais. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'elle peut aller checker dans mes mails. J'ai trop envie de les lire. Ouais, bah je vais changer de code. Oui, bah maintenant, oui, d'ailleurs. Je comprends pourquoi tu m'as fait spiter tellement longtemps. Toi, tu partages ou pas Emily avec ton mec? Et confiance un peu. Non, bah en toi, non. Avec quoi? Avec ton mec, quand t'as un mec, tu partages avec ou pas les codes? Avec ta meuf? Non, ça. Avec ton chien? Non, avec mon mec. Non, mais je partagerai pas. Mais on n'a pas partagé nos codes. Chacun son truc. Et mais si. Après, si t'as rien à te reprocher et que t'es pas jaloux maladif, tu vas pas partager tes codes. Ouais, mais attends, parce que t'as des couples qui ont le compte Facebook commun. Ah non, tu vois ce que ça, je veux dire, ouais. C'est prénom, nom. Moi, j'ai déjà et vu ça. Machin. Virginie et Nicolas, nanana. Ah, ça, c'est très dur. Ça, parce que ça veut dire que entre parenthèses, ils mettent leur prénom. Virginie, ils parlent. Ou, ouais, Nico, voilà, parle. Exactement. Ben... Je dis rien parce que mon frère, il avait. C'était honteux. Qu'est-ce que c'est? Yo et Caro sur Facebook. Il a vite enlevé parce que je lui ai dit, si tu fais ça, je te renie. Et il a enlevé. Mais moi, je partage, je donne mon code, oui, avec la personne, avec une personne de confiance, je peux le donner. Bah, c'est bien, t'es généreuse. Mais c'est normal, je vois pas pourquoi je vais cacher. Bah, non, moi, c'est parce que c'est relou, si tu partages tout. Non, mais pas tout, mais mon code PIN. Qu'est-ce qu'il y a, Mika? Je suis trop incrustée, pardon. Ah, bah, voilà. Tu disais, Émilie? De ma vie. Non, je disais qu'il y avait les copines proches de moi, genre, ça, c'est toi, elles connaissent mes codes, je m'en fous. Oui. Mais, mon mec, non. Ton mec, non? D'accord, attends, je donnerai pas. Tu partages ou pas, toi? Ça dépend avec qui. Avec ton mec. Bah avec ta meuf ou avec oui avec ton meuf ou ton mec, pas fort, t'en fous. Mais enfin bon, ouais, avec le mec avec qui tu es quoi. Si tu partages. Non, c'est ça dépend quoi, Facebook tout ça, non pas du tout. Facebook, les mails, etc. Non, non, non. Et toi, Pierre? Il veut pas, Bobby. T'as le truc qui en a. Non, moi, je partage avec personne. C'est mort. D'accord. Non, parce que tu beaucoup. Peux pas, c'est relou aussi. Mais moi, j'ai un mot de passe pour plein de supports, donc c'est toujours le même. Donc si je donne mon mot de passe pour Facebook, c'est le mail, c'est la banque, c'est tout, quoi. Et oui, c'est ça, c'est ça. Donc c'est chiant parce que je retiens jamais si j'ai trop de comptes. Donc elle est blindée d'oseille, donc elle a plein de comptes en banque. Oui, et j'en ai beaucoup en Suisse. Plein de cartes de crédit, exactement. Est-ce que c'est vrai ça? T'as un premier code et après tu rajoutes toujours une lettre ou un chiffre et à la fin tu t'en sors plus. Oui. Le problème c'est que sur certains sites tu dois mettre des chiffres et des lettres, sur d'autres sites tu mets que des, tu dois mettre que des chiffres ou que des lettres, ou tu vas commencer par une majuscule. Et donc du coup par exemple si je mets mon code, c'est j'en sais rien moi, Michael sur un site, sur un autre site ça va être 01. Sauf qu'il est déjà pris, donc tu vas mettre 02, ouais, puis après tu t'en souviens plus puisque t'as mis avec c'est deux clair. L parce qu'avec un L il était déjà pris, enfin une thalas. Moi clair. C'est Skype, je ne me rappelle jamais de mon mot de passe de Skype. Moi tout est en automatique sur mon ordi parce que c'est vrai que sinon après j'oublie mon mot de passe non, et après non, il me parce renvoie, que c'est mais... au travail et je me suis ah oui, niqué, non, mais moi c'est mon portable donc c'est pour ça. Mais ah, toi t'arrives à l'oublier alors que tu le tapes tous les jours. D'ailleurs, ouais, la personne qui m'avait pris mon compte et qui m'avait spammé ici là, qui avait marqué des pseudos de Chagas et qui avait parlé à tous les mecs de mon Facebook. Il est trop con parce qu'il avait laissé lui en revanche mémoriser son adresse et son mot de passe. Oui, ouais. Du coup la dernière fois je suis allée mettre un statut, j'ai mis est une grosse merde. Il y a une semaine, même pas deux semaines, ouais. Un truc comme ça. Qui avait fait ça? Ouais, pour le coup c'est con. C'était ouais. Le gros cheveu là qui jouait dans Les Choristes. Ah putain, énorme. Meunier. D'accord, ok. Énorme. On avait pas changé aussi ta photo de ton avatar, de la photo de profil, hein. On avait pas mis un anus, un truc comme ça. Non. C'est à qui? Non, c'est toi. C'était sur mon ordinateur. J'avais eu la surprise en rentrant chez moi. Je voulais me regarder une série. C'était en fond d'écran. En fond d'écran, j'avais une fille qui se faisait sodomiser mais violemment. Et le pire, c'est pas ça, c'est que je l'avais allumé à Marseille, hein. Donc devant ma mère derrière moi. Heureusement que j'ai claqué super vite. C'était pas ton père, sinon on aurait pu ouais, avoir. Ça, ouais. Ça aurait pu faire un drame. Non, mais je parlais des calls en fait. C'était parce qu'apparemment t'as beaucoup de couples qui hésitent pas à partager leur mot de passe, donc pour Facebook, les mails, etc., avec leurs copains ou leurs copines. Et donc pour eux, il s'agit d'un signe de confiance. Non, c'est un signe non, de débilité. Ça n'a absolument rien à voir avec la confiance, hein. Parce qu'au début, tout est toujours rose, et c'est après, au moment où ça commence à partir en couille, que si par malheur, tu changes ton code. Et pourquoi t'as changé ton code? C'est ça. T'as quelque chose à cacher? Ah ouais. Mais le problème, c'est que moi, je sortais avec quelqu'un et j'écoutais ses messages sur le téléphone. Et donc, le code, je le connaissais. Et une fois, il avait changé son code. Et du coup, je voulais lui dire, mais si je le disais, je me faisais capter. Et il allait capter que j'allais capter. C'était pour savoir si vous le suiviez. capter. Ouais, voilà. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, non, par exemple, j'ai appelé. Le code, c'était 345. Le lendemain, c'était plus le même. Et je lui avais dit, mais pourquoi t'as changé ton mot de passe? Et il m'a dit, ah, mais pourquoi tu écoutes mes messages? Bah oui, il a pas et temps. Et du coup, après, hein. Il a plus du tout eu confiance en moi, il m'a quitté. Tu m'étonnes. Et depuis, j'ai jamais eu d'autre histoire. Oui, mais c'est normal. C'était en 82. Non, c'est 84, en fait. 84. C'était avec un bébé c'était à la maternité. Un an avant que tu naisses, à peu près, quoi. Non, bon. Je suis née en 84, Mickey. Ah oui, donc c'était ouais, la maternité, effectivement. Bon, et sinon, il y a un psychologue aussi, il y a Manisha Patkar, qui a donné son avis aussi par rapport au fait de donner ses mots de passe. Elle dit, le fait de contrôler la boîte mail ou le compte Facebook du partenaire est similaire à une traque. Ce genre d'attitude peut vite déraper dans l'extrême. Après ça, ce sera le téléphone portable, les factures de téléphone et pourquoi pas un test ADN pour les enfants, etc. La confiance est à la base de toutes les relations. Non, mais c'est vrai, pour le coup, effectivement, ça n'a aucun sens. Si t'as confiance en ta meuf ou en ton mec, t'as pas besoin d'aller vérifier si effectivement oui ou non il a envoyé des messages, quel est son oui. code, qu'est-ce qu'il a reçu comme mail, etc. Dites-nous si vous avez ce genre de problème aussi. Tiens, 01 55 64 13 24. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec des psychopathes, des mecs qui voulaient absolument tout savoir, tout voir, voir tous les détails, les mails que vous avez reçus, les messages que vous avez reçus, etc. 01 55 64 13 24. Il y a Camille qui dit, moi personne ne connaît mes codes. Bah c'est mieux comme ça, je pense. Hein. Y a quoi aussi? Y a Beverly aussi qui dit, bah moi j'ai, y a un copain qui m'a passé son code de MSN, donc je peux tout faire. Et moi je lui ai donné une fois ça. Oui, ça sert à rien. Ouais, bah, ah bah ouais, je t'échange mon mot de passe. Oui, bah t'es bien avancé que ça tient. Non mais c'est nul à chier. Mais en revanche, par exemple, je viens de le changer parce que je viens de me rendre compte d'un truc au-delà des mis. C'est que dans tous les PC de la boîte, en fait, je me suis au moins connecté une fois. Et si elle a mon mot de passe, ça veut dire qu'au moins je pense tout le monde là, en fait. Mais non. Ah oui, il y a des chances. Bah, mais non, mais le mot de passe, tu le vois pas. Tu le vois pas, mais. Mais moi, je suis une merde parce que je comprends rien. Windows, les PC, je comprends plus rien autant, voilà. Mais à chaque fois, je cliquais sur oui et tout. Et je viens de me capter. Bah, en oui, fait, c'est genre sauvegarder le mot de passe. Oui, c'est que j'ai fait. Voilà. Je pense que j'ai fait ça. Mais c'est vrai parce que quand on se connecte à l'ordinateur d'Emilie, on a tout de suite Mika Rokia avec ton mot de passe, mais. On sait pas quels sont les chiffres. Home. Mais du coup, on peut tout de suite aller sur ton compte. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça, faire de la merde, c'est pas mal, ouais. Bah oui. Il y a Shaima aussi, pardon, qui dit, moi, c'est avec mes meilleurs amis et j'ai les leurs. Mais à quoi ça sert? Mais non, mais tu partages quelque chose de confiance. Tu sais pas, c'est une confiance, c'est bien. Je sais pas. Il y a Cassandra qui dit, bah oui, c'est surtout un signe de connerie. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Raison, en fait. C'est dingue, ça. Si t'avais une copine, Michael, tu lui donnerais pas? Bah non, pourquoi faire? Enfin, ça sert à rien, quoi. Moi, je sais que ma meilleure amie, elle a mes comptes même de banque et tout, et c'est même elle, des fois, qui me dit, t'es à moins 500, là. Ouais, alors, mais ça, c'est pour mieux espionner l'autre. Non, c'est parce que ma mère lui demande de me surveiller, mais. Ouais, voilà, c'est ça, parce que tu sais, c'est-à-dire qu'elle surconsomme, là. Mais là, paye, je me dis, quelquefois, c'est pas possible, moins 500, elle me vole peut-être, t'imagines, Laura. Qui sait, ouais. Non, jamais. Non mais enfin je comprends pas trop l'intérêt effectivement de faire ça, mais bref, si vous avez déjà aussi été traqué, si vous avez donné vos codes à votre copain, à votre copine, dites-nous un peu comment ça se passe tout ça. Vous faites péter le 01 55 64 13 24 et donc comme je le disais, je l'ai dit au corps sans antenne mais j'ai oublié de vous le dire, 1-0 pour Auxerre face à Bastia. But à la 8e minute de Kersia. Allez Auxerre. Allez Auxerre, allez Auxerre. Enfin, rien fait encore, hein, on est à la 20e minute là, il y a encore moyen de renverser le Moi j'ai dit Bastia, ils vont gagner. Ouais, bon enfin t'es quand même bien motivé pour le coup, hein, parce t'as que entendu là, c'est ce pas qu'on gagné, a dit gagné ou pas non plus, hein. Ils ont pris un but. Non mais enfin ouais. Il reste 60 minutes et non alors, plus encore. Ils ont pris un but dans les filets. C'est que le gardien, terminé. Il a perdu la balle, il a pas pu l'attraper. Ou alors il était pas là le gardien. Ou alors ouais, il se faisait peut-être une pause, tu sais au soleil. Ça, je crois que c'était l'heure de la sieste. Il faut une alternance, les joueurs de Bastia. Peut-être. Oh, ouais. Joue, vas-y, je vais sur le banc. Voilà. Et c'est, on est 7. Et c'est bientôt terminé pour Lille-Caen, là. 4-1 pour Lille avec un rouge aussi pour Caen. Et puis voilà, hein. Il y a Lyon-Paris qui va démarrer dans quelques instants. On va se mettre un peu de son maintenant. Julian Peretta avec Wonder Why. Voilà, jusqu'au bout, Julian Peretta, le live qu'il avait fait dans l'émission quand il était passé nous voir. Il y a des photos d'ailleurs qui traînent sur amical.fr si vous voulez aller voir si vous étiez pas là à ce moment-là. C'était Wonder Why et but de Bastia. Ouais. Non, c'est une vanne, c'est une vanne. Non. Il était content. Là. Il était content, mais on s'est raté. Non. Toujours 1-0 pour Auxerre. Oh putain. Ah ouais, c'est dur. Hein. C'est dur, hein. Tu vas être en pression là. Ah, c'est j'ai dur. Le cœur qui est monté. Il m'a dit but de Bastia, mais sérieux. T'as fait sortir l'écharpe. Je suis sûr qu'il a le maillot sous la chemise. Genre, il est capable de le ah ouais, sortir c'est vrai, à toi. T'aurais pu mettre le maillot de Bastia là, putain. Mais, faux supporter, mais c'est une cagoule, hein, le maillot. Il y a. Ça fait rire les jaunes. C'est ça, ouais. Ta gueule, ouais. C'était ça le rire du camp. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 ans, 5-6 ans de son arrière. Mais c'est vieux, ça c'est trop vieux, 5-6 ans là. J'ai créé un groupe de supporters qui existe encore et qui s'appelle. L'été de brûlé, tu vois, ceux qui tuent tout le monde. Non, c'est passé, mais là il m'est arrivé de grosses histoires à Lorient, enfin de partout. Oh là là, c'était dur. Ouais, c'était dur. Et après, depuis, il a fait le PSG. Hein. Mmh. Ouais. Ouais, mais en plus, c'est vrai, c'est mes deux équipes préférées, Bastia et Paris. Ah, Bastia et Paris, Paris qui va jouer ce soir, j'espère qu'ils vont pas perdre. Ouais. On va voir, hein. Parce que bon, là, pour l'instant, toujours zéro pour Bastia. C'est ma malheureux. Gueule ou pas non. Bastia et Paris. Bastia et Paris. Bah, t'es sûr. Bah, c'est parce qu'il habite à Paris aujourd'hui. Non, depuis gamin, depuis Ouéa, Bernard Lama, Vincent Guérin. Ouais, enfin bon, rentre pas dans le détail, hein, je sais pas ce que tu me racontes, donc commence par rentrer. Le mec, trop, il m'a sorti Guérin, quoi, Guérin, j'avais mec 9 ans, quoi. Ouais, c'est ça, mais bon. Bon, bref, tout ça pour dire que nous allions tout à l'heure aussi faire péter la journée internationale. Ce sera quoi tout à l'heure, des Pierre? Flics, des porcs. Des flics, des porcs, parfait. Et puis avant ça, ben, souvenez-vous, c'était hier, Paul Le Poulpe. Hommage à Apollo. Paul Le Poulpe était décédé et donc nous avions fait la journée internationale de Paul Le Poulpe. On écoute ça maintenant, c'est d'une c'est bon. Pas celui-là qui est violent extrêmement, hein. C'était le cul. Hein. Ah, c'était après. Ouais. C'était l'appel coquin, d'accord, OK, ouais. Bon, allez, c'est ça, parti. Ça va, Paul léger. Le Poulpe donc maintenant journée internationale, on y va. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Magazine Thalassa, le magazine de la mer. Oui. On a besoin d'un témoignage de personnes qui sont attachées à la mer, comme vous. Oui. Ouais. Bah, alors, je vous explique le sujet. Allô, monsieur. Oui, je vous écoute. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, très bien. Alors, je vais faire court. Hein. Aujourd'hui, on a appris la disparition de Paul Le Poulpe. Oui. Et en fait, on a besoin d'un témoignage un peu poignant d'une personne qui serait attachée à ce poulpe. Vous avez entendu l'histoire de Paul Le Poulpe? Non, pas du tout, non. Eh ben, c'est le poulpe qui avait fait toutes les pronostics sur la Coupe du Monde. Ah, bah, il est mort, il est quoi? Eh ben, il est mort aujourd'hui, il est décédé ce midi. Eh ben. Et alors, donc en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est quand on va faire le sujet de vendredi prochain, on va prendre des témoignages, et on va dire, et aussi, les poissonniers étaient très attachés à Paul Le Poulpe, on écoute. Mais non, franchement, non, bah non, moi je suis pas attaché aux poulpes, hein. Je préfère une gonzesse, hein, mais bon. Non, mais bien sûr, non, mais c'est juste de dire quel destin funeste pour Paul le Poulpe. Moi j'avais beaucoup d'attachement pour lui en tant que poissonnier. Ah, mais bon. Non, non, c'est pas mon truc, je vous prends avec ça, non. Non, mais vous voyez à peu près le. Ouais, non, sinon... mais je vois, mais je veux pas que ça a à foutre, j'ai autre chose à faire. Non, mais vous voyez juste le papier, mais c'est juste un truc d'angle, hein, monsieur, hein, c'est pas non, méchant. Non, c'est bon, ça m'intéresse pas, merci. Alors, Paul le Poulpe. Paul le Poulpe est mort, et j'en suis vraiment. Vous pouvez pas juste dire ça? Non, c'est bon, y'a pas. Mais comme ça, on le fera au montage, nous, dans le sujet. Non, c'est bon, je m'amuse pas à ça. Mais si Paul le Poulpe est mort, et c'est une grande disparition pour moi qui en vendais. Non, c'est bon, merci. Au revoir. Non, monsieur, s'il vous plaît. Non, non, je joue pas avec vos conneries à la con. Mais c'est Thalassa. Un foot de poulpe, moi, je te joue. T'aurais dit une gonzesse, je m'en fous. Encore à la rigueur. Mais c'est des trucs de poulpe. Il est mort, qu'est-ce que j'y passe, moi. Eh ben, c'est un pauvre poulpe qui était. Il était adoré dans le monde entier, Paul le Poulpe. C'est des conneries, tout ça. Mais il était adoré dans le monde entier, le poulpe. J'ai du travail, monsieur, je veux pas que ça a à foutre, moi. Non, non, mais d'accord, mais dites-moi juste, simplement. Non, Paul, je dis rien, j'en ai rien à branler. Paul le Poulpe est mort et j'en suis vraiment désolé. Oh, les salons. Ah, il aurait pu faire quand même l'effort. Bah oui, un petit hommage. Oui. Bah, il aurait pu faire l'effort, c'est vraiment décevant quand même. Non, il préfère les bouffer. Lui. Bon, si vous avez des idées là pour faire les journées internationales, n'hésitez pas à vous balancer tout ça bien sûr à Pierre et puis pour m'envoyer ça, bah vous faites mikl@goomradio.com. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis vous avez tous à un moment ou à un autre vous êtes certainement passé dans un village qui avait un nom de merde. Oh oui. Ou vous peut-être né dans un village qui a un nom de merde. Ou vous habitez aujourd'hui dans un village qui a un nom de merde. Bistouliou. Bistouliou, s'il te plaît. À côté de Gorté, c'est pas trop drôle. Moi, je viens d'un village qui s'appelle Tox. Ah, mais t'es de Tox? De Tox. Tox. Mais tu connais des amis à moi, là. Et comment t'appelles les gens de Tox, sans déconner? Les Toxois. Les Toxico. Les Toxois. Ah d'accord, parce que les toxicos ça aurait pu être drôle. À Marseille, il y a plan de cuc. Plan de cuc, tu dis au plan de cuc. Et il y a Bouc Belair ou Roquefort la Bédoule. Non mais il y a aussi des trucs connus comme Bourg la Reine, etc. Mon cul. Et sinon, il y a un village autrichien qui s'appelle Fucking. Oh non. Mais écrit comme il faut. J'ai trop envie d'y aller. Voilà, 93 habitants qui forcément sont régulièrement victimes de harcèlement téléphonique de la part de farceurs, n'est-ce pas, Pierre? Bon, comment ça se passe, Émilie, là, avec ton pied, là? Je suis trop bien, là. Ouais, bah, c'est-à-dire qu'elle a... Non, mais elle a des pieds tellement longs qu'ils arrivent jusque chez Pierre, presque. Il y a quand même 2 mètres de différence. Hein. Ouais, mais c'est bien, ça. Il y a pas de problème, moi. Je préfère monter que tes pieds, hein. Enfin, tes jambes, en l'occurrence. Que ta gueule, hein, tout simplement. Mes jambes, tu rigoles, mes jambes, elles sont canons, quoi. Ouais, bah, dis donc. Ça va, toi, ou pas? Ouais, ça va. Et donc, du coup, 93 habitants, et donc, ils sont souvent emmerdés par des farceurs britanniques alcoolisés. Donc, ça va, c'est pas pire, pour le coup. Et alors, il y a aussi, alors, du côté de Fucking, donc, c'est ce qu'ils disent, hein, les gens. Ils ont entendu toutes les blagues possibles et imaginables, etc., etc. Et depuis des années, les résidents du village autrichien en ont ras le cul, et donc, ils ont dit qu'ils voulaient pas changer le nom, et qu'ils voulaient qu'on leur fiche la paix, qu'ils faisaient de mal à personne, et qu'ils voulaient juste vivre en paix, etc. Et donc en 2009, faut quand même savoir qu'il y a une loi qui est passée. Donc du coup, maintenant ils sont assez contrôlés. Il y a des caméras qui ont été posées aux entrées du village pour dissuader les touristes de baiser devant le panneau. C'est très très bon, ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est dingue. T'imagines, il y a Fucking, les mecs qui s'arrêtent. Ah bah tiens, je vais lui péter le cul. je vais lui casser les pattes arrière. C'est bon, ça. Et ah, mais c'est ouf quand même. Les chambres d'hôtel, elles doivent toujours être remplies là-bas. Oh bah là, mec. Ouais, ah, Fucking, mais... ouais, peut-être. Ouais. Mais tu sais qu'ils devraient pas être cons, ils devraient en faire un truc. Mais oui. Eh ben, ils ont fait ça en Suisse, parce qu'en Suisse, il y a un village qui s'appelle Wank, W-A-N-K, qui veut dire branlette, en anglais. Et donc, eux, ils ont fait la situation similaire. Et, sauf que eux, ils ont été intelligents, ils ont ouvert une auberge de jeunesse. Ah. Qui est blindée tout le temps. Oh, bah, ouais, mais ils font que se palucher. Voilà. Ouais, tu vas à branlette ce week-end? Ouais, ouais, bah, je vais à branlette, pas de problème. Oh, voilà, but! D'Auxerre, 2-0. C'est Cartier à la 8ème et Samaritano, la 24ème. Oh, allez, c'est dur. Hein. C'était pour toi, le Corse. Oh, les Auxerrois. Mais Tox, il joue pas ce soir. T'es content, le Corse? Ouais, ouais. Oh, pas bien du tout. Ah bah ouais, mais bon, écoute. Il va pleurer. Il est triste, là. Il aurait préféré qu'on lui annonce que la Corse allait couler d'un coup dans le Méditerranée. Mais que Bastia allait sauver l'image. Le pauvre, il est... Non, boum. Ah, mais il est beau, le but, hein. C'est dur, c'est dur. Tu peux le dire qu'il est beau, le but, quand ah, même. Ah ouais, le but, là? Regarde Marseille, regarde. Non, ah non, c'est Marseille Guingamp. Oui, enfin bon. Oh, ils sont mignons, leurs petits maillots là. Ils ont des manches longues. Moulin. Bah oui, c'est quand il fait froid. Hein. Oh. Ouais, voilà. Ah, il est beau, le but de l'OM. Oh. Il est beau. Ouais, non, il est bien, mais c'est bon. C'est le seul face c'est à Guingamp, c'est dur quand même. C'est les frères Ayou. Ah, il y a des frères à Marseille. Ouais. Ah ouais, je connais ça. Ah, bah c'est non, comme mais dans Olivier Tom. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que ils mettent pas deux heures à mettre un but. Hein. À mettre un but, pardon. Oh putain, j'ai vu tout à l'heure aussi, juste après le journal, il y avait, comment s'appelle cette série pourrie là? Sur quelle chaîne? TF1. Les feux de l'amour. Et tu sais, je regarde. Quelle merde. Non, mais j'ai pas vu le truc, mais tu sais, je poussais sur info sur la télécommande et je voyais c'était l'épisode 5582. Oh putain. Oh, mais même si tu t'es arrêté en 95, tu peux suivre l'histoire. Non, mais c'est pas ça, mais c'est oui. Qu'aujourd'hui, je crois que plus personne n'est vivant. Celui qui a vu le premier épisode n'est plus là aujourd'hui. Non, ma grand-mère le regarde encore. Elle est fan. Elle a vu les premiers? Ouais, elle a vu les premiers, genre quand il y a les feux de l'âme. 86. 86 ans, ouais, c'est ça. Mais elle a de la chance. Oui, oui, ah oui, carrément. Parce que 86 ans, c'est un bel âge. Genre, la moitié des gens. Ah, mais plus, oui, ils sont la moitié plus des là. Gens qui sont ah là. Oui. Ils sont plus là, hein, ceux qui ont vu le et bordel. C'est, pour premiers. Elle, c'est, il faut pas que je lui parle. Hein. Ah, bah non, je l'appelle, j'ai pas eu de, non, bon, je l'appelle tous les jours, mais si je l'ai pas eu de 2-3 jours, mais je te rappelle, il y a les feux de l'amour. Mais j'ai une copine à moi qui est fan. Moi, qui a 18 ans, aussi, elle est fan. Hein. Mais elle a pas vu le début. Non, elle a pas vu le début, mais t'imagines mais c'est le temps qu'elle rattrape. Elle a 70 ans quand elle arrive à, elle est à jour. Non, mais ceci dit, moi j'ai pas vu depuis 5 ans. C'est vrai que si je regarde maintenant, je capte tout. Mais ah, attends, bien sûr. Il y a toujours Victor, c'est le fils Newman. De Victor. Ouais, Victor Newman. Ouais. Victor. Et le chancelor, la vieille. Il y a 50 ans qu'il a la même moustache. Ouais. Mais comme il doit être blindé, le mec. Victor Newman. Et Jack Abbott. Au tout départ, il y avait la Desperate Housewives, la meuf de Tony Parker. Ouais. Ah bon? Eva Longoria. Comment elle s'appelle? Ouais, elle Eva Longoria là-dedans. Était là-dedans. C'est pas vrai. Il y en a un, merde. Comment il s'appelle? C'était pas Brad Pitt ou un truc comme ça qui s'est joué là-dedans? Non, non. Si, y je y crois que c'est Brad Pitt. Qui ou était Tom Cruise aussi. Ou un truc comme ça, je sais plus. Et Tex de France 2, il a démarré. J'imagine tout le monde qui démarre là-dedans. La gaffe. Jean-Luc Reichmann. Oui. La gaffe, il a démarré là-dedans. Je vais prendre un whisky. Non, mais on parlait de. Du coup, j'ai dit qu'on. J'avais pas. Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle se regarde, c'est. Non, pas du tout. J'ai découvert que j'avais une. Une petite Oh, calme-toi, putain, t'as faim de moi, toi. Ouais, mais faites l'amour. J'avais une petite dans les chiottes, hein, si vous voulez. Un petit truc bizarre, non. Et j'ai cru que c'était une protubérance, mais c'était un grain de beauté. Non, bah d'accord. Okay. Non, c'était mon téton. Un bout de chocolat du brownies que t'as mangé tout à l'heure. Ça c'est possible aussi ça. Bon et donc du coup j'ai on a appris combien gagnait Laurence Ferrari. Alors bah dis donc. 100 000 euros. La vie est belle, hein. 100 millions d'euros par an. 1 million d'euros par an, ouais. Oh, salope! J'ai dit ça au hasard. Ah ouais, bah, prends 1 million d'euros par an. Je suis trop content d'avoir trouvé la somme. Pour non! Faire 40 minutes de JT par jour. Bon, il y a un peu de préparation, encore que, faut voir. Toi, tu dois pas être loin à la télé, hein, le matin. Mais tu rigoles ou quoi? Toi, tu dois être à 500 000 euros par an. Ah non, plus, tu rigoles ou quoi? Ah voilà. Bah oui, bien sûr. Tu dois être bon, le Laurent Ferrari, ouais, je suis comparé à toi. Bah, c'est ça, je suis. Donc, tu l'as appelé Lolo Ferrari, hein. Donc, c'est pas la même, c'est pas Laurence, la même. C'est Laurence, hein, Laurence Ferrari. Non, non, moi, je prends 750 000 à peu près. Et encore, c'est parce que je suis aussi direct star, tu vois. Je serai sur TF1, je prendrai 1,5 million. Voilà. À peu près, hein. Ouais, bah, minimum, hein. Ouais, ouais. C'est con, mais, et ça, c'est sans les pubs, hein. Bien sûr, c'est normal. Après, sponsor des marques et tout, bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quoi la pub dans laquelle tu vas, pour quelle marque, là? Dolce Gabbana. Oh, bah, je vais en faire plusieurs, là. C'est vrai? Ouais, ouais. Là, tu prends le pactole. C'est bon, ça. Bien sûr, bien sûr. C'est pour Nike, non? Exactement. T'imagines ouais. Le pour mec le sport, avec mon corsvel, regardez mon, faites le, faites du sport, nez, vous aurez vous des tablettes de chocolat comme moi. De quoi? Moi, de McDonald's, l'iPhone, toi. Ouais, mais en même temps, il y a pas, super, l'iPhone, il y a une main. La nouvelle de l'iPhone, elle est géniale. Ah, j'ai failli chialer, c'est un film, le truc. Ouais. T'as pas vu, genre, rester connecté avec vos amis, et la meuf, elle se marie, et ah, elle essaye sa maman. Robe de mariée, elle est en FaceTime avec sa mère et ah, tout. Ah, d'accord. Ah oui, trop si, je l'ai vu, ouais. Moi, j'adore la nouvelle, pas la nouvelle, mais elle tourne depuis un moment, celle de McDo, où t'as deux jeunes, ils se trouvent dans un McDo, et il y a des pom-pom girls, des mecs habillés, ouais. Ils pensent qu'ils pètent un câble en mangeant le nouveau sandwich. Détecté, ouais. C'est mythique. Ah, j'ai pas vu celle-là, tiens. Ouais, c'est, Et en fait, dehors, t'as le car avec écrit tournée USA. Moi, j'aimerais bien faire la pub de McDo, parce que pour les pubs, ils préparent des sandwichs qui n'existent jamais des beaux pains bien ronds bien en général ils sont en plastique hein. Oui parce que ça n'existe pas ouais. Ils mettent des colorants et puis ils mettent de la résine et tout pour que ça brille parce qu'il y a des maquilleurs de sandwich parce que les pubs que tu vois là ouais. Pour Quick et pour McDo dehors tu sais c'est les pubs affiches ça ressemble jamais à ça moi dans mon carton mais t'as vu la taille du steak c'est du plastique c'est le pire c'est chez les Asiates et tout là. Quand tu vois un plat qui est nickel et tu vois la bouillie qui est dans les plats là. Ouais, c'est mais partout, non, c'est partout, c'est comme mais ça si. Partout. Hein. Ah parce que moi je fais un très bon kebab s'il te plaît, les kebabs, c'est pire. Ouais. Tu vois l'assiette qui est nickel et tout et là tu vois les bouillies ramassées dans les bacs là dégueu. C'est vrai qu'avec Emilion qu'on est un chinois, peut-être Mika tu connais mais Pierre aussi. À Saint-Germain non, ils connaissent pas. Tu connais pas? Qui est non, délicieux. Moi, dans le 6ème, donc si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y. Par contre, un truc que je mangerai plus, moi, c'est les kebabs. C'est tellement bon. Il y a deux week-ends en arrière. J'étais du côté de Barbès et tu sais, il y a les trucs, les viandes qui tournent, les kebabs. Mais faut pas prendre ça dans la pollution. Ouais. Moi, je vais là-bas, j'ai donné moi un truc. Écoute-moi, je rentre chez moi. De la chiasse. C'était pire que la chiasse. Et... Ah, tu t'es mis la main au cul ou quoi aussi ou... Non, mais là t'as chié un mouton. C'est pas sorti par la bouche. Quand on avait testé les trucs pimentés, là, il en avait goûté un. Non, mais là, c'est sorti par la bouche. Il a mis la main au cul, il s'est levé, il s'est dit, il faut que j'y aille, mais il tenait la merde avec la main. C'est sorti par la bouche, c'est quoi? C'était du caca qui est sorti par la bouche? Non, du vomi. J'ai dégueulé. Plus jamais je mange cette merde, c'est dégueulasse. Tu m'étonnes. Parce que là, c'est pas bon, mais par exemple, dans le 15ème, il paraît qu'il y a le must des kebabs, le mec, mais il est même classé. Il est chef du kebab. Hein. Le meilleur kebab de Paris, peut-être de France, il est à 200 mètres de chez Émilie. Vraiment. Dans la rue Contrescarpe. Oh, c'est trop mignon. Ouais, non, mais c'est vrai. Le roi du falafel et tout, là. Bah, moi, j'aime pas les rails, c'est dégueulasse. Non, pas le falafel, le kebab, mec. Ah oui, le kebab. Et bah, tu sais que c'est pas un kebab, mais c'est des mecs qui font des crêpes. Je me suis fait baiser. J'ai fait la queue pendant 1000 ans. Il y en a deux, si, mec. Le truc, ils sont blindés, j'ai blindé, là. Le truc est blindé, j'ai blindé dans cette putain de rue, mais dans non, la rue Mouffetard. Il y en a deux. Dans la rue Mouffetard, mec, entre la place Contrescarpe et là-bas. Et bah, mec, c'est bien d'avoir j'habitais. J'ai fait la queue pendant 1000 ans et au final, le mec, il fait des crêpes. Non, il fait des kebabs. Il a une moustache. Il fait des kebabs aussi. Mais pourquoi on n'y est jamais allé, Emily? Mais tu me l'avais dit, je crois, quand on est passé. Astérix, c'était. Ouais. Astérix Obélix. Ah, moi, je suis pas fan des kebabs, tout ça. Je pense Tu sais ce qui est délicieux? Il y a un auditeur qui nous avait demandé si on allait goûter les nouveaux burgers de Quick et tout. Du coup, moi, je l'ai goûté parce que je me dévoue toujours pour cette émission. Bien sûr. Et le nouveau burger bacon et chicken. De Quick, il est succulent. Ah, il est bon. Ah ouais, mais moi, j'ai goûté le triple suisse ce week-end. En Belgique, ils ont sorti le triple suisse et le triple pepper. Mais attends, à Bruxelles, il y a Burger King? Non. Oh merde, il y a quoi? Bah, comme ici. Bah, il y a le McDonald's. Par contre, je te conseille les Doorum et les mitraillettes. Tu vas pouvoir goûter les mitraillettes. Je vais prendre ça en photo et je la posterai sur Facebook. Ah, bah, allez, quand même. Ah, c'est bon, un sandwich, quoi. On l'a pas, triple suisse, c'est ce que tu viens de dire. Bah, parce qu'en Belgique et en France, c'est pas toujours. Non, mais c'est au Quick, mais ils sortent pas toujours les mêmes burgers. Quand c'est des burgers spéciaux, là, tu vois, genre, qui changent tous les mois ou tous les deux mois, là, c'est pas toujours les mêmes là-bas, ici. Je sais pas pourquoi. Il y avait quand même le Quick tiré en rien. C'était très dur, ça. Et le Zidane. Non, le Koé Burger aussi. Il y avait Chabal. Ah ouais, Chabal aussi, ouais, c'est vrai. Bon, on revient dans quelques instants. Venez nous parler, hein, si vous voulez. 01 55 64 13 24. Et ça y est, Lyon Paris a démarré depuis 1 minute 46, 49, 50 même. Et toujours 0-0. C'est une victoire pour l'instant. Et Auxerre, malheureusement, score statique 2-0 face à Bastia. C'est pas assez, il faut en mettre plus. Les Auxerrois qui chient sur la Corse là. Ah, là, c'est à dire que là, ils ont pris des kebabs. T'es un grand chien avec une patte en l'air comme ça qui pss. Ah, bah, tranquille. Tu pisses dessus, à l'aise. Comme sur un lampadaire, peinard. Parce que la Corse, c'est un peu la crotte de la France. Oh, il va s'énerver là. Oh, il boit. Il est comme ça, comme à la boxe. Non, c'est pas la crotte de la France, le Corse. C'est pas vrai. Pour rire, j'ai jamais été en Corse. En plus, j'aimerais bien y aller. Hein. Mais je crois que je serais plus bienvenu maintenant. C'est magnifique. C'est très joli. C'est. Je sais pas, jamais été, mais je veux bien croire. Mais le football, c'est pas ça. Tu es le bienvenu. Ah ouais, bah oui. T'as vu après ça. On va me faire sauter l'avion. Je t'invite, moi. T'inquiète pas. Ah bah oui. Enfin bon, je vais voir l'occasion peut-être. Ils s'occuperont bien de toi. Bonne nuit, Emily. Oh, j'en étais sûr que t'allais capter. Bah oui. Mais enfin, c'est normal, tu fais. Moi, tout à l'heure, je baille, y'a personne qui capte. Oui, parce que t'étais loin du micro, peut-être. Mm. Ah, bah voilà. Mais parce que je suis respectueuse. Bah, moi, je suis mal polie, moi, mais je suis une conne, de toute façon. Mais non. Bon, allez, on revient dans quelques instants. On va se mettre le nouveau son de Rihanna aussi avec What's My Name. Oh, ça me fait penser à. Oh, il est là, ouais. Stop, c'est la pub. Exact. Ce qui me faisait penser à un petit Snoop Dogg aussi avec What's My Name. À l'occasion. Un vieux Snoop Dogg. What's my name? Doggy. Ah oui, c'était sympa. Pourquoi t'as le droit de mettre des vieux trucs mais pas rock? Bah oui, non, pourquoi? Mais Non, je sais pas, je crois que t'étais. Mais ce titre te fait penser à un ancien Snoop Dogg? Bah oui, puis il s'appelle What's My Name aussi. Oui, voilà. Voilà, c'est pour ça en fait que j'y pensais. Bah peut-être qu'on mettra tout à l'heure, tiens, on verra. Allez, c'est parti, Rihanna dans un instant, juste après la pub, à tout de suite. Rihanna à l'instant avec What's My Name à l'instant sur Goom Radio. Et on est là tous les soirs, vous lâchez vos messages. Ça se passe en direct évidemment sur le groupe Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Vous pouvez également balancer vos messages évidemment sur le 01 55 64 13 24. Et ça pousse quand même pour les Lyonnais, hein. Ouais, ça ouais. pousse. On n'est pas à l'abri que ce soit Lyon qui gagne quand même. Bon, bien que c'est vrai qu'on a encore le temps de voir le truc, hein. On a encore le temps de voir venir. C'est pas terminé non plus, loin de là même, puisque au final ça bah, vient de commencer au final. Hein. Tout compte faire. Bon, alors voilà, 0-0, c'est la 10e minute de jeu. C'est la mi-temps là. Heureusement, hein, ils soufflent un peu les pauvres à Bastia là, parce qu'ils souffrent. Hein. Eh ben, ah bah 2-0 à la mi-temps, ils souffrent. Hein. Mais bon, nous, il faut pas oublier que Bastia est en national et Auxerre en Ligue 1. Je dis pas le contraire, c'est toi qui fanfaronnais au début en disant oui, Bastia va gagner, bah. Mais on va gagner. Non, on va gagner. Bah, ils fanfaronnent parce qu'ils perdent 2-0 à la mi-temps. Les mecs ils sont en national, l'autre ils sont en Ligue 1, ils disent ouais non mais ouais, on va dire on va gagner. Quand même 2-0, on est en national. Il y a quand même deux buts à mettre, hein, pour arriver aux prolongations, pour pouvoir éventuellement mettre un troisième. Là face à Auxerre, ça va être quand même serré. T'es conscient de ça? C'est ça. Bien sûr. Encore ils joueraient contre. Je t'ai dit qu'on va gagner. Non, ils joueraient contre Arles-Avignon. Arrêtez avec Arles-Avignon. J'ai vécu là-bas. Je suis un peu. Non mais j'ai pas dit que c'était moche. J'ai juste dit que bon. Oui c'est vrai. Bah, c'est un club en bois. 10 jours, 0 victoire quoi. Ouais. Bah un nul. Un match nul. Deux nuls. Oh. Ah ils ont 2 points quand même, ils sont derniers mais ils ont 2 points. Non mais attention hein, c'est pas n'importe quoi. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas gagné hein, à le Corse. Moi je te dis qu'on va gagner. Ouais bah écoute on verra. Je ne dis que ça, on verra. Moi je pense que Cécile et Émilie devraient lâcher leur iPhone. Ouais je pense ouais. Parce qu'elles sont pas concentrées non, du pas tout. Du tout. De quelle équipe de foot on vient de parler là? On vient de parler de Arles-Avignon et de je sais pas quoi. Ah, non mais avant voilà. Et je sais pas quoi. Et voilà et tout est dit. Mais on parle de foot, on s'en fout. Parlez-nous de fringues et on sera présents. Ben non, il y a plein de, tu sais qu'il y a de plus en plus de filles qui aiment bien le foot, hein, soit dit. Hein. Bien sûr. Moi, j'aime le foot quand c'est, mais peut-être parce que je suis marseillaise, mais l'OM, c'est vrai que ça me dérange pas d'être avec les toiles ce soir. Ils ont pas, non, mais c'est passé déjà. Non, c'est passé. Ah bon, mais c'est vrai que supporter mon club, oui, et je suis capable d'aller au match, au vélodrome et mettre le maillot avec des frites et un kebab et crier. Tu fais ça, toi? Je le fais avec mes frères parce que mes frères sont fanatiques. Mais tu le ferais avec ton mec? Moi, je suis allée au match avec mon amoureux. Si j'ai plus envie qu'il me regarde et qu'il dorme avec moi, non, mais si mon mec m'invite à un match, bien sûr que j'irai. Tu rigoles, c'est génial. C'est, mais non, tant, mais sans bon le ça. Maillot, quoi. Finalement, c'est pas mal, Cécile. Ouais, mais t'aurais dû rester avec elle, hein. T'aurais pas dû casser comme ça. Ah bah, si tu veux, si tu veux, quand il y a un match de Paris, je peux te prêter. J'en ai un ici, je sais pas si tu les as pris avec, mais je l'avais reçu, un maillot de Marseille. Alors écoute-moi, je préférais qu'on me brûle que mettre le maillot du PSG. Non, mais je vais te dire, c'était un maillot de Marseille. Les oranges là. Ah, mais je le mets, hein. Oh, ils étaient moches. À Paris, tu risques pas énorme. Si, un peu à Boulogne, tout ça, mais tu risques pas énormément à mettre un maillot de l'OM. Par contre, à Marseille, tu mets un maillot du PSG. Ah, bah, mais c'est horrible parce que j'étais allé à OM PSG avec mon mec et je m'étais tapé la honte de ma vie parce que ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, en plus il m'impressionnait trop et tout, et j'avais dit oh, mon Dieu, les gens s'envoyaient des chaises dessus, mais ah faut oui, savoir c'est un dingue, carnage, ils enlevaient les chaises du sol, ils se les balançaient dessus et tout, bien sûr, et ça, j'avais tellement peur que ça parte en couille. À un moment je regarde dans la tribune en face et je dis non mais mon Dieu, ils sont complètement malades, ils ont mis le feu à la tribune. Il me dit non mais c'est les fumigènes de notre tribune, en fait, vu que c'est les loges et qu'il y a des vides, ça reflète. D'accord. Donc calme-toi. Mais c'est chez nous que ça brûle, t'inquiète pas, tout va bien. Mais je trouve ça sympa entre mecs de vous retrouver par exemple pour voir des matchs. Nous les filles on le fait avec les CRM, mais c'est pas la même ambiance. Oui, c'est pizza, sûr. Bière avec le match. Et moi, ça cool, je suis pas fan de foot du tout, hein. Je suis pas du style à aller regarder un match. Si, quand il y a un chouette match dans un stade, j'ai peut-être été une ou deux fois, c'est sympa, mais voilà. Plus l'ambiance à la maison, quoi, entre je sais que mes copains ils se retrouvent très souvent pour regarder le match, quoi. Les seuls que je regarde avec plaisir, c'est quand c'est la Coupe du Monde. Ouais, là, ouais. Ou à la limite la Coupe d'Europe. Mais alors tous les matchs de Ligue machin, de champion, en bref, tu vois, tous les matchs à gauche, à droite. Moi, j'ai découvert le rugby Le rugby. Je ne sais pas. Comment tu dis? Le rugby. Il y a un G en fait. Le rugby. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'assister à plusieurs matchs de la Coupe du Monde de rugby. Et j'ai trouvé ça, mais exceptionnel. Et pour moi, c'est bizarre, des vrais mecs. Le rugby, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'ils sont pas là à se jeter parce que l'autre te fait un tacle et on dirait que tu dis tout le monde. Le rugby, ça me saoule. Non, mais il y a vraiment, en revanche, un esprit sportif, quoi. Les rugbymen, c'est pas pareil. Même les mecs qui aiment le rugby et tout, ouais, c'est normal. Il y a des fight aussi quand même, parce que putain, ils sont. Non, mais les supporters, ils sont pas. Il y a pas des hooligans et tout, ils sont en mode on boit des bières au pub et tout. Non, c'est super sympa. C'est des bons mecs. Ils sont peut-être moins violents, effectivement. Surtout les dieux du stade. Ah non, j'aime pas du tout. Moi, je me rappelle que quand même Marseille, pour le coup, hein, j'allais quand même au Vélodrome voir des matchs avec des potes, mais c'est d'une violence et honnêtement, mais je me chiais dessus quand les mecs marquaient un but Marseille et j'y étais allé pour l'anniversaire des supporters. Donc c'était South Winners, les malades là. Ouais. Tous en virage nord. Sud. Et les mecs, tous en orange et tout, donc fumigène et tout. Et il y a des mecs qui me font tiens, prends ça. Donc, je prends un fumigène, ils en pétaient un autre et je me retrouve avec ça dans la main qui chauffe hein, quand même, faut le savoir. Donc t'es là, tu fais et t'as envie de le jeter, mais tu dis si je le jette sur quelqu'un qui se le prend dans la capuche ou un truc, le mec va mourir en fait, donc je le garde. Tu vois, tu fais oh! Et les mecs prennent des chaises, c'est ça. Et ils te poussent à chaque but, et tout le monde descend près du stade. Et te poussent. Et je me suis retrouvé avec des mecs, mais les mecs c'est les enculés, parce que tu te retournes et les mecs en fait t'es genre trois rangées plus haut que toi et ils te sautent dessus, mais les pieds comme au kung-fu ils font. Mais mec, t'es gland quoi. Je suis pas à Lille, tu vois, je suis marseillais quoi. Enfin, tu fais croire que t'es marseillais parce que tu fais jamais. Mais imagine un blaire avec un maillot PSG. Oh bah là, mais mec, c'est pas qu'il le brûle, mais Jeanne d'Arc en fait. Enfin, putain, tu m'en tues. J'ai toujours aimé, c'est que les supporters de Marseille ont toujours eu peur des supporters de Bastia à chaque fois qu'on est arrivé au Vélodrome. Ça, ils vont tirer avec son Bastia. C'est con parce que les Corses et les Marseillais, c'est un peu les mêmes, ils s'entendent bien. Dans le football, Marseille, Bastia. Entre Marseillais, ils peuvent se taper sur la gueule. Oui, vous êtes pas du tout classés comme nous, les mecs de Bastia. Ça y est, l'autre arrive de nouveau là. Mais bon, à l'époque, c'était vous qui étiez en deuxième division et nous on était en première. Mais bon. Vous avez gagné une coupe ? Non, jamais. Alors oui, ça arrive. Dis-moi, vous avez volé une coupe ou pas ? Tapi, il avait des sous pour l'acheter. Oh attends, mais chérie, on l'a gagné. Il y a un an, on l'a gagné là, la coupe. Hein ouais, enfin. Un championnat. Bon, on a gagné le championnat quand même. Oui, mais ça faisait 17 ans, hein, ça va, on se calme. Voilà. Entre temps, Lyon, ils en ont fait 7 ans, hein, donc ça. Parce que Tapi est revenu et donné un coup de main à l'OM. En tout cas, Tapi, s'il pouvait se présenter comme maire de Marseille, je serais la plus heureuse. Non, bah, dis donc. Bah, c'est au moins, j'avais fait un jour une émission en direct du vélodrome pour Marseille-Paris. Magique. C'est chaud. Ah, c'est. Ouais, c'est chaud, ouais. Putain, j'aimerais trop faire ça. Ouais, c'était bien chaud. C'est sympa, j'en ai de bons souvenirs, mais c'était bien chaud, ouais. Bon, on va parler d'internet maintenant. Alors, qui c'est dont tout le monde a un smartphone sauf le Corse? Non, moi j'ai pas de smartphone. C'est ce que je viens de te dire. Tout le monde a un smartphone sauf le Corse. Ah non, excuse-moi de te couper, je n'ai pas de smartphone. T'es le mec qui comprend toujours pas. C'est... Donc personne n'a de portable sauf le Corse. Ouais. Excuse-moi de te couper, hein, j'ai qu'un fixe. Non, mais non, en fait, c'est juste pour savoir s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont le besoin permanent de dire où est-ce qu'il se trouve. Tout le monde s'en fout. Oui. C'est genre avec Foursquare, avec Facebook. Moi, je le fais des fois, ouais. Je suis chez moi, je suis dans les chiottes, je suis à la radio, je suis chez Carrefour. On s'en branle. Mais non, attends, nos fans ont envie de savoir où. Non, mais arrête. Non, mais attends. Non, attends. Là, pour le coup, c'est différent. Quand tu communiques avec les auditeurs, c'est différent que quand t'as un Facebook perso et que tu passes ta vie. Ah oui. Je suis à tel endroit. Ah, oui, c'est génial. Tout le monde s'en branle. Ouais, mais là oui, et tout le monde le fait, et de plus en plus, et maintenant tu crées des endroits, donc forcément, machin. Nous on avait fait ça à Goom en créant les seins d'Emily, machin, mais là je vois plein de potes qui créent leurs trucs, et c'est là où ils sont cons, hein. Chez moi, et là, bim! 2000 personnes, bah t'as l'adresse, limite le code et tout, bah mets-le. Non, là, mais ça c'est sur Foursquare, parce que sur lieu, j'ai bien gardé, parce que la dernière fois j'ai fait de la connerie de mettre et dans un sauna pour faire la vanne alors que j'étais dans ma maison, et avec le recul, je me suis dit, mais non, mais ça va mettre mon adresse et tout, là. Mais sur lieu de Facebook, ça le fait pas. Ah, ça met pas l'adresse. Ça met pas ton adresse. Ah, d'accord. Ah, ça va. Oh, heureusement, ils ont quand même pensé à ça. Ça te pointe genre sur une carte vite fait là. Et bah donc si tu zoomes ouais, sur la carte. Non mais c'est approximatif à 20 ou 25 mètres, je crois. Enfin, on te l'a dit quand même, à 25 mètres. C'est pas non mais Foursquare, t'as l'adresse et tout, limite t'as le code d'entrée des gens, quoi. Ouais, ça dépend, mais je crois que tu dois obligé de la mettre, hein, parce que le téléphone il te localise aussi à entre 20 et 100 mètres, quoi, tu vois. Donc t'as pas l'adresse exacte. À la limite t'as le nom de la rue, mais t'es pas, tu sais pas exactement où tu te trouves. C'est ça en fait le truc, hein. Et donc Cécile, tu passes ta vie aussi toi mettre jamais. Je suis à tel endroit. Non, moi c'est plus sur mes statuts Facebook. Par exemple, je vais marquer comme statut par faire les magasins dans le 6e, 5e ou dans n'importe quel quartier de Paris, mais non, je me sers pas de cette application parce que je sais pas m'en servir en fait. Juste pour faire rager, c'est juste à ce moment-là que je mets je suis à tel endroit. Ah oui. Très bon, non, ça. C'est juste voilà, c'est juste pour faire rager, mais sinon on le reste de l'année. Oh, si en général fait la semaine dernière. En général, cool. Bah non, mais j'étais malade la semaine dernière, donc j'ai pas pensé à tout non plus, hein. Mais en général, dès que j'arrive à la fin de mes vacances, hop, si je les connais déjà, je mets déjà les dates des prochaines. Ah. Putain, mais toi t'es voilà, comme ça c'est marqué, c'est indiqué, hop, telle date à telle date, je serai à tel endroit et tout, ça va être cool quoi. Ah. C'est juste pour faire rager, mais bon, en vrai, c'est pas plus forcément. Mais non, si, mais ça fait rager, hein, parce que moi, je pense que quand tu vas partir, là, j'ai envie de te détester, quoi. Oui, peut-être. Alors que tu l'aimes ? Non. Je l'aime. Non, non, je crois pas, non. Par contre, mais non, si, en fait, je vous explique quoi, parce qu'il y a une explication. Oui. Il y a une explication au fait que je mette ça hormis pour faire rager, c'est parce qu'un jour, je l'avais mis par hasard, et effectivement, il y avait une de mes connaissances qui connaissait une autre connaissance, qui m'a dit, ah, mais putain, tu vas là, dis-moi, parce que j'ai un pote et tout, qui est là-bas. Hop, là, j'ai été me faire héberger gratos. Je me suis dit, putain, depuis, quand même, ça peut être intéressant. Oh, t'es bon. Ah, oui. Donc, t'es du coup, je mets les endroits où je vais, et puis, bon, bah voilà, s'il y a des gens qui me disent, tu sais, ça peut être des bons plans, c'est genre, ah, tiens, il y a tel endroit, il y a un chouette resto, j'ai déjà été, ou un chouette bar, ou et du coup tu te dis bon bah voilà tranquille quoi, t'essayes. Oui bah tu tentes mais t'as, bon. T'as rien à perdre. Et ce qui est bien avec Facebook ou ce genre d'appli, c'est que si tes copines ou tes copains te font des coups en fourbe, tu les retrouves. Ouais, je croyais que vous sortiez pas, et finalement tu les retrouves dans cet endroit grâce à cette application. Ça aussi ouais. Et donc selon, il y a un nouveau truc qui est sorti aussi, ça pour l'instant c'est que tu es à New York et à San Francisco, où en fait il y a un site qui condense maintenant, en fait qui concentre tous les visiteurs, donc c'est-à-dire qu'ils font un top des boutiques qui sont les plus visitées, des boîtes qui sont les plus visitées, des ciné qui sont les plus visités, et donc du coup bah ça fait de la pub gratos pour le resto, pour le ciné, pour la boutique, n'importe quoi. Et donc tu vois bah que si les gens, il y en a beaucoup qui vont à tel ou tel endroit, bah c'est que ça vaut peut-être la peine quoi. Ouais, ça, ils font ça, pour le coup c'est pas mal effectivement, ils font ça à New York et à San Francisco pour l'instant. Bon, j'imagine que ça va certainement arriver en France ici d'ici peu, ouais, j'imagine. Oh, ouais. D'ici 4 ans. Oh bah peut-être, ouais, d'ici 4 ans effectivement. Le retard qu'on a tout le temps. 5 ans sur les feux de l'amour, hein, mec. Oui, c'est vrai, ouais. Si 5 tu ans, prends ouais, 5 ans. C'est ça, c'est minimum 5 ans. Et 10 sur Olive et Tom. Oh merde. Ouais, ça, 10 encore... ans sur Olive et Tom. Ah bah ouais. Enfin, c'est pas Olivier, c'est Olive. C'est Olive et Tom, ouais, c'est encore plus. Encore Olive. Plus, ouais. Ah bah ouais. Ah, ça y est, au Cérémastias, c'est reparti. Ah, je croyais que bah, ça avait marqué. Ça a redémarré là. Allez, on se met Forest Movement dans un instant. My Chemical Romance maintenant. Ouais, si tu veux, ouais. Ah bah j'aimerais bien qu'on mette My Chemical Romance maintenant. Et puis vos messages hein, qui ont le dernier, excusez-moi, le dernier. Ouais, nanana, ouais, le dernier, il restera en concert lundi hein, je vous le rappelle, on devrait les avoir aussi par téléphone lundi soir juste avant le concert, donc ça va être cool. Si vous avez d'ailleurs des questions à leur poser, mikl@goomradio.com, vous pouvez envoyer vos questions dès maintenant. J'ai un problème avec mon Facebook, il marche plus. Ça, c'est pareil chez vous. Oh, j'arrive plus à rafraîchir le bordel en fait. Ça arrive. Ça te fait des fois, ça bug. Ouais. Ça arrive au milieu du rafraîchissement et puis bah la page reste blanche en fait. T'as pas appelé Mark Zuckerberg pour gueuler là. Bah, ah, normalement ça va. T'as la barre Facebook Zuckerberg tout en haut et puis rien. Ah si c'est bon. Ce qu'il connaît pas. Zuckerberg. Ouais, Zucker. Mais il connaît pas grand chose non plus. Bon, et Laurine aussi qui dit moi aussi j'ai cru que Bastia avait marqué. Bah ouais, mais non, là ça a juste repris, c'est tout. Lionel qui dit le cœur du Corse va pas tenir. Mais si. Il est solide le cœur. On est solide. Mais oui, bien on sûr. Il est solide. Y a pas de problème. Bon, Anne qui dit ah bah Mickaël, viens chez moi. Bah ça dépend, t'habites où? Bah oui. Bah ça, parce que si t'habites. Qui dit ça? Bah je sais pas, une auditrice, mais ça dépend d'où elle habite, tu vois. Moi après, c'est pas de problème. Si le truc est sympa, faut voir. Hein. Si c'est dans le Morbihan, en Bretagne, c'est quand même pas. Je t'ai pas dit moi que j'avais une maison dans les îles. Quelles îles? Les îles. Les îles d'Oléron. Caïmans. Les îles Caïmans, ouais, ça m'étonnerait, ça tient. Les Canaries. Je suis sûr que là tu pourrais craquer pour moi. Si ah non non, ah bah je viens mais c'est tout. Ah bah non, mais faut payer à un moment donné, donc tu peux. Ah bah non, bah laisse tomber. Faut que tu l'attires. Laisse tomber. Rien à foutre, ça va pas non. Ouais. Putain, le mec pour se payer une semaine gratos au soleil dans les îles, même pas pour ça, il veut bah de non. Moi, quoi. Je peux avoir gratos avec d'autres. Non non, mais c'est bon, t'inquiète hein, ça va bien se passer. Je ne m'inquiète pas pour moi. Ah bah t'inquiète pas. Ça devrait bien se passer. Un jour où tu pourras plus te servir de ta belle gueule, Mickaël. Mais ça et n'a là, rien à voir. Je sers de rien du tout. Moi c'est les gens qui me proposent en général. Ah y a Ami qui dit Mickaël viens chez moi, j'habite en Picardie. Oh merde, j'ai piscine Ami, malheureusement toute cette année je ne pourrai malheureusement pas venir. Je suis désolé. Y a quoi, Anne qui dit je vis à Toulouse. Ouais bon, Toulouse c'est bien pour l'aéroport, mais après pas grand chose à faire quoi. Le cassoulet quoi. Toulouse c'est pas mal hein, c'est à Ville Rose quoi, c'est bien à faire une heure ou deux quoi. Ouais voilà, c'est voilà. Ça moi je l'ai fait un jour, c'est bien. Tu fais en bus aéré là ouvert, tu fais ça le tour, tu t'en vas vite après, encore, vite autoroute. Mais alors en speed hein. Non, à côté c'est bien, Cahors tout ça. Oh ouais, non, ouais, Cahors. Donc c'est vachement bien. Il y a un lac. Ah ouais, il y a surtout du vin rouge. Il y a que ça. Qu'est-ce que tu fais dans un lac à Cahors? Ouais, à Cahors, qu'est-ce que tu fais? Un lac de rouge. Moi j'ai passé un week-end ouais. En investissant en début de saison estivale. Court les histoires, court. Ah ouais. Ouais, donc chaque fois. Et ouais. J'étais chez Carrefour, donc j'avais. Et je connaissais pas et j'ai découvert ce lac qui est magnifique sur lequel tu peux faire du jet ski. Quel romantique. Hein. Ouais. Ah waouh. Oh, bon, éclaté. T'es bon. Voilà. C'est pas mal. Non, sur celui, il y a Nananana qui est arrivé là. Bah, ouais, tu fais animateur maintenant, dis donc. Alors, on fait chier, tu nous le dis. Ah, hein. On aura tout entendu là, je te le confirme. Allez, My Chemical Romance, maintenant, on se fait péter le nouveau single de My Chemical, c'est Nanana sur Goom Radio. My Chemical Romance, à l'instant, c'était Nanana sur Goom Radio. 20h, 23h, tous les soirs, on est là. Ouh là là, le but qu'il a failli, avoir pour Lyon là, c'était à moins de 15 cm de la cage là quand même. Pour ça pousse pour les Lyonnais, ça commence à devenir pour le ventre aussi, hein, ça pousse. Non, ça pousse absolument pas là, c'est toujours 2-0 hein, pour Auxerre. Hein. Non, mais dans sa culotte, je parlais. Ah oui, dans la culotte, ouais. Entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, ouais, à la tête du Corse, c'est ça. Ah bah ouais, le Corse va mal, hein. Hein, le Corse. Eh ouais, Bastia, c'est. C'est dur. C'est ouais. Toute ta vie un peu. Hein. Ah bah c'est ça. Bah oui. Hein. Ah bah oui. Bah, oui, bah c'est, on c'est sait, très, on très sait dur. Ça. Ouais, bah oui. Je sais, c'est dur. Bon, les messages qui arrivent aussi sur Facebook, facebook.com/mikl officiel avec elle qui dit ça pousse. Oui, bah ouais, ça pousse. Ouais, Latifa aussi qui dit allez Lyon. Bah on verra bien. Là pour l'instant ils jouent l'un comme l'autre joue pas forcément super bien. Donc à voir. Il y a Alexandra qui a mis le clip aussi de My Chemical Romance avec Nanana. Si jamais vous l'avez pas encore vu, là vous pouvez aller voir si vous voulez. Il y a pas de problème. Thomas qui dit si Mikl ne veut pas venir chez vous, allez chez lui. Oh bah vous allez vous marrer, vous allez voir. Hein. Oh là là, dis donc au niveau de la, au niveau de l'endroit, vous allez vraiment pas vous marrer. C'est décoré comment hein. Chez toi ? Alors c'est l'origine, c'est mur blanc, il y a rien dessus, on a rien à foutre. Bim. Ah ouais, y a rien. Mais parfois c'est le mieux, tu sais, minimaliste. Non, à Bruxelles. C'est-à-dire que, non, Bruxelles c'est bien, mais mais attends, t'habites à Bruxelles même ? Ouais. On va voir ma beauté. Mais je t'appellerai pour aller boire. Attends, laisse-moi réfléchir. Non. Ah bah non. Mais le pire, je suis sûre que si je l'appelle, il va ouais, pas. Mais carrément, mais regarde-le, il est trop content. Ah ouais, il va voir, ouais. Il va faire, mais d'où elle m'appelle. Mais je suis sûre qu'il va me croiser, on va se croiser dans les rues. Oh putain. Non, il va se barrer en courant. Non, je crois pas, je me balade pas dans les rues, moi. C'est vrai? Non, mais tu sais, c'est chez moi, donc je fais pas les trucs touristiques, toi, tu vois. Et comment c'est connais. Possible alors que le nom de l'hôtel que je t'ai donné, tu m'as dit que tu connaissais pas, tu viens de là-bas? Bah parce que tu connais tous les noms d'hôtels qui sont Marseille, de Marseille. Marseille. Bah, Marseille. Et surtout que là pour le coup c'est un nouveau, donc j'en ai jamais entendu parler pour le coup. Combien il y a d'habitants à Bruxelles? 1,5 million à peu près. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est beaucoup plus petit que Paris, hein, c'est clair. Hein. C'est à peu près l'équivalent de Lyon. Je croyais que c'était plus grand. Je croyais que c'était plus grand que Paris. Non. Mais tu veux pas me faire un petit itinéraire? Ouais, enfin bon, tu m'as pris pour quoi, le guide Michelin? Mais ça va, sois cool. Par contre, à part la mitraillette, qu'est-ce que je peux manger de Des deux rooms et des pour deux me... Non mais au restaurant, à part des moules frites, des deux rooms. Des queues. Des deux rooms, tu manges des deux rooms, c'est bon des deux rooms. C'est bon hein, sans déconner. Ah, la violence. Mais c'est non, quoi mais déjà au restaurant des deux rooms, c'est une espèce de moto. Non pas du tout, c'est comment on appelle ça, putain. Je fais la blague deux fois donc. C'est turc à la base en fait, mais celle-là c'est mis version belge, donc avec plus de trucs. Il paraît que c'est meilleur que chez les Turcs, même les Turcs le disent. Mais comment on appelle ça? Voilà, qu'il est chauvin, le mec. J'avais goûté les meilleurs couscous qu'au Maroc. J'ai jamais été en Turquie, donc je dis il paraît que. C'est pour ça que j'ai dit il paraît que. Et après, mais t'as si les Turcs le disent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais enfin, qui t'a dit qu'il te... Oui, mais ils sont gogoles. C'est un Turc qui t'a appelé pour te dire que c'était meilleur. Non, je connais des Turcs là-bas qui m'ont dit putain c'est vachement meilleur que chez nous. Tu imagines? C'est pas les Belges que tu connais? Non. Vous êtes belge? Je suis turc. Je voulais vous dire que vos deux rooms étaient excellents. Bon alors tu m'as pas dit. Ne les écoute pas. C'est une espèce de, mais je sais pas comment on appelle ça, une espèce de pâte ronde comme ça, toute fine, mais rien à voir avec la pizza. Et donc tu mets dedans, tu mets tous les légumes, tu mets des du poulet ou de la viande avec de la sauce, tu mets également des frites et après il referme ça. Fredo adore. Il referme son lasagnes, tube mec. En fait. Et ça fait une espèce de tube super bon. Oh, Yoann Gourcuff. Demande à Fredo, il kiffe. D'accord. Ah, il kiffe. Bon, là, il est de mauvaise humeur. Mais sinon, en temps normal, il kiffe. Ah, il est de mauvaise humeur. Mais ça existe pas en surgelé Marie, genre. Ah non. J'ai dit Marie parce que je suis payé à la fin de l'émission par Marie. Ça doit être ça, ouais. Il y a Guillaume qui dit qui veut venir en Essonne. Attends, est-ce qu'il a surgelé Marie? Là aussi, laisse-nous réfléchir. Non. Non, pas là. Non, mais attends, on est pas très loin. Hein, surtout que l'Essonne qui va en RER, hein, donc. C'est clair. Voilà, ouais, c'est ça. Alors que si t'as des surgelés Marie chez toi, c'est con, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a avec ça? J'ai pris 100 euros là déjà. Non, bah dis donc. Bah continue alors, hein, ça te fera. Mais t'es pas payé à la blague, non? Ah non, bah non, ça c'est sûr. Hein. C'est pas la blague. Il y a Laurie aussi qui dit Mikl, viens à Lyon, je t'invite. J'ai déjà été à Lyon, j'aime beaucoup Lyon, c'est très sympa. Donc c'est un pays étranger en fait, pour que ça fasse ce qu'il fait. En Mikl. Revanche, je suis sûr que non, Marseille, bah alors, regarde, je vais te dire Lyon, c'était bien. Ouais, mais t'iras pas là. Tu préfères Lyon, tu vas me dire. Ah oui, 100 fois. Ah oui, alors là. Lyon à quoi? À Lyon, à Paris, mais mille fois, je préfère Lyon à Paris. Mais Pierre, n'importe quoi. Lyon, c'est une très belle ville. Non, mais c'est génial. Non, mais c'est joli. Non, mais c'est joli. Il y a plein de trucs à faire. Et il y a moins de stress. Je te dis, ça ressemble un peu à Bruxelles. Il y a aussi plein de trucs à faire. Il y a aussi du monde, mais il y a moins de stress. Non, mais c'est vachement pollué, non? C'est pas dans une cuvette de ouf? Mec, le quartier de la Bourse à Lyon, ça déchire ça. Mais franchement, et même Marseille, pour le coup. Franchement, je préfère Marseille à Paris aussi, mais ça dépend des quartiers. T'as des quartiers couraves à Marseille aussi. Partout. Mais t'as des quartiers qui sont sympas. Non mais excuse-moi Émilie, je suis marseillaise mais l'architecture à Paris, à Marseille on a la mer est belle après. Voilà, il y a la mer, il y a la chaleur et le soleil, ça. Voilà, aide. C'est tout et la gentillesse des Marseillais. Mais c'est vrai que Paris, tu peux pas comparer. Paris, c'est une ville magnifique, c'est un musée à ciel ouvert. Tu te promènes, moi ça fait 5 ans que j'habite là, je suis un musée à ciel ouvert. Mais c'est vrai. T'es trop mignonne. Mais non, mais je suis en admiration devant, je suis sur mon petit scooter, tu regardes à droite à gauche l'architecture, l'histoire qu'il y a dans Paris, c'est magnifique. Non, ça je suis d'accord. Non, mais Marseille c'est magnifique aussi. Au niveau paysage, quoi. Oui, voilà, Marseille, quand moi j'ouvre ma fenêtre et que j'ai la mer devant moi, j'ai juste envie de mourir. C'est magnifique, mais après, c'est pas non plus une ville. Je me demande, moi ça m'étonne toujours quand les touristes viennent à Marseille. Je me dis, mais vous allez faire quoi? Et après, l'été, voilà, l'hiver. Ouais, l'été c'est bien. Et Montpellier, je vous conseille, ça c'est vraiment top. Ouais. Mais Montpellier, c'est jeune, mais c'est très industriel. Hein, c'est pas. L'intérieur était sympa, enfin l'intérieur, le centre-ville était sympa. J'ai tapé une crise d'angoisse quand je suis sortie du TGV à arriver à Montpellier. Cette ville, on dirait une fausse ville. Elle est angoissante. Quand tu sors de la gare, c'est c'est on dirait fausse à Mathieu, du côté de Marseille. Ouais, je sais pas. C'est quoi sur mer? À côté de la Med. Ouais. Je sais pas. Moi, je trouvais ça sympa. C'est bien. Moi, je me sens mal. Il y a Marion aussi qui dit Dunkerque. Je sais comme t'aimes Dunkerque vu tes blagues à chaque fois que je passe à l'antenne. Mais bon, enfin Marion, t'habites à Dunkerque, c'est quand même très très dur. Hein. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Toutes les villes, c'est comme Burke ou Berck. C'est quand même violent. Tu sais, en fait, toutes les villes qui sont dans le nord, au niveau de la plage, au niveau de la mer, enfin de la mer du Nord là. Calais, c'est très dur. Le Havre. Cherbourg, je suis à Cherbourg, Le Havre, etc. C'est violent. Brest. On fleur. Bah, Brest, ça va encore. C'est la Bretagne. Ah oui, Brest. T'es plus dans le nord. T'es plus la mer du Nord, là. C'est déjà l'Atlantique. Brest, c'est canon, Brest. Mais Brest, rien à faire. T'as des trucs très très durs aussi, hein. C'est vrai que c'est beau. Mais je suis allé pour le mariage d'un de mes cousins. Et honnêtement, même si tu sens les embruns de la mer à 3 km de la plage, donc ça c'est très inquiétant. C'est ça, c'est pas plutôt la chatte de ta meuf qui sont. Quelle horreur! Non, mais c'est parce que tu sais, c'est la pointe, vraiment l'extrême pointe ouest de la France, et du coup tu te manges vraiment tout l'espèce de vent là de. Qui. Ben les marseillais, tout ça, ouais. J'ai pas envie d'aller au bout là, ça me saoule. C'est pas grave, va pas jusqu'au bout, c'est pas obligatoire. Hein. Bon allez, 01 55 64 13 24 si vous voulez nous appeler, allez-y. On a des places aussi à vous filer pour le concert des My Chemical Romance. Et on a également des places à vous filer pour assister donc à l'écoute de Genali. Ce sera en studio évidemment avec Genali. Et puis c'est surtout le nouvel album, des places à gagner. Donc ça se passe également au 01 55 64 13 24. On aura également la journée internationale aujourd'hui. Ça va être quoi la journée internationale du coup la vraie, celle du jour. On fêtera les ports, du coup on pouvait appeler que des flics. D'accord. Ou des boucheries, hein. T'aurais pu. Oui, bah, on va voir. Et puis on aura l'appel coquin également. Tout à l'heure, on parlera d'Adopi aussi dans un petit instant, puisque ça y est, c'est passé Adopi, hein, ça vous le savez. Et donc, du coup, c'est mis en place Adopi, ça y est, c'est le rythme de croisière, sauf qu'ils sont déjà en train de galérer, puisqu'il y a 8 à 10% d'adresses IP qui n'arrivent pas à identifier. Oh, très bon. Parce que les mecs, ils arrivent à les gruger, donc tu vois. Ah, bah, tant mieux. Ils arrivent pas à les griller. Donc, en fait, au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette loi va encore une fois faire chier ceux qui téléchargent les petits consommateurs exactement par hasard, les petits larcins, ils vont prendre, sauf que ceux qui téléchargent beaucoup plus, qui s'y connaissent plus et qui arrivent à gruger, à mettre des fausses adresses IP, tout le bordel, bah eux forcément on va jamais les retrouver puisqu'ils mettent des fausses adresses IP, bien sûr. Et donc du coup c'est alors qu'ils vendent des DVD sur le marché quoi, en et plus. Nous ils vont venir nous faire chier pour deux chansons. Voilà, bon, dites nous si vous avez déjà reçu un petit mail de la part d'Adopi. Pas encore reçu le mail de la part d'Adopi? Non, moi non, mais ça me pend au nez, je crois. Entre moi et ma coloc, c'est pas qu'on télécharge, mais à peu près tout le catalogue américain, quoi. Ah bah bravo, tu cherches les emmerdes aussi. Ouais, tu mais c'est pas bien, c'est vrai que c'est pas bien de faire ça. Mais enfin, faites-le, parce que c'est cool, quand même. Non, mais après, tu renverses du coca sur ton Mac, donc tu perds tout direct. Ouais, moi, je suis une vraie merde, par contre. Donc, à la limite, c'est pas grave. Non, mais moi, je suis pour le téléchargement comme ça, j'en ai rien à foutre. Mais quand tu le laisses sur ton truc, et après t'effaces, tu t'en fous, quoi. Et si t'aimes bien, tu vas à la Fnac et t'achètes. Ouais, je fais, moi. Ça, ouais. Quand j'aime bien un DVD de ouf, et ben j'achète les classiques. Alors c'est clair que je le paye pas 25 euros, mais j'achète par les trucs exemple. Si t'as pas envie de regarder en streaming ou quoi, les séries, je suis désolé, ça coûte un bras quoi. Une série ça coûte 70 euros. C'est clair. Mais ils se retrouvent parce qu'il faut arrêter de dire avec le téléchargement. Quand je vais à la Fnac, c'est toujours bondé, mais ouais, bondé. Mais il y a plein de personnes qui ont plus de thunes. Est-ce qu'ils achètent ça exact? Enfin, tu vois vraiment. Bah oui, ils achètent. Mais rien qu'à Noël avec les cadeaux et tout. Les paniers, c'est des DVD, des CD, des conneries et tout. Alors ok, bon, il y a quand même le marché du disque, il est en crise. Mais ça va quoi, puis avec iTunes, ils s'engraissent la patte. Et ça te fait toujours plaisir d'avoir ton coffret de la série que tu kiffes quoi. Toutes les manières, tu l'achètes, après tu fais des cadeaux. Je pense qu'il se retrouve, il a raison, Pierre. Ouais, c'est une question de collection. Bon, bah, dites-nous si vous avez déjà reçu un petit mail de la part de nos amis d'Adopi. N'hésitez pas, vous nous dites ça. Donc, maintenant, 01 55 64 13 24. 01 55 64 13 24. Et but de Lyon, je crois. Ils sont en train de le fêter là. Ouais, but de Lyon. C'est bon ça. But des Lyonnais à l'instant. 1-0 pour les Lyonnais. Et c'est un but de je sais pas qui, mais en tout cas, le gardien. Bien parisien ne trouve pas ça très très drôle hein. Ah ouais. Bah qui est un ancien Lyonnais en plus hein. Donc, oui c'est vrai, c'est un ancien Lyonnais ouais. Coupé ouais. Ah ouais. Alors c'est vrai, le but coupé, un peu ouais. Là bim. Ok bon. Ah non. Il est contré. Ah bah c'est-à-dire que là de merde. Regarde. C'est-à-dire que là le gardien il a vu la balle et bah, il a vu la balle. Ouais. Et il s'est dit oh mais belle. Non mais regarde bien parce qu'elle est touchée. Quand il frappe elle est touchée par un défenseur et du coup. Ouais. Boum. Ah ouais d'accord. Par en fait, le cul. Ouais c'est encore un parisien qui a réussi à mettre son but lui-même quoi. Exactement. Sans vouloir évidemment mais bon. Encore heureux d'ailleurs. Bon allez c'est pas grave 1-0 tout n'est pas perdu hein. On n'est même pas à la mi-temps c'est à la 38e c'est Brillant qui a mis le but pour les Lyonnais. Allez on va se mettre Forest Movement maintenant avec Like J-Sex et puis on revient juste après avec vous toutes et vous tous en direct au 01 55 64 13 24. Voilà le son de Forest Movement. À l'instant c'était Like J-Sex à l'instant sur Goom Radio. Oui alors on s'est rendu compte effectivement qu'on l'avait. Merci à ceux qui sont sur le groupe Facebook d'ailleurs que le standard est en panne. Voilà donc on va être au top hein, ce soir. Ça marche pas. Bah non, déjà hier ça marchait pas très bien donc là ce soir ça marche encore moins mais bien. Mais c'est bizarre parce que on peut donner le portable d'un de nous là. Ah oui, bah on va donner le tien. Mais non, mais quand on appelle ça fait, j'ai fait 30. Le test quand on appelle ça fait bim. Bah ça fait pip pip pip et c'est fini. C'est bizarre hein. Ouais. Bon, on est en train d'appeler là pour ouais, voir. Noter le portable de Minnie quand même 0674. Ouais. T'as eu peur. Panique. Bon, c'est pas grave au pire tu changes de numéro. De numéro pardon. Non, j'ai faim. Encore ? Mais j'ai pas mangé ce soir. Bah et alors, moi non plus. C'est quoi, j'ai mon numéro depuis que j'ai 12 ans. Mais vraiment. C'est bien, et j'ai alors 25 ans. C'est génial, dis donc. Et Oh merde, excuse-moi, je vais couper celui du corps, celui de Mika. D'accord. Non, t'as envie de faire ma gueule, ouais. En fait. Écoute, j'osais pas le dire, mais tu l'as deviné, ça m'arrange, hein. Voilà. Mais ça y est, c'est fait. Bah, sinon, il y a Maxime qui dit, bah, on a le numéro de Mika déjà, c'est bon. Bah oui. Bah ouais, appelez. Bah voilà, vous appelez sur le numéro de Mika, et puis on va être bien comme ça. Hein, on va te refiler ton numéro, Mika. Parce voilà, qu'on c'est a ça. Plus ouais. Standard. Et bah voilà, tiens. Meuf, mec. Et il y a Sandra qui dit, bah voilà, et comment on va-t-elle pour le Corsica Show? Bah, on n'en est pas encore là, c'est dans 1h20 le Corsica Show, là. On a encore un petit peu de temps devant nous pour voir comment ça se passe avec Sandra qui dit, celui de Mika, tout le monde là, mort de rire. Oui, bah c'est ça. Et Anne qui dit, bravo le standard. Bon, bah c'est une machine, tu sais, hein. Connaissant Fredo, il a dû prendre l'option la pas chère. Ouais. Voilà, c'est ça. Il a dû prendre le moins cher du marché, donc du coup, ça doit être un standard France Télécom. Ouais, c'est la version basique. Il l'a récupéré dans une casse. Ouais, certainement. C'est déjà allé. Certainement, ouais. Le vieux dos, ouais. Bon, bref, c'est pas grave. Bah, si vous voulez, on vous dira quand ça marchera. Hein. 01 55 64 13 24. Là, il y a marqué Network Error. Donc, on est au top. Ouais, pourquoi il marque pourquoi qu'est-ce que vient foutre Network dedans? Parce que c'est un truc branché. On se présente tout de suite, monsieur Network là. Mais non, mais c'est un truc branché bizarrement là. Enfin bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus dis donc. Bah, je sais pas. Ah oui, peut-être un tour du côté de Bastia là, juste pour le sport. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Est-ce que c'est une vanne que vous avez... Oh but 3-0. Oh, c'est bon ça. 3-0 pour les Auxerrois face à Bastia. But de Engbar à la 68e là. Il a envie de te manger là, le Corse. Oui, bah, c'est pas moi qui mets les buts, hein. Ouais, mais il est énervé contre toi quand même, au demeurant. Ah, bah ouais, bah bon, qu'est-ce que j'y peux, moi. 3-0 pour Auxerre, hein. Là, il reste 20 minutes. Tu crois que c'est gérable encore un truc ou pas? Ouais, on va gagner. Oh, il est confiant, le garçon. Ah, ouais, il est confiant, ouais. Confiant, bonhomme, confiant, c'est bien. Ouais, mais c'est bien, hein, il faut, hein. Il en faut des confiants, hein. Mais alors, est-ce que vous avez vraiment claqué mon numéro à l'antenne, encore une fois? Mais parce non. Que je viens de recevoir 4 appels, mais c'est ceux qui s'en souviennent, tout simplement, c'est tout, hein. Oh, merde. Ah, bah, mec, attends, tu crois que les gens, ils oublient ton numéro comme ça, quoi? Mais non. Ça leur sert à rien en même temps. Pas du tout. Bon, et puis, je suis tombé sur une information également, et là, vous allez nous dire, hein, les fiches, que vous en pensez. D'après une nouvelle étude, menée par My Celebrity Fashion, il apparaît qu'une majorité de femmes sont plus attirées par les hommes affichant une barbe de 3 jours que les hommes imberbes. Carrément. Mais à Mika, on lui dit toujours, dès qu'il se rase, il est moins sexy. Ouais, bah c'est juste que tu prends 50 moins quoi. Ouais, non, ouais, je fais plus jeune, mais là c'est vrai que je suis au top de moi-même en ce moment. C'est tellement beau, la grisonnante, des fois la barbe, j'adore. La barbe grisonnante. Mais lui il est plus grisonnante, la barbe rousse. Ouais. Ouais, mais c'est pas. Mais c'est palé. C'est palé, je vais te dire, c'est palé. Et je vais te dire pourquoi c'est palé. Parce que j'ai une énorme tub. Quel est le rapport? Aucun. Mais, mais sa tub elle est rousse aussi. Ouais bah ouais, elle est rouquine. Ouais. Non, attends, Emilie va nous dire. J'ai failli faire une vanne, mais tu nous as dit de pas parler de ta famille, alors je l'ai pas fait. Emilie, elle est comment la tub de Mika? Elle est chouante. Ah, c'est pas vrai. Je sais pas, tu me demandes. Elle est comment la tub de Mika? Elle est, ça va, bien. Il paraît qu'elle est énorme, c'est vrai? Non, ça c'est pas non, vrai. Non, c'est pas vrai. Non, si, il paraît qu'elle est. Elle est tordue un peu. Pourquoi elle est tordue? Genre en mode porte-manteau, non? Ouais. Non. Il ne cure en porte-manteau, non, c'est vrai. Parce qu'il a dû rester accroché. Mais c'est vrai qu'elle est tordue, j'en ai jamais osé en parler avec elle toi. Elle est pas tordue. Mais je profite ce soir. On a tous fait la tub, tu vois. Un peu dévié, ouais. Voilà, voilà. Mais toi, elle part vers le bas? Non, bah non. Ah, mais non, c'est pas toi, alors. C'est pas moi, vers le bas. C'est un autre Mika, je crois. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça, ouais. Bah, c'est bon, qui démarre comme moi, en fait. Donc, du coup, dites-nous, les filles, ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous préférez les mecs, effectivement, qui sont un peu style mal rasés, ou plutôt propres sur eux, en règle générale, hein. Enfin, cela dit, c'est pas parce qu'on est mal rasés qu'on n'est pas propre sur nous, mais je veux dire, façon de parler, on s'est compris. Donc, vous nous dites 01, ah bah non, ça marche pas, sur le Facebook, facebook.com/mikl officiel. Et donc, 54% des filles qui ont répondu ont déclaré craquer pour les hommes avec quelques poils sur le visage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, quelques poils? Bah, un au milieu du front, j'adore. Ouais, c'est ça, un au milieu non, du front. Non, mais quelques poils, c'est nez, ce que t'as toi là, en ce moment. Non, mais alors. Oui. La barbe des trois jours, c'est trop sexy, Mickaël, je t'aime. Mais. Oh là là, la barbe, c'est cool. C'est mais alors, ce qui est terrible pour les mecs, et il y en a qui ont ça, c'est vraiment le poil là, long, noir. Tu sais, il y en a 2-3 là sur la moustache et 2-3 là. Mais un peu comme très moi. Long. Mais ça, c'est quand ils ont encore un duvet et que ça commence tout doucement à se transformer ça, c'est horrible, en. Ça. Non, parce que duvet. Des mecs de 15 ans. Voilà. Et ils le laissent grandir. Mais c'est une barbichette. Ouais. Bah, ouais, non, c'est vrai. Regarde chez Ben qui fait l'émission juste avant nous, là, lui, c'est du duvet. Non, et c'est horrible quand il transpire, il a les gouttes qui s'accrochent à la moustache. C'est dégueulasse. Ouais, non, c'est vrai, il a un peu de duvet, lui. Il a une tête d'enfant, c'est. Non, mais Ben. C'est surtout qu'en revanche, ouais. Ben, il a une toute petite tub. Ouais, ouais. Bon, ça après j'ai pas été regardé hein, mais faut si tu trouver. Étais voir tant mieux hein. Bah Emily en même temps il est en grande conversation il est en grande conversation il y a longtemps. Elle est tordue aussi là. Il est en grande conversation avec Polo du Polo Show. Oh là, il arrive. On peut pas, y a pas de porte. Ah bah ouais mais il y a pas de clé, merde, je pensais qu'il y avait une clé dessus. Et c'est là qu'il arrive en défonçant et t'as Cécile derrière qui se prend. Elle va voler dans les écrans qui sont au bout du studio, tu vas voir, ça va être vite vu ça. Et donc seul. Ah merde, ça y est. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, donc j'avais raison hein. Il est rentré là, Ben, maintenant là. Effectivement, il a du duvet. On parlait de ton petit duvet. T'as un petit duvet? Un petit en fait, hein, quand même. Parle un peu plus loin là, s'il te plaît. On est en fin de journée, Ben. Et... ma beauté, vas-y. Ouais, vas-y, c'est ton moment là, parle. Alors t'es venu avec tes plans. Numéro 1 du top speaker, ça sera un peu plus loin. C'est vrai, je suis pas allé. Je vais pas le faire venir. Oui, c'est clair. T'as mangé des macarons? Ah ouais, il a bouffé ça toute l'après-midi, les macarons. Non, alors c'est très dur. C'est pas ça, c'est qu'on a une autre émission sur le bouquet Goom qui pour le coup bah canon hein et tout. Et nous les gens qui viennent en fait, ils viennent avec avec des cadeaux en fait. Voilà. Parce que les gens nous aiment en fait. Oh, tu vois la promo. Ouais, mais nous les gens toujours c'est faire musique 17h 19h. Oh là là, Joe la promo quoi. Et du coup, non mais sérieusement, t'as dit que nous les gens qui viennent, ils nous aiment aussi. Du coup, vraiment, c'est vrai. On lui a emmené donc 2 gros paquets de macarons. Macaron, plus d'une très belle marque, que je ne citerai pas. Bah oui, l'une des 2 plus belles de France en fait. Voilà. Hein. Non, ce n'est pas la durée, c'est. C'est donc l'autre en fait. On va pas la citer. Oui, bon, c'est sûr. Non, non, tu peux y aller, vas-y. Bah oui, bah c'est ça. C'était quoi les marques? Les macarons? Je me rappelle même plus. C'est quoi le nom? Ah bah il a oublié, bah très bien. Lui, je crois. Bon, il y a Laura aussi qui a envoyé un message. Laura qui a envoyé un message qui dit Mika, t'as décroché quand je t'ai appelé, je t'ai entendu parler. Ah mais merde, il faut arrêter là. Tu sais qu'une fois, il y en a une qui a appelé. Et Mika, il m'a dit que t'es ma meuf ou quoi, et dit qu'il faut arrêter d'appeler. Et j'ai bon, allô, il va falloir mais arrêter d'appeler. Mais c'est moi qui fais ça. C'est la meuf de Mika. Non, c'était ah moi. Oui, il m'a demandé c'est pareil. J'avais fait pareil alors. Hein. Et la meuf, elle me dit, Émilie, je t'ai trop reconnue. Et moi, je fais, non, c'est pas Émilie, c'est la copine de Mika. Non, c'est Émilie de Mikaël le soir. Et du coup, j'étais trop mal. Après, ça m'a gonflé. Tu m'étonnes. Bon, il y a un message de Tania qui dit, puisque je vois que toutes les meufs fantasmées là en train de fantasmer, je suis sorti avec un mec qui avait une barbe de 3 jours, lol. C'est bien, mais ça irrite la peau à la longue quand t'embrasses ton chéri. Ouais, il paraît hein, que c'est ouais. Ouais, ça te chatouille le dindon. Non, mais ça peut irritant, faire une irritation ouais. Mais voyante. Du coup, tout le monde sait quoi, que tu t'es mangé la bouche toute la soirée parce que t'as. Ouais, ouais, c'est pas faux. Ouais, t'as une rougeur, hein. Mais ça rend la femme belle, ça, dans l'effort. Vous avez besoin un peu de souffrir aussi. Ouais, c'est vrai, vous avez besoin de ça. Puis vous aimez. Et puis non, puis ouais, il y a beaucoup de femmes qui aiment bien ça chatouille. Hein. Ouais, carrément. Bah ouais. C'est moi qui chatouille avec le barbu. Oh. Merci pour cette information. Mais comment tu peux parler... très importante. Comment tu peux parler de toi comme ça là? Je mais je parlais pas de moi. Comment tu peux t'exposer comme une viande à sodomiser? Mais non, mais... tu rigoles, mais t'es horrible, Pierre. J'ai envie de partir là. C'est... je parle beaucoup, mais je fais rien à côté. Donc et le barbu, c'est quelqu'un de... C'est un mec, un vieux barbu. C'est un non, c'est un mec de Goom Radio qui avec Émilie qui nous dit tout le temps le barbu. Et du coup, ça m'est bah, ça c'est me... Fredo. Oui, mais j'ose pas le dire. C'est Fredo qui nous dit le barbu et cette expression me fait beaucoup rire. Voilà. Le barbu. Ah mais je trouve ça trop drôle. J'imagine un petit enfant barbu là. Trop drôle. Ah, j'ai eu très très peur quand t'as dit j'imagine un petit enfant. Non mais moi elle est pas du tout barbu et moi je suis quelqu'un qui ne parlerait pas de son anatomie. Bon bah tant mieux alors. Tatatomie. Tatatomie. Oui de ma tante et alors je peux parler de ma tatatomine. La tatatomine. Oh là, c'est très très dur. Bref, tout ça pour oh dire que donc il y avait une personne, une meuf sur les trois donc qui affirmait préférer les hommes rasés de près tandis que 14% avouaient s'en moquer complètement. Donc ça va, 14% des gens qui s'en branlent et une sur trois qui préfère les mecs rasés de bien près. Et, ah. et par rapport au Corse les filles. Ah le Corse. Parce que lui alors, c'est lui le c'est Corse en dort, fait donc. Lui il a une espèce de bouc mais pas fini. Ouais, c'est un très joli bouc roux. Ouais mais il est pas fini quoi. C'est, ouais, c'est vrai qu'il il est roux aussi pour le coup hein. Non, tu le fais très souvent. Personne n'a vu les bronzés faire du ski, non ? Ce matin. Si. Il est bien fait. Et il se touche le boum. Mais c'est vrai que t'as un tic, tu fais toujours comme ça. Touche I la think, moustache. I think, yes. C'est ce que ça veut dire, I think ? Je pense. Ah, c'est bien. C'est bien, bravo le Corse. C'est bien. Ouais, je commence à faire des progrès en anglais. Le cours, c'est bilingue. Enfin, ouais, en même temps. Le Corse. Calme-toi le Corse parce que c'est niveau CM2, hein, t'en es pas non plus, tu vois, et signe, je pense. Oui, mais de rien, I think, tu vois, je veux dire... Il y a un pas qui est en train de se faire. Ouais. Il a déjà sorti à sa chemise le Corse. Le plus drôle, c'est les expressions. Tiens, regarde le Corse à la télé, là, il y a les buts au Serrois, là, qui passent. Poum, poum, poum, trois. Poum, poum, poum. C'est les buts de l'Auxerre. Poum, poum, poum, trois. Tu un, fais bien deux, les buts. Ouais, t'as vu, hein. Ouais, il les a comptés quand même. Contre Bastia, c'est bon. C'est un entraînement. Donc Pierre hein. ne dit c'est pas. C'est fini alors le match. Non, c'est pas terminé là. Il reste, 5-10 minutes, je crois, grand max. Donc c'est ta faute si Sébastien, ils ont perdu. Non, c'est juste parce qu'ils sont mauvais, c'est tout. Hein. Bah oui, c'est donc ça. En Corse, rien, hein. en Corse il reste 10 je crois qu'ils t'attendent alors. Il reste 10 minutes, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, dites-nous les autres là. Donc le standard remarche, mais apparemment pas sur le même numéro qu'avant. Ah, ça, ah c'est merde. Ça. Ah ouais. Bon, donc c'est l'autre numéro. Non, c'est sur un payant parce que Fredo se faisait pas tout bon. Bon, alors avant, c'est donc maintenant vous faites le 01 55 64 13. Ça n'a pas changé. Ouais. Sauf qu'à la place de mettre 24 à la fin, faut mettre 25. Voilà, c'est ça. Et normalement, ça marche. Ça marchait sur le mien. Ça marche pas. Ouais. Normalement, ça marche. Bon, bah, si vous voulez nous appeler, donc 01 55 64 13 25 ce soir. Voilà, comme ça, vous savez tout. Hein. Si vous voulez nous joindre, donc vous savez donc ce qui vous reste à faire. On va se mettre un petit peu de son maintenant. Qu'est-ce qu'on va se mettre? The Times, Black Eyed Peas, tous les soirs. Non, Loka, Shakira. Bah déjà on non, va se mettre Grenade, oh là là là là là là là. Non, ça, déjà on va se mettre un peu de pub, ça c'est la première chose et puis on va se mettre Chime derrière avec le nouveau prendre oh là l'air. Là, il a pris prendre. Quoi qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais t'as juste pris le seul titre qu'on n'avait pas cité. C'est vrai. Ça m'agace. C'est vrai. Je sais pas si c'est pas fait exprès, hein, je crois. Bah, il y a des chances. Ouais. Allez, Chime, on écoute ça juste après la pub. Restez là. Le son de Chime, à l'instant, c'était Prendre l'air. Il y aura Shakira aussi qui va débarquer. Il y aura Usher également. Et puis, on mettra peut-être le nouveau son des Black Eyed Peas. Avec quel titre, le Corse? The Time. The Time. Wow. C'est pas mal. Maintenant, il s'en souvient et tout. C'est beau. Bon, et le match va reprendre dans quelques instants là pour Lyon-PSG. Attends, on a le PSG. On a une petite interview là. Subi parce qu'il presse. Il joue haut. Donc, c'est sûr qu'on est. Il pas forcément tous nos duels aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est, qu'on souffre un peu. On mène, enfin, il mène 15-0. Donc, on a encore le, bien sûr, l'espoir de revenir dans cette seconde période. Alors, justement, le discours. Ah bah, il y a l'espoir. Bon, ben, on verra bien comment ça va se passer. Hein. On suit ça de toute façon, de près. Rassurez-vous, il n'y a aucun problème, évidemment. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, j'ai dit qu'on allait passer tout ça. On parlera également des poils encore. On devait avoir quelqu'un, là, normalement, là, justement, pour ouais, dans le standard, alors, là. Comme c'est Pierre qui est au standard. En fait, il a, c'est pas qu'il a fait une mo. Ah, attends, on a quelqu'un ou on a pas il quelqu'un? Il a fait une manip pourrie, là. Si c'est ça. Oui, ouais. Il y a quelqu'un. Bah, mais, ouais, mais non, ça c'est quelqu'un qui arrive, là. Il faut qu'il passe d'abord, ah, oui, oui, il faut d'abord qu'il passe par la case standard. Parce que le Corse, lui, il fait standard aussi, maintenant. Il a décidé, il décroche en direct. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Attends, j'essaie de faire le standard. Eh ben, j'ai c'est pris... bon, là, regarde. Attends, bah, t'as accroché tout le monde, en fait. T'as accroché oui, avec tout le monde. Oui, là, ça, j'ai raccroché à tout le monde. Et il faut à tout prix que Antoine, qui est le premier, Non, c'était Anthony. Anthony. Ouais, bah, faut qu'il, il faut que, non, mais non, parce que s'il rappelle. T'as pas son numéro? Il y a plein de gens qui rappellent, je peux pas, je tombe jamais sur Anthony. Et je lui dis, je te rappelle, mais j'ai pas noté son numéro. Oh, mais quel gogol. Et en revanche, j'ai celui d'Antoine, donc Antoine, on te rappelle. Et Anthony, est-ce qu'il y a moyen que tu nous lâches ton numéro en message privé sur le mail de Michael ou de Mika? Oh, c'est dur, c'est très dur. Il faut que tu le filmes maintenant. Parce que je sais que ça commence par un 09 et après, j'ai plus le reste. Ouais, bah, on est pas avancé. Oh, bah, 09. Hein, il te reste 99 possibilités, hein. C'est chaud. Bon, c'est pas grave. Allez, Antoine, donc, hein, 01 55 64 13 25 ce soir. Attention, c'est pas 24, c'est 25 ce soir, parce qu'en fait, il y a deux standards et celui qui fait le 24, bah, il marche pas. Ouais, pourquoi? Je sais pas. Ce qui est très pratique. Faut payer la facture, Fredo, hein. Et on a Antoine là au téléphone? Non, parce que Pierre lui a raccroché au nez et du coup, il a oublié de noter son numéro de téléphone, il peut pas le rappeler, donc on a quelqu'un d'autre. On attend qu'on le rappelle dans quelques instants. Mais non, le Corse, pourquoi tu t'excites avec ces deux lignes? Tu vois bien qu'il y a marqué appel entrant. Si c'était Antoine, ce serait pas marqué appel entrant. Les appels entrants doivent d'abord arriver chez Pierre. Chez Pierre. Voilà. Mais tout à l'heure, Pierre après les envoie ici. Voilà. Et puis moi après appuyer avec le doigt. Voilà, tu vois quand tu veux. Mais avec Emilie, on a qu'à les trois personnes. Ah ouais, mais il est tout raccroché. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que c'est un gogol. Qu'est-ce que tu veux? Oui, bah oui. Je pense que tout est dit, hein. T'as tout dit là, t'as tout dit. Bon, et puis donc on avait déjà le sondage par rapport à la barbe là au niveau des meufs là, 54% donc qui ont déclaré que les hommes qu'elles préféraient les hommes avec des poils sur le visage, donc presque une femme sur deux. Et puis les raisons de cette préférence donc, hein, 66% des femmes aiment les visages poilus. Donc elles expliquent trouver les hommes plus masculins et plus séduisants avec ça. Plus sexy, ouais. Ouais. Forcément. Voilà. Et une sur dix explique que les hommes rasés avaient souvent l'air trop jeunes, et deux tiers d'entre elles aiment une petite barbe de 3 jours, alors que 12% craquent pour les grosses barbes touffues. Alors ça, c'est horrible. Ah non, ça, c'est et là justement, on a Anthony qui est la première ligne du standard. C'est là, pas vrai. Qui voulait en parler, et parce qu'il est barbu, il a 15 ans, je crois. D'accord. Salut Anthony, t'es là? Il est content. Anthony? Non, le Corse, c'est la première ligne. La première, tout en haut là. Il faut allumer ça. Ah, il faut tout allumer. Ah, le Corse par pitié. Ah. Enfin. Et ce qui est bien, c'est que t'as Mika qui pousse sur le bouton, parce que le Corse l'avait pas fait. Et tu sais, il regarde le bouton, il descend avec sa tête, il met presque son nez sur le bouton, disant. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il me veut là? De quoi on parle là? Je comprends pas ce qu'on me dit. Bon, ça va Anthony? Ouais. Oh, quelle galère ce soir avec le standard là. Putain, ils font chier aussi là. Mais s'ils mettaient un peu d'argent, Fredo, dans le standard, on aura pas ce problème. Bah il faut acheter un standard un vrai, hein, un Samsung. je sais pas quelle marque, mais bon, un vrai fera l'affaire quoi. Bon Anthony, t'as quel âge, t'appelles d'où? Bah j'ai 15 ans, puis j'appelle près de Cambrai. D'accord. Ah, très joli endroit, Cambrai. Ouais. Ah bah on parlait des villes comme ça tout à l'heure. Ça veut dire quoi, des villes comme ça? Bah des villes un peu galères quoi. Ah ouais, un peu galère, ouais, c'est ça ouais. Bon alors Anthony, toi tu nous appelais par rapport t'es déjà poilu toi à 15 piges? Bah ouais, un peu normal. Alors Mika lui est du style à dès 15 ans il devait déjà être barbe tout le bordel. Eh ben alors non, justement moi c'est venu très tard, et la meuf avec qui j'étais à l'époque, qui je suis resté longtemps, elle m'a vu grandir, et elle me dit mais je comprends pas, tous mes potes, tout ça, mon frère, tous mes copains, et puis tous tes potes ont des poils, toi tu fais naze. Et je pense qu'une nuit ça m'a énervé, enfin inconsciemment, et je me suis vraiment, mais du jour au lendemain j'ai commencé à avoir des poils. Ah, ça là, s'est jamais arrêté depuis, hein. Ça s'est jamais arrêté. Oh, ah bah depuis là. ça a été. Non, c'est bien, c'est un petit duvet sympa. Ouais, je fais, oh là là, parce que t'es trop sexy. Ah merci. Et voilà. Par contre, j'ai toujours le carré de poils, de 100 poils que vous m'aviez enlevé à la cire là. Ah ouais, mais ça va. Il faut un peu attendre. Hein. Voilà, ça va repousser. On en a reparlé ce week-end, moi. Ouais, mais ça va repousser, mais il faut un peu attendre quand même. Hein. À la cool, quoi. Bah ouais, mais enfin bon, si ça met 2 semaines, 3 semaines. Ah bah ça risque de mettre un petit peu plus de temps que ça. Hein. Mais non. Bah si. Le concept d'avoir appuyé. Oh but. 4-0 pour Auxerre. Oh, c'est dur, avec un doublé de Samaritano. Oh le Corse. Oh le Corse, il a la rage. Ils sont en train de faire péter les gendarmes. Vous n'auriez pas dû venir, parce que si vous aviez déclaré forfait, ils auraient gagné 3-0, donc. Eh ouais. Tu vois. Mais bon, en coup de la ligue. Il aurait fallu pas se déplacer. Ah bah ouais, hein. Il fallait pas venir, ouais. En même temps, ouais. Ouais. En coup de la ligue. Bah, on va gagner, ça va. Bah on va gagner. Là, il reste avec un petit peu de temps additionnel, il doit rester 2 minutes. Oui, mais on va gagner. T'inquiète. Il faut mettre 4 buts en 2 minutes. Oh là là. C'est faisable. Ouais, bah c'est faisable. Hein. C'est pas gagné, mais c'est faisable, c'est sûr. Effectivement, tout est possible jusque là. C'est faisable. Bon, Anthony. Alors, comment ça se passe toi avec le poil? Comment va le poil? Bah moi, en fait, j'ai pas du tout de barbe. Enfin, j'aime pas ça. Toi, tu te rases, donc t'as du poil, mais tu te rases. Enfin, niveau barbe, ouais. D'accord. Tu es un berbe ou tu te rases? Comment? Tu es un berbe ou tu te rases? Moi je me rase. Ah d'accord. Mais genre, que le visage ou tous les poils? Bah, le tu visage. Les, tu te rases les poils des couilles, ou enfin, je sais pas. Des couilles. Non. Ah non, bon, ça va alors. Attends, mais pourquoi ça va? Parce que mec, les couilles, ça se fait aussi. Hein, ah bah ouais, faut des ratis. Ouais, des non, mais voisines, attends. Moi je. Mais là, il faut faire. Tu sais, il y en a qui n'est pas beaucoup, mais alors, il y en a par contre, c'est assez dur. Hein. Moi j'aimerais savoir qui ici a une vraie technique. Je vous en supplie, hein, si c'est non, Anthony. Mais il faut que ce soit nous qui vous le fassions. Ah, bah, c'est le pire. Ouais, quoi faire. Mais pour vraiment avoir le truc propre, mais au niveau des couilles. Parce qu'autant la au-dessus. Tendue, la... Non, la tendue, je me suis pris les couilles dedans l'autre jour. Mais ça dépend si tu. Non, mais ça dépend si tu rases de près ou si c'est juste pour raccourcir. Non, faut pas. Mais là, attends, faut pas se faire les boules lisses comme des boules de billard. Faut se. Qu'est-ce qu'on a à foutre, tu les as dans la bouche. Tu sais même pas si elles sont rasées ou pas. Putain, tu les as au cul. Une fois que t'as tout en bouche, t'as rien à foutre. Mais attends, parce que vous préférez quoi? Non, mais vous préférez quoi? Parce que concrètement, si c'est juste raccourci, ça limite, ça picote un peu, quoi. Non, ça gratouille, mais ouais, ça dépend. Gratte, ouais. Alors attention, moi je peux en parler parce que j'en ai deux énormes et c'est même pas ouais, que je rase. Dans ton cul, ce que je disais. Non, arrête. Arrête. Des fois, tu saurais pas de me les bouffer, hein, juste pour voir. Bah, j'ai essayé la dernière fois. De bouffer, mais j'ai même pas eu mes baloches avec celle de Mika en même temps. Fais voir comment elles sont grosses. Et celle du corche. Et celle du corche. Voilà, du corche. J'ai corché. Ah, c'est corche. Le corche qui roule en Porsche, mec. C'est bon, ça. Le corche. Est-ce que t'as des grosses boules, le corse? Moi, non. Non, mais poilu, je veux dire. Lui, d'avoir une petite teub, mais très large. Et plein de poils. Ouais. Très large. Genre si. En mode rondin. Ouais. Voilà, c'est un rondin qui a un gros buisson d'enculé et des queues de renard sous les aisselles. Non. Déjà, je me rase. Oh merde. Voilà. Et Anthony, t'as une petite bite, toi? Hein? C'est pas bon, Anthony. T'as du poil aussi un peu au sexe, tranquille ou pas? Ouais, un peu. Moi, ouais, c'est bien. C'est quand bien. Je disais que je me restais pas, mais comme vous dites, je raccourcis, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, okay. Ouais, tu tailles à la tondeuse, sabot 1. Prends le sécateur, c'est, non, mais c'est plus propre. Tu sais, où tu mets pas de sabot du tout, c'est après ça te coupe les. Ouais, et tu saignes, et après là, ah ouais. Ça te pisse hémorragie, tu sens tes battements de cœur. Eh ben, c'est ça, moi, que j'ai eu. Et alors, comment on fait pour vraiment. Vous savez pas vous en servir, c'est mais pas si, possible. Mais si, on sait s'en servir. Le corps va nous faire un cours. Ouais, non, mais bon, je veux dire, c'est simple, quoi. Je me rassemble. Amène ta tondeuse, amène tes couilles, et puis tu vas le faire demain. Sans sabot, tu te mets. Après, faut pas que ça soit lisse. Tu tailles très court, très fin. Ah oui? Ouais. Au fait, j'ai retrouvé Antoine, hein, que j'avais perdu le numéro et tout là. Ah d'accord. Qui a aussi de la barbe. Ah mais bah, très bien. Attends, Antoine qui est là. Allô Antoine. Adieu. Comment ça va? Ah bah ça va. Bon bah écoute, tant mieux. Alors hein, bienvenue à toi Antoine, hein, qui a été perdu dans le standard. Pierre t'a raccroché au pif, il t'a rappelé. Ah mais c'est improbable. Ah mais au final je suis là, donc c'est l'important. Bravo Antoine. Eh ben voilà, c'est ça exactement. T'es là et t'es bien là. Et c'est surtout bravo à Pierre, hein, parce qu'il a quand même réussi à mettre quelqu'un à l'antenne et ça c'est beau. Et ça c'est c'est pas évident. Ah, c'est pas mal. C'est ma coupe de cheveux en ce moment qui est pas évident. C'est pas mal. Non, t'es bien coiffé. Non, c'est sous la coupe que ça va mal. Putain, on dirait un moine. C'est très dur aussi ça. Bon alors Antoine, donc toi tu voulais réagir par rapport à la barbe aussi, comment ça s'est passé? Ouais, moi je suis pas trop de l'avis donc de ce que vous avez dit soir. Je trouve qu'il y a pas trop de différence quand on se rase, qu'on se rase pas. Oh si, je te promets, t'as pas vu Mika? Bah si, non mais pour le coup c'est vrai quand tu te rases pas, t'as l'air un peu plus, je sais pas, rebelle. Enfin tu vois, un peu plus. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Non mais c'est vrai, t'es pas plus rebelle, mais enfin comment on appelle ça? Bad boy. Ça fait plus négliger. Bad boy rocker. Ouais, peut-être rocker, c'est sûr que ça fait pas joueur de golf, mais ouais ça c'est sûr. Mais ça fait celui qui en a quoi. Ouais, c'est ça. Moi je vois pas trop de différence. Mais si, avec un petit perfecto, avec un labrador, avec un chien de FDF, un labrador. On peut chiller des thunes. Quel rapport avec le labrador encore? Avec un labrador, rien à voir. Regarde Mika maintenant avec ta sale barbe là, dégueu. Ouais. Là. Et que ton odeur, si t'as un chien mec, on peut te filer des thunes. Alors, la sortie du métro, mec. C'est clair. Ah ouais. Bah, attends, c'est quoi, on met Cécile au standard un petit peu là. Ouais, elle est quand même bloquée avec son téléphone là. Non, pas du tout, c'est que depuis tout à l'heure je poste des photos. Ah, bah oui. Parce que oui, ça appelle en standard, ouais, ça appelle. Ça pousse. Bah ouais. Franchement, c'est hallucinant. Regarde le monde qu'il y a. Bah oui, mais bon, le problème c'est qu'évidemment, alors, on avait plus standardiste, alors, on est à la ramasse là pour l'instant. Hein, mais le standardiste. Mais non, mais on fait tout, regarde, on filme. Là, c'est Mika qui a repris le standard là. J'y vais après, moi. Ah, ça y est, c'est Mika, on fait le tour de Paris. A failli marquer. Hein. Sans déconner, c'est vrai? Ouais. Il y a eu le gars, le poteau et. Non, mais ils ont pas marqué. Non, ils ont failli ça marquer. Ça se trouve, Bastia a eu 15 occasions comme ça où ils ont failli marquer. Ça aurait pu finir 15-4. C'est vrai. Eh ben, ça finit 4-0. Voilà. Et ça finit 4-0. Voilà. C'est moche, le match Bastia, est terminé. Bastia, si tu m'entends, c'est la première et dernière fois que tu perds un match. Tu as compris, sinon je m'énerve. Sinon je m'énerve. Voilà. Bon, bref. Et donc, Antoine. Ouais. Bon, alors comment ça se passe toi chez toi? Donc du coup, tu m'as dit tu je sais plus si tu rasais ou pas toi. Non, lui, non, il trouve pas que ça change. Il y a pas de différence. Ah, tu vois pas de différence? Bah si, quand même, il y a une différence. Tu vois quand même ta gueule, elle est différente quand tu laisses pousser, quand tu laisses pas pousser. Non, bien sûr, il y a une différence pour moi, mais quand je rague, je vois pas de différence quand je suis rasé, quand je suis pas rasé, ça. Non, j'ai jamais calé qu'il y avait. Après, peut-être que sans que je le vois, il y en a une, hein, mais moi je. Franchement, je vois pas. Et ben, essaie de faire l'expérience en boîte. Genre, ouais. T'es mal rasé un vendredi soir. Tu laisses un côté mal rasé, un côté bien rasé. Tu vois lequel a le plus de chance. Quel profit. <C'est... rire> Tu restes collé à un mur de dos côté ouais, gauche ça, pendant ouais. une demi-heure. C'est ce que je fais. Au moins, je me pêche au plus de monde, moi, le t'essaye. Soir. Bah oui, comme ça, t'as deux fois plus de chance. Bon, il y a Pauline aussi qui dit un peu de barbe, la guitare, ça, c'est du mec. Mais oui, elle a raison, Pauline. Ça me fait rêver, moi, vraiment. Il manque plus que la chemise de bûcheron, et alors là. Alors, mais marie-toi avec Mika, regarde. Il y a Hugues qui dit ça fait grunge. Ouais, bah, un peu, ouais, c'est non, vrai, mais ouais. Ça dépend si c'est trop long. Par exemple, tu sais, il y en a, ils laissent les boucles super longs. Non, ça c'est moche. C'est et avec un petit élastique. Oh, mais ça c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible, effectivement, ouais. Attends, on a aussi Cécilia qui est là, enfin, l'avis de Phil, là, qui voulait réagir au poil aussi. Cécilia. De la barbe? Salut, Mickaël. Comment ça va? Salut, ça salut, va, Cécilia. Salut. Ah, elle a une belle voix, Cécilia. T'as quel âge, Cécilia? T'es dans quelle ville? J'ai 19 ans et j'habite à Mourenx, à côté de Pau. D'accord. Oh, très belle ville, Pau. Ouais. C'est très dur quand tu t'appelles Fredo devant, quoi. Oh, c'est nul. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas entendu, c'est quoi la blague? Fredo Pau, Fredo. Voilà. Bon, alors, Cécilia, donc, tu voulais réagir donc par rapport au poil. Donc, alors, toi, enfin, quand je dis au poil, c'est à la barbe, hein, en règle générale, oui. Hein, pas au poil de la teub, parce que ce soit plus long ou moins long, c'est pas de ça dont on parle ce soir. Mais en l'occurrence, donc, est-ce que tu préfères un mec, genre, rasé de près, un peu, avec quelques, enfin, genre, 3-4 jours de pouce ou plus? Moi je préfère avec 3-4 jours de pouce. D'accord, parce qu'il y en a qui aiment bien avec, tu sais, avec la barbe, quoi, tu vois, avec le dossier là. Ah non, ça non, bah. Capitaine Haddock. Non, avec la pipe. Moi je m'amuserais juste à faire tu me tiens, je te tiens par la barbichette. C'est drôle. Ah bah oui, c'est drôle. Ouais. Moi j'aime les cheveux, surtout les cheveux, c'est important aussi. Bon, et donc Cécilia, donc toi comment ça se passe toi? Tu dragues volontairement ça ou pas? Oui. Ah toi c'est important, c'est-à-dire que si le mec il a pas de poils, c'est mort. Non, après c'est pas mort, mais c'est une préférence, quoi. Cécilia, t'as regardé les photos de Mika? Oui. Alors t'as dû kiffer, non? Bah, mais c'est roux, hein. Ouais, non, c'est roux. Le problème, roux, c'est, hein. C'est la. Oh, Cécilia, merde! Mais c'est la couleur rouge, le problème! T'as l'air, il se dream sa voix sexy, là, et non, c'est roux. Mais c'est pas ça, c'est pas le problème qui la barbe, enfin, oui, la barbe, elle est rousse, mais bon, moi, après, voilà, j'ai rien contre ça, parce que moi-même, je suis rousse, donc. Moi-même, j'ai de la barbe. Moi-même, j'ai une barbe rousse, donc. Ça, Ah, donc t'es rouquine, d'accord, ok. Non, mais c'est pas le problème, hein. Tu peux être rousse et pas aimer les roux, mec, enfin, tu vois, après, peu importe. Après c'est vrai que la barbe rousse c'est non, je peux pas. Non, moi, tu peux pas, ça veut dire que tes enfants ils vont être flingués plus tard si t'en as, oui, avec Mika. Mais tu sais que ça devient grave à la mode, hein, d'être roux. Ouais. Grave à la mode, mais ça veut rien dire d'être à la mode. Mais oui, il y a des modes. Il y a plein de meufs qui se font teindre les cheveux en roux parce que c'est tendance. Mais oui, mais c'est joli. Il y a Rihanna qui a rien compris, il a mis en rouge là. Oui, c'est ça. Dans son dernier clip, c'est dur. On lui a dit rouge. Arrête le jeu là derrière. C'est con, quoi. C'est rouge, mais très très rouge. Elle s'est fait tatouer Rebel Fleur sur le cou, donc je sais pas si elle comprend. C'est ridicule les gens qui sont tatoués. Quelle violence. Ouais, bah je te confirme, surtout ceux qui mettent une cassette. Je sais pas, je connais personne. C'est sur le bras. Eh, t'as vu Antoine, finalement les meufs, elles font attention à ça. Ah peut-être, mais ça dépend. Je te confirme, regarde, Cécilia, elle vient de le confirmer, elle dit qu'elle fait attention à ça, elle. On va les passer à l'antenne, hors antenne, après tous les deux, pour qu'ils puissent continuer de parler de ça. Ouais. Non, petite coquine. Ou pas. Je vais aller voir s'il y a d'autres personnes. Non, mais on les voit là, en fait, il y a personne. Non, tu mens, il y a beaucoup d'appels. Attends, on a perdu Anthony là. Est-ce que le corps, il a décidé d'enlever là Anthony. Ouais. Bon, alors donc toi, du coup, oui, toi, t'as 15 ans encore, évidemment. T'as genre quoi? Est-ce que t'es au niveau du duvet ou pas? Fin de duvet là. Bah, un petit peu plus, ça. Ouais, un petit peu plus. Qu'est-ce que tu manges? Mon duvet. Ouais. Quel rapport? Parce qu'on aurait dit qu'il mangeait un truc. Et puis il a le droit de manger, au pire des cas. Ouais, un swing gum, si tu veux savoir. C'est un swing gum. C'est ça? Hein? C'est pas grave. J'ai cru qu'il allait se barrer. Ouais, ciao. Allez, je vous laisse. Allez, salut. Allez, bon. Ça me saoule, ciao. Anthony, merci à toi d'être passé. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Ouais. Salut à toi, à bientôt. À bientôt. Ciao Anthony. Et bah, merci à toi Antoine également d'être passé. Toi aussi, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Allez, bisous à bientôt, Antoine. À bientôt Antoine. Et Cécilia, encore un truc à ajouter? Non, c'est bon. Ok, très bien. Écoute, tu reviens quand tu veux également. On t'envoie les photos de la sextape de Mika, si tu veux. Allez, ouais, pareil. Allez, gros bisous. Un échantillon de ses poils roux, comme ça, tu pourras faire un bébé avec. Non, mais on va ça ira. C'est déjà le mien. On va la faire tourner, hein. De quoi? Bah, la sextape. Mais ça va pas, non, ou quoi? Arrêtez un peu. J'allais dire sextape. Cécilia, tu veux voir la sextape de Mika? Arrête avec ça. Vas-y, on voit là. Okay. Moi, je l'ai vu, moi. Je t'envoie une photo quand il bouffe un cul, c'est horrible. Ah, Mais il y a un angle absolument magnifique. Non mais oh, vous avez fini ou quoi? Sans ça. Déconner là. Mais non, c'était moi, tu imagines l'horreur. Bah, n'empêche qu'on pourrait croire. Hein. C'est bon, c'est bah, vraiment merci pareil. Parce qu'elle est bien faite. Hein. C'est pareil, mais elle a la tête dans l'oreiller en même temps. Oui, non, mais elle a une très jolie tête. Non, tatouage. Mais c'est moi, c'est pour ça, elle a un très joli tatouage. C'est moi. Même son prénom, c'est super cool de s'appeler. Ouais, ça va. Non. J'ai compris. Il y a un respect quand même pour Justine, t'imagines. Bon, allez, gros bisous, Cécilia. Ciao. Allez, à bientôt. Salut, Cécilia. À bientôt. Ciao, bye bye. Et puis, bon, on va revenir dans quelques instants. On va se mettre un petit peu de son là maintenant. Shakira avec Loca. Et puis, on revient avec vous juste après, évidemment. Si vous voulez discuter avec nous, vous êtes bienvenus. Vous balancez vos messages au 01 55 64 13 25. Loca. Vous savez qu'elle a mis un truc sur son site internet Shakira, sur Shakira.com. J'entends pas. Bah, mais plus fort. Non, j'entends rien. On dirait une dinde, elle est là. J'entends pas. C'est dur ça quand même. J'entends. Ah bah oui, c'est ton casque était pas allumé. Bah c'est le corps. Surtout qu'il faut quand même le réécouter. Il faut quand même le réécouter le moment où on aura dit c'est une sourde en fait, c'est qui nous entend pas et donc du coup c'est qui parle de manière un peu particulière parce qu'elle s'entend pas. J'entends pas du tout. Qu'est-ce qui lui arrive? Un problème ou quoi là? Donc je disais que Shakira avait mis un truc sur son site internet pour lui envoyer une vidéo en disant quel Loca êtes-vous? Voilà. Bon, je Loca, ne sais pas ça ce veut que dire c'est... folle, non? Ouais. Ah ça veut dire folle Loca. Ouais. Ah d'accord. Moi je vais voir elle va voir folle. Bah, envoyez les vidéos sur Shakira.com. Bah, je vais lui envoyer. Bah, on en a une ou deux du soir là qu'on peut lui envoyer. Je pense qu'elle va voir à quel point on est folle. Ah bah écoute, très bien, parfait, pas de problème. Waouh, Émilie, rebelle. Fleur. Donc on a Elisabeth au standard. Ah, Elisabeth, t'es là, Elisabeth? Ah, Elisabeth a raccroché. Ah, c'est plus Elisabeth? Non, mais c'est pas Elisabeth ça. C'est qui alors là? Je sais pas, j'ai rien mis là. Ah bon, bah très bien. Alors qui est là? Bonjour. Oui, c'est toi là qui est en train de bouger là. Allô? Non, mais je vous dis, il y a personne, hein. Ça, c'est un test. Voilà, mais c'est ça. C'est un test de la ligne. On nous piège, Pierre. Elisabeth, si tu m'entends, tu rappelles tout de suite. Non, mais on va la rappeler, Faut dire qu'Elisabeth m'a signalé qu'elle était en train de faire caca et qu'elle était bien contente quand tu disais au Corse pousser. Ah, ça pousse, oui, d'accord, ok, par rapport au foot. Donc, elle croit que c'est pousser, quoi. D'accord, ok. Mais dégoûte. Bon. Elisabeth, c'est pas grave, on va la prendre dans un... Ne touche plus au standard, le Corse. Hey, je veux pas le savoir. Attends, de toute façon, quand il est jaune, ça veut dire qu'on peut pas le prendre à l'antenne maintenant. Pas la peine de pousser dessus, tu vas finir par passer à travers l'écran. Avec ton gros pouce. Ouais, c'est ça. Tu sais, il touche le standard. Surtout qu'il fait ça avec ses pouces de pied. Hein, donc. Non, mais c'est surtout qu'un jour, le standard, il va te péter la gueule, tu te rends pas compte. À force de le faire chier comme ça, là. C'est nocif, en plus, il y a des gaz. Ah bah, il va te péter ta gueule, tu vas voir. J'adore. Fais le malin, là, le Corse. Non, j'adore. J'aime bien les gens qui veulent essayer de me péter la gueule. 4-0 au Cerf face à Bastia. Ah, c'est bien ça. Ah bah c'est bien. Allez au cerf. Il plombait sa soirée. Ah bah c'est bien ça. Allez au cerf. Voilà, on prend une de ses cuites ce soir. On parlait donc des poils tout à l'heure et donc si vous voulez nous appeler, c'est Mika qui est au standard. Si vous voulez le faire chier, 01 55 64 13 25. Voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a des meufs aussi qui apprécient les duvets. Donc ça m'inquiète beaucoup ça. Ah, quelle horreur. Mais les duvets pour dormir, pas sur la gueule. Mais non, les duvets chez les mecs, c'est qui commencent à avoir un petit peu de poils là. Non mais c'est pas possible, donc c'est des enfants. C'est des non, mais t'as des mecs qui ont 18 ans et ils ont encore du duvet seulement. Mais c'est pas possible, le mais duvet. Mais bien sûr. Bah, bien sûr. Le pire, c'est quand c'est une fin de duvet entre le duvet poil et que c'est très noir et ça fait mexicain là. Ouais, c'est ce que je disais, c'est le bout des bouffeurs de Faritas. Ouais, et ça, c'est très mexicain, dur. Ouais, gringo. C'est et les mecs, ils veulent pas se raser parce qu'en mode, c'est des bonhommes. Bah non, en fait, mec, tu ressembles à rien. Ouais. Donc tu me rassois ça directement. C'est vrai. Et alors moi j'appelle ça la moustache juvénile. La moustache juvénile. Et alors sinon j'ai le top 5 également parce que les filles ont également voté pour le top 5 avec les plus beaux, les célébrités avec le plus beau visage poilu. En numéro 5 c'est Robert Downey Jr. pour sa barbichette, 38%. En numéro 4 Johnny Depp avec le bouc le plus sexy, 41%. Alors ça c'est très très dur. Hein. Au numéro 3 c'est d'une violence. Mais tu penses que c'est vraiment les Français? Non, j'ai pas dit que c'était Français. Par exemple, si moi je suis à bloc sur Mika, ouais. Est-ce que un sondage peut être fait? Mais non. Bah bien sûr, je peux sortir dans le classement. Mais si on écoute tout le monde, par exemple Fredo, il capte qu'on est à bloc sur tout le monde. Comment vous faites? J'ai rien compris. Non. Il faut qu'on la mette en relation avec Elisabeth. En numéro 3, tu demanderas Elisabeth. En numéro 3, donc, pour sa célèbre moustache, 48% des filles ont kiffé. Tom Selleck. Oh, Tom Selleck. Non, une grosse moustache comme ça. J'avais dit que Tom Selleck c'était dur. Ça, c'est dur. C'est très très dur. On vous dérange pas, les filles? Hey, les grognasses! Quoi? On vous dérange pas, là, en train de parler entre vous, là? Non, ça va. C'est incroyable, quand même. Par contre, si tu m'appelles encore une fois grognasse. Mais j'aime bien grognasse, moi. Oh, tu vas t'énerver, ouais. Genre, alors tu vas faire quoi? Je vais venir t'embrasser. Ah, bah alors là, je porte plainte pour viol. Appelle-moi grognasse, je vais venir te rouler cette pelle de l'année que tu vas grognasse. Je vais venir te rouler cette pelle avec ma langue. Ça pourrait être pas grave. Je vais chez les filles que je porte. Je vais venir te nettoyer le palais, tu vas voir. Ah, bah t'as raison, c'est ça. Je vais te faire danser la glotte. Ouais, c'est ça. Je porte plainte pour viol, rien à foutre. C'est vrai. Et le corps, il sera témoin, on partagera les bénéfices. Les bénéfices du gars, ouais. Exactement, ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Il y a pas de raison. Bon, donc, du coup, Tom Selleck en numéro 2, ça c'est très très dur pour sa moustache. En numéro 2, Zac Efron, dans sa version moustache et barbe naissante. Comme il est beau. Et en numéro 1, c'est juvénile, mais beau. Et en numéro 1, avec qui remporte le prix de la barbe de 3 jours avec 68%. Benjamin Galouille. Robert Pattinson. Non, il est même pas dans le classement, lui. Il est pas dans le classement. Un mec avec, George Clooney. Non. Jude Law. Non. Avec une barbe. Connu. Footballeur. Connu footballeur. Ah, footballeur. Ouais. David Beckham. David Beckham. Oh non, mais qui est réponse. Ouais, c'est lui qui prend le plus, hein. C'est pas mal, hein. Ouais. Beckham, moi j'aime pas. Pour moi, c'est un gros keg. C'est qui le beau gosse qui est en bas de la radio? Mais non, il est plus là, c'est le beau gosse des becs à sable que t'aimais bien. Oh là là! Cristiano Ronaldo! Elle vient de faire une vanne à Fredo, j'espère qu'il a pas pité parce que c'était très drôle. C'était quoi la vanne? Vas-y, tu peux balancer. Pas, c'est private. Mais oui, balance! C'était qui le beau gosse sur la pancarte? C'était pour voir comment il réagissait Fredo, elle a envoyé un texto en lui disant on se tourne autour, je sais pas quoi. Elle a envoyé à Fredo. Parce qu'Emilie me dit Fredo, il pense que tu as envie de te taper le Playboy des bacs à sable. Donc c'est Mickaël, un petit jeune qui travaille ici. Ouais. Et du coup, Emilie, elle me dit envoie ça à Fredo pour savoir s'il pite. Il m'a pas répondu. Mais maintenant, on a balancé donc à cause de Pierre. Il doit être trop content. Parce qu'il pense que je me tape ce petit mini. Non, mais mini. Tu lui tournes autour quand même. Mais arrêtez. Dès qu'on parle à un mec ici, ouais, vous pensez qu'on a envie de se le faire. Bah ouais, même Julien Franck, je suis sûr que t'avais envie. Mais non. Non, mais lui, on se l'est fait déjà. Il y a eu un seul mec que j'ai eu envie de me faire ici. Et il est dans ce studio. C'est beau. C'était Mickaël. C'est le Corse. Non, c'est Mickaël. C'est le Corse. Bah alors là, ça va rester un fantasme. T'es pas dans la merde. Ah bah non, bah non, mais voilà, si Fredo m'entend, non, je ne suis pas attiré par ce jeune homme. Aux États-Unis, je peux prendre cher. Là, tu prends 500 000 dollars. De quoi? Double viol au niveau des 500 000 dollars. Ah bah ouais, aux États-Unis, je peux prendre grave. Ça peut être énorme. Moi, tu m'en donnes 100. Je suis témoin, tu m'en donnes 100. Parfait, pas de problème. Pas de problème. Bon, Elisabeth. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Je sais pas. Allô, ça va Elisabeth? Ouais, ça va. Tu préfères les mecs avec un peu de barbe de genre de 2 3 4 jours ou rien? Ou la grosse barbe? Non, pas la grosse barbe. Moi, je veux rien dire parce qu'après je vais me faire engueuler. Bah quel rapport? Parce que j'aime quelqu'un. Fredo, monsieur A? Non. Pierre Polo? Le Corse. Polo du Polo Show. Le Mickaël. Oh non. Non. Mickaël, t'aimes Mickaël? Non. Le Corse. Non. Allez, dis-le que tu l'as, Mickaël. Fredo. Ah. Non, je t'ai déjà dit tout à l'heure. J'allais dire, tu dis chiffon, je te fous dehors. Mais est-ce que Fredo aime Elisabeth? Est-ce que Fredo aime Elisabeth? Je sais pas. Ouais, c'est possible. Oui, il m'a dit qu'il m'aimait. Oui, bon, je crois qu'il t'aime aussi. Hein. Moi aussi, il m'aime, donc. Attendez, je prends le cachet. Tu prends quoi? Les ferralgans. Non, mais prends pas tous tes cachets ce soir, t'en as 12 à prendre. Non, mais ça, c'est ce que j'ai mal dans la tête. T'as mal dans la tête. Ouais. Elle a pas mal à la tête, elle a mal dans la tête. Mais c'est bien aussi, hein, c'est bon, ça y est. Elisabeth, t'es mon colis, ouais. Où il est? Ah, mon demain colis. Il arrive, demain. Demain, ça arrive tout demain. Demain, c'est la fête. On est quel jour là? Demain, c'est jeudi. Demain, aujourd'hui, c'est on est mercredi jeudi. 27. Le paquet, il arrive demain. Ah bon? Et j'espère qu'il arrive demain. Et de toute façon, il sera arrivé demain. Parce que si jamais la poste, elle est en grève, ben. Ah oui, demain, c'est le 28, c'est la grève de vous là. Allez casser la poste de Sèvres. Elle est quoi? Elle est cassée la poste. Elle est cassée la poste, mais tout est cassé, ouais, c'est Sèvres qui est cassé. Comme ça, vous prenez les paquets. Les paquets. J'ai rien compris, mais non, casser la poste les pour paquets. Prendre les paquets. Ah, ok. Parce que les paquets, je suis sûr qu'ils sont à la poste. Ils ont bien arrivé déjà. Ils sont bien arrivés. Mais demain, si le facteur il passe pas demain chez vous, il passera pas, ils sont en grève. Eh ben, tu sais ce que tu fais, Elisabeth. Tu appelles la poste de Sèvres, tu les engueules. Mais y a personne, il y a personne. Ah, les postiers sont partis d'ici. Ah ouais, mais ça, ils vont se faire engueuler comme des poissons pourris demain. Mais mec, même le maire, des postiers pourris. Ouais. Ah, ah ouais. Oui, comme des... ouais, exactement. Ouais. Alors donc, ouais, la nouvelle du jour, c'est que je crois que la Laurent Ferrari, elle va bientôt accoucher. Hein. Ah bah oui, c'est normal. Elle est partie du JT la semaine dernière. Ouais. Hein, elle a dit qu'elle allait accoucher là d'un jour à l'autre. Quand tu dis pousse. Tu sais, elle, quand elle va accoucher, quand elle va aller à la maternité, ouais, dans le bloc obstétrique, son mari va être à côté. Donc, si jamais donc le gosse il se présente par le siège, donc le mari va lui dire « Allez, pousse !» Elle va faire elle va hurler, hein. Ouais. Ben ouais. Ouais. Mais quel est le rapport avec tout ça? J'ai pas bien compris, là. Pousse, quand il dit pousse, on dirait presque les gens, quand ils accouchent les gens, ils disent pousse. Allez, poussez. Pousse. Et la femme, elle crie et tout. Ça s'appelle une improvisation de vanne. Non. Ouais. T'es parti en mode je vais y aller quoi. Je vais aller au bout. Je l'attends. On sait jamais. Voilà, c'est ça, exactement. Rien à perdre. Je vais peut-être un rire. Écoutez. Oui. Oh, tu me donnes pas d'ordre. Sur un autre ton, Micheline. Hein. Écoutez. Oui, si on veut. Hein. Voilà. Donc j'ai vu un truc là sur la chute, bordel. Donc il y a un mort qui a reçu des lettres. Il a reçu des lettres de relance jusqu'au cimetière. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Et donc c'est un organisme de protection sociale qui lui a envoyé des courriers. D'accord. Comme ça, il doit de l'argent. Jusque ouais. Dans sa tombe. Jusque dans la tombe, ils ont envoyé un truc directement dans le cimetière en disant bonjour monsieur, vous nous êtes redevable de quelques milliers d'euros. C'est le gardien du cimetière qui a reçu les lettres. C'est abusé ça. Et donc parce que soi-disant que le mort il est redevable d'une somme d'argent. Mmh. Et donc si jamais veuve elle donne pas la somme d'argent, le dossier du mort sera transmis au service contentieux pour une mise de procédure. Ben oui, mais c'est parce que tu sais pas, ça se trouve le mec il a contracté un crédit quand il était vivant et donc il est indiqué dans ce crédit, j'en sais rien moi, tu sais que sa femme, ses enfants sont redevables du crédit en cas de décès ou tu vois. Mais ouais, mais si jamais c'est au nom du mort, bah tu foutes le mort tranquille, c'est tout. Faut le mort tranquille, hein, je pense qu'il en a rien à foutre là où il est. Hein. Alors voilà, ouais. Par contre aussi également, donc la petite bière qui pourrait vous conduire au cimetière. Ah. C'est ce que j'ai vu. Les hommes qui boivent régulièrement une bière ou un verre d'alcool, ils boivent jamais de bière, pourraient être exposés à un risque accru du cancer. Écoute bien, selon le Corse. Une étude canadienne. Putain, mais alors, non, mais moi, c'est ce que j'ai vu, hein. J'ai vu ça sur le net. Ils disent même bu avec modération. Donc bientôt j'ai le cancer, c'est ça? Hein? Donc bientôt j'ai le cancer alors. Ah oui, mais ça c'est du cancer. Enfin, mais ça je crois que c'est des conneries, c'est pour faire peur. C'est Halloween ça. Ouais, c'est pour faire peur, mais oui, c'est comme la pollution, ouais, le réchauffement climatique. C'est pour faire peur, il n'y a pas de pollution. Il n'y a que dalle. Il n'y a rien du tout. Allez, on continue et on consomme. On continue merde à respirer. Et comme pour fumer aussi la cigarette, ils disent comme quoi, les tabacs, il faut plus qu'ils fassent de pub pour les cigarettes et tout. Mais bientôt, il n'y aura plus rien. Bah oui, bah tant mieux. Bah oui. Plus rien. Bah tant mieux. Ouais. Alors par contre, pour le corps. Bon, Elisabeth. Ouais. On va mettre un disque, il faut que je fasse une pause là. J'ai besoin, faut que je respire un peu. Déjà, parce que sinon, elle a pas trop dur. Parlé. Attends, ce soir. Ouais, mais justement. Trop d'infos. Elle a donné trop d'infos. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on mettait les Black Eyed Peas? Yeah, The Times. Black Eyed Peas avec The Time maintenant. On va écouter ça et puis on reviendra juste après. Si vous voulez, taper la discute avec nous, allez-y. Retour vite fait sur le match là. 75e minute, 1-0 toujours pour les Lyonnais avec un but hasardeux certes, hein, mais oui, un but quand même. Et un but peut-être pour lui. Oh, poteau! Et ils ont refusé un penalty. Ah ouais? Ils ont refusé un penalty pour le PSG. Troisième putain, ça se bagarre. Ça y est, embrouille. Ouais, ça y est, ça s'embrouille sur le terrain là. Bah, je sais pas qui tu gueules. Allez. Non, attends, je sais pas qui a gueulé sur qui là, qui est le responsable sur le coup, mais là qui prennent grave leur race. Oh, le gardien, il arrive et tout. Oh là, putain, un coup de tête. Ah ouais, il y a des gros coups là, il y a des gros coups qui se passent. C'est le Parisien qui a donné un coup de tête, donc il va y avoir du rouge là. Ils vont finir à 10. Et l'arbitre, il est loin, il regarde. Attends, ouais. Tu sais que ce sport de merde, et Dieu sait que j'ai fait du foot, je suis fan de foot, j'ai joué pendant longtemps, mais c'est vraiment des gros cons, les footballeurs. Quand tu prends les rugbyman, les mecs, ils font 2 mètres de haut. Les arbitres de rugby leur disent monsieur, vous sortez 3 minutes et c'est tous comme ça. Le gars il fait bon d'accord, il sort. Là, c'est-à-dire que pour juste un truc qu'il lui dit, il lui casse la gueule. Mais ça va ou quoi? T'as rêvé, mec. Bah ouais. Mais là, pour le coup, ils ont pas eu de chance, les Parisiens. Ça fait quand même troisième poteau, oh, là. Putain. Ah, mais il était dedans, hein. C'est le gardien qui l'a mis sur le poteau, ouais. En fait. Donc ça va. Mais, alors, du coup, il va y avoir du rouge ou il va pas y avoir du rouge, là? Ah, bah, je pense que ça va sortir, ouais. Attends, attends, parce qu'il y a, il y a l'arbitre, là, qui, ça y est, il fait venir les gens, les joueurs vers lui, là. Attention. Hop là. Et là, ils s'embrassent, les joueurs, pour se dire pardon. Ouais, c'est ça, ouais, tu parles. Ah, ouais, c'est ça. Bastos et Jallet. Comment ça va se passer? Tu vas voir, c'est eux deux qui n'auront rien fait, qui vont prendre la roue, tu vois. C'est les capitaines qui vont sortir. Ouais. Ah non, y a rien, c'est une blague. Non, il a peur. Ah, ça se trouve, il a peut-être peur de prendre une patate. Attends, les mecs, ils se sont mis des coups de boule et tout ça, et y a rien. Non, y a rien. Attends, les gars, attends. C'est pas bien, arrêtez de faire ça, les gars. C'est ça, vous êtes pas bien. Allez, allez, promis, vous êtes sages dorénavant, hein. Allez. Hein, allez, reste 13 minutes, me faites pas chier, j'aimerais bien pouvoir rentrer chez moi. Ah, ah, si, si, si. Ah, si. Un jaune. Carton jaune. Carton jaune. Oh, un jaune pour le Bastos. Je sais pas Bastos, pourquoi, mais ça me gêne, garçon. Parce que là, Jallet, il a raison de discuter. Ah, oui. Mais il va s'en prendre un rouge, c'est un bruit, il faut en discuter. Il dit, c'est à moi de sortir le ballon. Non, c'est à vous de dire. Ah bah ouais, voilà, bah voilà, c'est fait. Bon, allez, toujours 1-0 pour les Lyonnais. Et pour le coup, les Parisiens ont pas de bol, hein. 3 poteaux et un pénalty refusé, c'est quand même pas de chance, quoi. Ouais. Pour le coup, c'est pas de bol. Allez, on se met les Black Eyed Peas maintenant avec The Time. Voilà, les Black Eyed Peas à l'instant avec The Time. On se mettra un petit son de... Ah, je sais pas encore. J'hésite. Peut-être Hollywood Undead tout à l'heure. What is... Hollywood ça. Undead, j'avais déjà mis avec Undead. On va le remettre, tiens. Ah oui, d'accord. Je pense qu'on va le remettre. C'est le moment où c'est, je crois que c'était Emily ou c'est Cécile, je crois que c'était pété le cou. Ah oui, c'était les deux. En dansant sur. En Undead. Fait, on avait toutes les deux vu jouer les rockeuses voilà. Et on s'est fracassé la nuque. Voilà, bon, on le remettra dans quelques instants. Et ne pas confondre avec l'anus. Hein. Bien sûr, tout à fait. Bon, on va appeler dans, on va remplir maintenant. Tiens, le gagnant ou la gagnante là pour My Chemical Romance et encore un poteau pour les Lyonnais. Ça fait le deuxième en moins de 5 minutes là. C'est-à-dire que c'est le match du poteau. Bah, c'est-à-dire que c'est le match couperet quoi. C'est là soit Paris marque. Et à ce moment-là, bon, prolongation, soit Lyon les bousilles en fait. On peut dire voilà. Que c'est le poteau rose. Bon, en attendant que le corps soit prêt avec l'appel, on va. C'est bon là? Allez, bah vas-y. Hop, oh, il est va. Bon. Il et est performant on fera, ce corse. On fera l'appel coquin juste après aussi. Il faut allumer la tranche, le corse. Ah, ça compte. Mais, bon, bah tu sais quoi, l'appel coquin? Vas-y, fais péter l'appel coquin, t'emmerde pas. Attends, ils sont rouges. Non, vas-y, mets un titre avant. Allez. Mets la pub. Bon, allez, l'appel coquin, c'est parti. Central, bonjour. Oui, bonjour, commissariat central. Non, ça c'est oui. La. Oui, bonjour, excusez-moi, je suis. C'est quoi? Mais non, c'est mauvais, ça, c'est celui qu'on a mis tout à l'heure. Attends, c'est quoi? Non, là, on l'a pas encore mis, mais tu peux couper déjà. Tu peux couper déjà. Coupe, coupe. C'est pas l'appel coquin? C'est la journée internationale, ça. Là, ah oui, les c'est vrai qu'on l'a pas mis la journée internationale. Autant pour moi, c'est ma faute. Mais tu peux mettre l'appel coquin. C'est vrai. Bon, non, on va mettre l'appel coquin. C'est l'heure là. On gardera l'autre pour demain. C'est pas grave. Allez, l'appel coquin. Maintenant, c'était quoi l'appel coquin alors du coup, Pierre? Alors, j'appelle une pharmacie et là, je mets Mika avec des petits invités et tout. Ta gueule. Voilà. Chacun un problème. Parce que vous vous confiez des fois en antenne. Donc ah j'essaie de résoudre vos problèmes. Allez, c'est parti, on y va. Pharmacie Centre, Franck. Bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. J'ai un petit renseignement à vous demander. Oui. C'est une amie qui a. Mon amie qui s'appelle Cécile qui a des problèmes de gorge. Oui. Elle a des maux de gorge et elle voudrait avoir des pastilles. Oui, bien sûr, elle vient et puis on lui donnera. Voilà, mais alors le. Mais elle pourra pas expliquer ce qu'elle a en fait, c'est ça le problème. Oui, bah je sais pas, vous lui marquez pastilles pour la gorge et puis on saura ce que c'est. D'accord. C'est un mal de gorge en avalant, c'est ça? Mais ouais, mais bon, en avalant du sperme aussi. Oui. Et donc elle vous le dira jamais que c'est à cause de ça quoi. Ouais bah c'est pas un problème, on lui donnera quelque chose. D'accord, mais donc ça veut dire que si elle vient et elle dit bonsoir c'est Cécile, directement est-ce que vous aurez la psychologie de lui mettre ce qui lui convient et pas juste un truc pour la gorge? Parce oui, qu'elle oui, est, oui. Pas, elle est pas malade, c'est à force d'avaler du jus hein. D'accord, ok. Voilà. Pas de et, problème. Et elle s'en prend aussi plein le cul. Oh bon. Quelle horreur Pierre. Voilà. Vous voulez la baiser ou pas mon ami? D'accord. Allô, pharmacie Champerbré, oui. Est-ce que vous pouvez me dire si l'acidité du sperme, ça peut décolorer les cheveux? Si l'acidité peut décolorer les cheveux, à mon avis, non. À votre avis, non? Oui. Donc ça veut dire que mon amie Émilie, elle risque rien si je lui jouis sur la tête? Non. Parce qu'elle vient de se faire une permanente et elle me dit non, ça va me décolorer mes cheveux, pas sur ma tête. Bah, faites okay. Pas sur la tête alors. Ouais, bah donc je lui fais pas sur la tête, on est d'accord, on sait jamais. Hein. Avec la permanente, c'est différent. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des produits chimiques qui risquent de réinteragir. Donc ça veut dire que le sperme plus produits chimiques, ça peut lui faire une sorte de décoloration pour le coup, donc elle a raison. Oui, elle a raison. Donc il faut surtout pas que je lui jouisse dans les cheveux. Oui, exactement. Donc éventuellement peut-être dans la bouche, non? Peut-être, ou ailleurs. C'est-à-dire dans son trou de balle? Peut-être, oui. Et dans le vôtre ? Vous pouvez imaginer toutes les éventualités. Et dans le vôtre, madame, il est libre ? Non, le mien est déjà occupé. Oh là là là. Pharmacie centrale, bonjour. J'ai mon ami qui a la pastille défoncée. Qui a quoi ? La pastille défoncée. Et il voudrait avoir une pommade pour le soulager. Bah écoutez, faudrait qu'il vienne lui-même. D'après ce qu'il me dit, il n'arrive plus à s'asseoir. Et ça, il va rougir, il ne vous le dira jamais. Hein, qu'il bon, se fait mais prendre, il faut aller chez le médecin, on ne pourra rien faire là, hein, à ce stade-là. Bah, c'est simple, mon pote Mika, il m'a dit simplement j'ai mal vraiment aux fesses, à force de me faire prendre. Je voudrais une sorte de pommade. Et je vais essayer d'appeler une pharmacie. Non, mais là, il faudrait quand même contrôler, donc nous, on n'est pas aptes à faire ça. Vous n'avez pas un truc pour soulager, juste un truc peut-être qui pourrait mettre un peu de fraîcheur à son derrière? Non, parce que je vous dis, il faudrait quand même aller voir le médecin. Mais il peut pas aller voir un médecin dans son état, hein. Ben oui, mais il lui donnera au moins un traitement adéquat. S'il y a une déchirure, s'il y a quoi que ce soit, il peut passer à côté de quelque chose de plus important. Donc il vaut mieux qu'il l'insulte. Parce que c'est sûr qu'il a une déchirure, à mon avis, hein. Oui, ben écoutez, je suis pas médecin, je peux pas vous en dire plus. Bon, en tout cas, s'il se présente au nom de Monsieur Rokia Mika, s'il pouvait juste donner une pommade, ce serait parfait, au moins une pommade. D'accord. Bah merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Espèce de sale merde. C'est vraiment un jour, tu vas rien comprendre, Pierre. On va te prendre. Oh là là là là là là là là là là. Mais tu sais même pas. Non mais espèce d'enfoiré, t'aurais pas pu me faire un truc genre avec une gonzesse? Non non, t'es obligé de faire un délire. Tu t'es fait défoncer la pastille, mon grand. Oh, c'est bien aussi la pastille, hein, Mika, non? Non non non. Non non non. Non non non. Je critique pas, mais enfin bon, c'est pas mon délire. Non, déchire si tu veux, hein. Oh, quelle horreur. Quand elle a dit ça, la vieille. Ouais. Non, mais il faut qu'il aille voir un médecin, parce que s'il a une déchirure. Oh, t'imagines la douleur, mec. Émilie, je la voyais trop bien avec du foot sur sa tête, en fait. Oh. Mais tu te rappelles quand on avait fait, comment on avait rigolé? Oh, mais c'était gros drôle. Combe. Ça avait même, il y avait une réaction vraiment chimique pour le coup, hein. Une réaction chimique. Voilà. Bon, et pendant qu'on parlait, là, il y a eu un but de Paris, là. Égalisation de Paris, un partout. Et on n'est pas à l'abri que là, chaud comme ils sont là, hop là, ils nous mettent un petit deuxième là, et ce serait pas mal, hein. En 7 minutes, ça va être dur, non? Bah il reste, bah c'est possible, hein. Oh bah tout est possible, là, j'ai envie de te dire. Ah bah c'est ça, hein. Attends, on sent quand même qu'il y a de la castagne entre ces deux équipes, hein, c'est ouf, hein. Faut pas le prouver, hein, ça, c'est ouf, hein. Ils tapent sur la gueule quand même. Ah non, mais ils sont chauds comme la braise, là, mais Paris, ils veulent pas lâcher, hein. J'espère que Lyon va gagner, hein. Bah pour l'instant là c'est un partout, donc on verra bien comment ça va se passer. On verra bien. Bon, on appelle le ou la gagnante maintenant pour My Chemical Romance. Allez, c'est parti. Celui ou celle qui s'inscrit au 01 55 64 13 25 ce soir, puisque l'autre numéro ne marche plus. Et si j'ai bien noté son numéro. Allô. Allô, bonjour. Oui. Comment tu t'appelles? Flore. Comment? Laure. Flore. Non, Flore. D'accord. Moi, j'ai galéré une heure avec. Comme la fille de Babar. Trop d'accord, mignon. Flore. Mais c'est elle. Flore, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Gaume Radio et je t'appelle pour tes places pour My Chemical Romance. Ouais, super. Eh ben, tu vas prendre tes deux places. Lundi, tu seras au concert, donc à partir de, je sais pas, 20h ou 21h, un truc comme ça, pendant qu'Emily n'y sera pas. Elle pleure. Voilà, tout simplement. Mais tu vas rater une émission d'Halloween. Oui. Je suis trop contente, moi, de la faire, cette émission. Mais c'est pas grave, quand même, hein. Eh oui, bah oui, c'est pas grave. Attends, My Chemical Romance, ça va être bien. Bah oui, mais ouais. Tu m'étonnes. Bon, bah bravo à toi, Emily. Je te fais des, Bon, José, t'es prête pour retourner le couteau dans la plaie, là. Mais non, c'est bravo parce que t'es fou de moi. Tu penses tout. À moi tout le temps. Absolument pas. T'es trop bon, amoureux de moi. Flore, je te fais des gros bisous et bon concert, donc. Merci. Salut, ciao. Je suis trop touchée. Allez, à bientôt. Non, c'est juste parce qu'on venait de parler d'Emilie qui n'irait pas au concert. Et c'est pour ça que j'en ai parlé. Ou alors, c'est parce que tu m'aimes. Non, mais ni l'un ni l'autre, hein. Non seulement tu n'iras pas au concert, mais en plus je t'aime pas. D'abord, tu me files un petit coup. Oh, c'est cruel, ça. Ah ouais, c'est violent, ouais. Bon, Elisabeth. Oui. Elisabeth. Oui. Quoi? Bah, j'attends que tu parles. Des chansons pour le Corse. Parce que une chanson pour le Corse? Non, parce qu'il a dit il faut que je fasse pour danser ce soir. La meilleure blague du Corse, c'est quand même qu'il coupe Elisabeth. Hein. Ouais, c'est pas grave. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? C'est le Corse. Ouais, hein. Il faut couper Elisabeth. Et mais tout. Ouais, non, tu as vu comme il est, Pierre, Elisabeth. Oh, il est pas cool. Hein. C'est le Corse. Il est pas cool, Pierre. Il faut couper Elisabeth. Elle a dit. C'est pour moi, c'est mon rêve. C'est pas sympa. Je trouve pas sympa. Heureusement qu'il y en a qui sont gentils quand même sur Facebook. Hein. Il y a Hugnours qui est gentil avec moi. Ouais. Il est super gentil. Mais c'est quoi ton nom sur Facebook, toi? Huguenours. Non, toi, non, toi, toi. Moi, ce qu'il y a, c'est que sur Facebook, moi, j'attends que vraiment qu'on vienne m'aider, parce que moi, quand j'essaie de m'inscrire, ils me disent comme ça. Arrête d'arracher, arrête d'arracher. Tu y es sur Facebook parce que tu connais tous les gens, les noms et les pseudos des gens. Donc maintenant, tu vas arrêter de te foutre de ma gueule, Elisabeth. Et tu vas nous donner ton nom. Mais en somme, moi, je suis Elisabeth Goum, et puis ils me disent, mon nom, il est refusé, ils veulent pas. Mais non, parce que, non, tu mens là. Parce que si t'étais refusé à l'inscription, tu pourrais pas voir les noms de Tania IAA, de Hugues Nounours. Parce que moi, je fais Michael, le trait officiel. Et moi, après, je vois tous le trait les officiel. Noms. Ça, ça y est. Si moi, c'est Michael officiel. Il n'y a pas le trait officiel, hein. D'accord. Ouais. Eh ben, et si t'arrives à y aller. Mais, admettons-moi, si jamais j'ai envie de parler, donc il faut que j'aille m'inscrire. Et quand je veux m'inscrire, ils me disent comme quoi, ils connaissent pas mon nom, ils connaissent pas mon nom, ils connaissent pas mon nom, ils veulent pas. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais. Mais c'est pas vrai, tu peux utiliser n'importe quelle identité, te créer un faux compte. Non, je veux pas créer un faux compte, moi. Non, mais par exemple, t'appeler Marcel Dupuis et être Elisabeth, en fait. Mais c'est pas vrai, tu as à nouveau coupé le corps, c'est dingue. Moi, je suis le corse. Mais c'est le corse qui te coupe, oui, en fait. C'est hein. Pierre. Là, t'es hors antenne, Elisabeth, c'est midi. C'est pas vrai, je suis hors antenne. Ouais, on va essayer de te reprendre. On va essayer de te reprendre. Non, non, prends pas Elisabeth, on me casse les couilles. On va essayer. Prends pas Elisabeth, s'il te plaît. On va essayer de te reprendre, mais. Non, Pierre. Ouais, non, mais. On entend là. En merde, on adore les bons comédiens. Qu'est-ce qu'on est bon quand même, Elisabeth. Elisabeth, t'es en antenne depuis tout à l'heure là, c'est bon? T'es contente là? Pierre. De nous faire souffrir comme ça, toutes tes interventions tous les soirs depuis le début de la rentrée là? Mais non, je vais pas souffrir. Mais non, je plaisante. Et moi, je vous aime. Mais nous aussi, Elisabeth. Mais j'espère que t'as juste envoyé un mauvais whisky au Corse qui t'a coupé quand même deux fois. Alors si tu lui as envoyé un bon whisky, bah, franchement, t'as abusé. J'ai intérêt de m'envoyer un très bon whisky. Mais il est déjà parti, le Corse. Pierre, Michael. Ouais. Il est parti, le Corse. Ouais, c'est bon, il est plus là. Il est plus là? Non. En fait, j'ai acheté un whisky, le meilleur marché. Ça c'est bon. L'autre il est vénère. Il y a une étiquette derrière, il y a marqué qu'il a été fabriqué par le Pastis Marseille. C'est bon ça. C'est bien. Non, en sorte, c'est que le whisky a été fabriqué à Marseille, mais en sorte, c'est le Corse, il va voir ça, il va dire ma parole, mais c'est une bouteille de luxe et tout, mais c'est la bouteille la meilleure marché que j'ai vue, c'est la bouteille à bas prix. Combien t'as payé, Elisabeth? Que dalle, j'espère. 10 euros. Oh, nickel. Parfait, il va avoir mal à l'estomac, comme ça il va chier encore. Mais tu nous as dit que t'étais riche, pourquoi tu fais ça, Adine? Ouais, mais j'allais pas aller prendre des bouteilles à 36 euros. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Et plus, j'ai mis un saucisson. Dedans la bouteille? Non, c'est-à-dire la bouteille, et après, à l'intérieur, j'ai mis un saucisson. Dans la bouteille? Non, avec la bouteille, j'ai mis un saucisson. Ah, mais dans l'intérieur de la bouteille? Ouais, à l'intérieur de la bouteille. Dans le carton. Oh, qu'elle est mignonne. Voilà. T'es trop forte, Elisabeth. Et j'espère que tu t'es caressée avec la bouteille. Ah, ça y est, tu es fou. Là, je viens d'arriver des toilettes. Attends, bon. Le corps deux secondes. Est-ce que tu t'es mis au moins le haut de la bouteille dans la tâche? Non, j'ai mis le saucisson dans ma sape. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pas compris, Elisabeth. Non, j'ai pas fait. Elle a mis le saucisson dans sa fourchette. Non, j'ai pas fait des trucs comme ça. Jamais de ma vie, je ferai jamais des trucs comme ça. Bon, dis-moi, et mon colis alors? Alors, ton colis va arriver demain, le Corse. Avec une très bonne bouteille de whisky, Corse. Avec une très bonne, ouais. Et par contre, dans l'autre paquet, donc XL, il y a vraiment des petits pains, il y a... Tout ce qui se périme. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a pris comme un whisky? Hein? Qu'est-ce qu'il y a pris comme un whisky? Whisky, un whisky de marque. Un bon whisky. Mais laquelle, la marque? Du Jack. Du Jack. Scotch. Scotch. Du Jack ou du Scotch? C'est dégueulasse, les deux, de toute façon, c'est dégueulasse. Ouais, mais c'est le whisky, hein. C'est la même merde. Ouais. De toute façon, c'est du whisky, hein. Ouais, tu planeras pareil, hein, t'inquiète. Bon, ouais, il a intérêt d'être bon, hein, je te le dis. De toute façon, moi, je t'ai pris une bonne bouteille. La bouteille, elle faisait au moins 40 euros, tu vois. Ouais, mais je te le dis, il a intérêt d'être bon. Ah ouais, mais de toute façon, il est bon, hein. Mais tout à l'heure, tu nous as dit qu'il était dégueulasse. Et qu'il était pas cher à 10 euros. Moi, j'ai jamais goûté, moi, le whisky, moi. Ah d'accord. C'est bien, Elisabeth. Bon, enfin, j'espère que tu as pris une grande marque, que tu as payé cher et que il est bon. Non, mais de toute façon, moi, je t'ai pris un whisky de marque. J'ai payé cher. J'ai mis le. J'ai même payé cash et tout. Même si jamais je trouve un whisky à 300 euros, je te le paye. Hein. Alors Pierre, pourquoi tu disais qu'Elisabeth c'est une menteuse? Ouais. Parce que je pense qu'elle t'a offert un whisky à 10 euros en fait. Non, c'est. Et encore, Pierre, c'est bien trop cher. Pierre, on se moque pas des gens. Bah non, je me moque pas des gens, hein, Elisabeth. Hein. Non, je sais tout pas. Tout simplement, t'as raison de lui avoir fait un petit whisky pas cher, parce qu'il le mérite pas, vu ses compétences à la console. Mais moi, je dis comme quoi, le principal, c'est mon cœur, tu vois. C'est le cœur qui vient. En fait, moi, je fais ça parce que moi, j'ai de l'amour pour Corse. D'accord. Si jamais j'aurais pas eu d'amour, j'aurais dit, c'est bon. Si jamais tu aurais pas eu d'amour, tu aurais pris une bouteille bon marché, non, c'est ça? Non, si jamais j'aurais pas eu d'amour pour toi, moi je m'en fous du Corse, je lui prends pas son whisky et puis il va se faire foutre. Non, mais moi je suis pas comme ça. Moi j'ai pris c'est bien, Elisabeth. J'achète le whisky pour le Corse, j'achète du saucisson. Bon, moi ce qu'il y a, c'est que. Que tu as mis dans ta charte, tu achètes un saucisson, tu mets dans ta charte. Oh, le Corse, merde. Le cœur d'Elisabeth qui compte. Parce que si jamais moi j'ai pas de cœur, ben. Émilie, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi je trouve qu'elle aurait dû acheter une bouteille un peu plus chère parce que c'est quand même un manque de respect vu qu'on sait qu'elle a de l'argent quoi. C'est vrai quand t'as la chance d'être né dans une famille aisée, riche, ouais. T'aurais pu faire un effort quoi. Tu viens nous narguer avec ton fric et tu nous offres des bouteilles. J'ai mis ce que j'ai pu parce que comme je sortais d'un restaurant et j'avais mangé des fruits de mer, donc ma... Ouais, on s'en branle de ta vie. Imagine un jour une conversation au resto entre le Corse et Elisabeth. Ça va être magique. Le truc ne finit jamais. Moi, j'étais arrivée, je suis allée au Carrefour. J'ai mangé des huîtres. Ça doit être horrible la conversation. Non, mais là, elle se fout de ma gueule, mais à Marseille, je t'explique. Hein, la discussion, pour dire un mot, elle dure 2 heures. Ah, les huîtres, c'est dégueulasse. Hein. Non, elle est presque 2h30. Non, on extrapole beaucoup, mais ça dure pas longtemps. Je vais expliquer un truc, tu racontes l'histoire de Marcel Pagnol presque. Non, même pas, arrêtez directement avec ça. Je t'envoie dans le pire endroit de Bruxelles. Tu vas voir. J'arrête. Et je suis désolée, j'ai pas envie que mon week-end soit fou. Mais genre, tu vas l'écouter, tu vas sur internet, c'est pareil. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Elisabeth? Les filles, c'est comme vous venez à Grenoble, on va voir les brûleurs de loups à la patinoire. Oh, les brûleurs de loups? Mais jamais. Les hockeyeurs. Non, mais même si on comprend rien. Les hockeyeurs? Ouais, les hockeyeurs. Elle doit se faire déglinguer. Mais ils sont genre étrangers ou français? Les vestiaires, là. Non, c'est les hockeyeurs de Grenoble. Hein, c'est l'équipe française des hockeyeurs. T'as déjà fait le jeu de la biscotte, Elisabeth? Le jeu de la biscotte, c'est quoi? Non, c'est pas grave, tu préfères pas savoir. Va voir les hockeyeurs de près, là, dans les loges. Tu vas voir ce qu'ils font, là. C'est pas glamour, y a pas le président qui sert les pas du chercheur du direct. C'est une biscotte et du sperme. Et c'est parti. Et bon appétit, bien sûr. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Oh, peut-être pas obligé. Non, mais attendez. Alors donc, c'est l'histoire d'une saucisse. La saucisse, elle a froid et tout. Et donc, il faut vite réchauffer la saucisse. Donc, la saucisse, donc, elle rentre dans le four, à four bien chaud et tout. Après, donc, la saucisse, donc, elle est chaude et tout. Après, il y a tout le jus qui sort et tout, le jus de la saucisse qui sort tellement que c'est chaud et tout. Vous avez compris un peu? Non. Ouais, c'est tout, là? La saucisse, c'est une bite. Oui, on avait compris. C'était pas terrible, quand même. C'était même très, très mauvais. C'était nul à chier. Elle était trop nulle. Oh, il l'a coupé du coup le Corse. Non, mais le Corse, tu t'es cru à la maison quoi? Il a une espèce de pouvoir avec ça. Il se lâche grave. Michael? Ouais. Tu sais que Laurent, il va être devant le foot? Oui, j'imagine. Ouais. PSG 1. Paris 1. Lyon 1. Ouais. Ça fait combien? 1-1. Wow! 1-1. Voilà. C'est génial. Oh là là. Bon, Elisabeth, allez, peut-être tout à l'heure dans le Corsica Show. Michael, ouais. Évêque, il va comment? Il va très bien. Et c'est qui le nourrit? Bah, ma grand-mère, hein, qui veut qu'il nourrit, c'est mon perroquet. C'est ton perroquet. Oh, j'ai vu un reportage sur un perroquet hier. Ton perroquet, c'est la grand-mère qui s'en occupe, voilà. Donc, c'est plutôt plus le perroquet de la grand-mère. Oui, si tu veux, oui. Merci pour cette remarque, très intéressante, Isabelle. À tout à l'heure, encore, c'est caché. Allez hop là, pub! J'en peux plus. Pub, et derrière, Hollywood Undead avec Undead. Hollywood Undead à l'instant sur Gaume Radio avec Undead. Voilà un bon son. Tiens, Vincent qui dit le son qui déchire, ça c'est bon comme putain, j'adore. Comme réveil le matin. Ah bah oui, tu m'étonnes là directement. Si ça commence par ça fait peur quand même. Moi j'adore. Bah, tu mets ça le matin, je pense que tu peux être de mauvaise humeur quand même. Ah, mais avant c'est sûr que ça peut non, ça doit bien réveiller. Ça doit bien réveiller. Non, mais je crois que ça comme réveil, tu deviens fou, mais. Ça peut te mettre de mauvaise humeur. En revanche, j'ai encore failli me claquer le cou. Oui, bah oui, mais bon, en même temps, tu le sais, hein, tu continues. C'est ça qui est dingue. Et Jay Mayen aussi qui dit je vais finir par être décoiffé à force de bouger mon centimètre de cheveux sur le caillou. Il y a quoi aussi Elodie qui dit merci, Mickaël, il tue ce son, ça va me réveiller, mort de rire. Eh bah tant mieux, Elodie. Content que ça t'ait réveillé un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi messages qui sont arrivés. Bah, y a Guillaume qui a de nouveau mis le clip là de Hollywood Undead avec Undead, avec même les lyrics, les paroles de la chanson. Donc c'est sur le groupe Facebook, facebook.com/mikl officiel. Et puis Karine qui dit jamais j'aurais cru aimer ce genre de musique. Un pote me l'a fait écouter et j'adore de trop. Bah ouais, mais il est un peu entre le rap et le rock. C'est ça. J'aime bien les trucs comme ça. Ça ressemble un peu à certains morceaux de Plan B. De Plan B. Ouais, j'aurais dit Rage Against the Machine plutôt, mais. Non, mais je suis là, oui, particulièrement Rage Against the Machine, mais Plan B, c'est un peu ce style qui mêle. Pour le coup, le premier single qu'il a sorti, ah là, oui, ça a rien à voir avec le reste de l'album, mais oui, l'album, il est hyper. Il passe de Amy Winehouse à Eminem. Ouais, il est hyper rock rap mélangé, il est très bien. Il y a un morceau, je te ferai écouter. Ouais, j'aurais peut-être dû écouter l'album complet, moi, tiens. Parce que moi, je suis resté coincé sur She Said, forcément, je me suis dit, bon. Je te ferai écouter un truc que tu vas écouter. C'est sympa, mais bon, sans plus, quoi, mais bon. Bon, allez, but mais de c'est Paris. Vrai qu'on découvre avec toi. Tiens, ça on y est, s'en c'est fout, fait. On découvre avec ouais, toi les nouveaux sons. But de Paris quand même. Allez, on va se faire le Corsica Show maintenant. C'est parti, go. Le Corsica Show. Eh oui, comme tous les soirs sur Goom Radio. Ouais, demain, vous savez qu'il y a un nouveau jour de grève. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai un coup de gueule à cause de ça. Vas-y. Ça m'a gonflé. Toutes ces grèves de merde qui servent à rien, là. Et le pire, c'est que ces jeunes qui pensent déjà avant d'avoir entamé leur vie active à la retraite. C'est énorme, ça. Ça, c'est fou. C'est juste pour rien faire. Mais pour nous emmerder, tu vois, parce que nous, on travaille, on a les métros et tout, et Paris, c'est une ville de fou. Non, mais ce qui est quand même fou, c'est que, je pensais que, parce qu'il y avait les vacances de la Toussaint, ils n'allaient pas faire la grève et continuer. Et finalement, on a été des mauvaises langues parce qu'il y en a certains qui continuent à faire la grève. Donc c'est assez extraordinaire. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils pensent déjà à la retraite, qu'ils n'ont même pas commencé leur vie active. C'est énorme. La retraite, c'est des excuses. Il faut arrêter de rêver. On n'aura jamais la retraite. Nos parents, ils l'ont eu, mais nous, notre génération n'aura jamais la retraite. Fais ton Corsica Show et arrête de t'énerver, mon poulet. Non, mais ça va, c'est ce qui m'a gonflé, parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu des heures dans les RER. Demain, l'avion de ma mère est annulé, donc, Attends, moi, si vraiment samedi matin, ils annulent mon train pour, à cause pour Marseille. Non, mais c'est non, que non, déjà. Non, là, il y a ma mère qui vient d'arriver, elle est. Parce que déjà que je pars un jour et demi, je serais dégoûté. Voilà. Non, mais c'est pour, juste un coup de gueule à cause des grèves qui devraient mieux s'arrêter. Alors, après, les messages. Il y a Tania, je te fais un gros bisou à ma babette que j'aime, ainsi qu'à toi, toute l'équipe. Je vous aime. Et Tania, écoute, on t'embrasse aussi. On a Yuki qui fait un gros big up à Sandra de Goom qui tient un rôle important dans la page Facebook, le Corse de Goom. Ça, c'est vrai, elle s'occupe vraiment très bien de cette page. Elle m'envoie les messages tous les jours par MP. Elles sont super. Ouais, franchement, ils sont top. Merci beaucoup. Voilà. Ah, ben, nous, on vous remercie. On vous embrasse et on va prendre René. René, comment vas-tu? Ça va, mais pas toi, hein? De quoi, moi? Bah, toi, ça va pas parce que j'ai regardé le foot. Eh ouais, moi, ça va pas très bien, non? Ah, ça, c'est encore mieux qu'une grosse pseudonyme de ma part! Hein? 3 buts, 3 anus d'écouter, hein? Eh ouais, c'est gratuit, ça. C'est gratuit et méchant. C'est gratuit et méchant. Parce qu'à la limite, d'habitude, c'est un côté drôle, comme tu parles, c'est un côté drôle. Mais là, ce soir, c'est un peu méchant, tu vois. C'est petit. Ah, si t'es mauvais, si vous êtes mauvais partout, même au football, alors que c'est pas c'est bien petit. Compliqué de taper non, un mais c'est ballon. Petit. Enfin, moi, c'est très petit. Attends, René, allô, René, René. Tiens, regarde, il y a quelqu'un qui veut te parler. Bonsoir Mathéo, tu voulais parler à René, tu voulais lui dire allô, quoi? Allô, bonsoir Fred, bonsoir à toute l'équipe. Comment vas-tu? Ça va Mathéo? Ça va. Mathéo, il a perdu au foot, c'est un sale corse, c'est un sale gros serbe. Je tiens à dire à René qu'on a passé un bon week-end et quand on va remonter, il y a une surprise. On lui a acheté une tenue de servante avec des petites bottines à talons. Eh ben moi j'ai passé des crampons, gros con. Ben là, ne t'inquiète pas. Et en plus on va filmer pour Goom Radio. Comme ça tu vas montrer un peu à tout le monde comme tu fais. Vas-y, va faire des jongles pendant que je t'encule. Tu sais, quand on va filmer René, tu vas bien montrer à tout le monde comment tu fais bien notre petite salope. Ok, ce sera bien au fond de ton filet. Je vais t'enfiler, grosse mère. Je t'encule. Bon, mais dis-moi, sinon, c'est pour quand ce rendez-vous? Samedi, c'est pour quand? Vendredi? René, viens quand chez toi? Déjà, ils sont venus la semaine dernière. Mais je pense que cette semaine, je pense que vendredi, je serai chez toi aussi. Je serai chez toi aussi vendredi. C'est ça, c'est ça. Mais c'est nombreux, je vous encule tous. Bien sûr, René. On t'a pris une perruque et on t'a pris du maquillage. Parce qu'avec la tête que tu as, il faut que ça passe bien quand on va se filmer. Mais ta gueule et suce ma bite. Bon, je t'encule. Bon, alors moi je vous dis à ce week-end, Mathé, autant je rejoins l'équipe, René, j'aimerais bien comme ça te rencontrer, ça me ferait plaisir de faire de voir un peu ta gueule, quoi. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, et là on va prendre Gaspard. Gaspard, comment vas-tu? Voilà, là c'est le meilleur moment du Corsica Show, c'est le moment que j'adore. Quand j'ai Gaspard au téléphone, c'est énorme. Moi, il me gonfle. Il te gonfle, Gaspard? Ouais. Pourquoi? Alors, Gaspard. J'ai une blague, alors. Gaspard, je l'aime bien, plus cher. Ouais, il est adorable. J'ai ma petite nièce qui est amoureuse folle de Gaspard, qui rêve de Gaspard, je le verrais bien sur scène, Gaspard, un spectacle. À l'Olympia. Il y aurait personne, mais ça serait au cool. Bataclan. Sur scène, ouais. Seul. Même un film, tu vois, sur lui, tu vois, sur le Gaspard. Le Gaspard Show. Ouais, le Gaspard Show, hein. Ouais, pas le Gaspard Show, mais le gars, c'était nul, ça. Non, elle est bonne. Voilà. Bon, alors, Gaspard. Bah, merci, Gaspard, à demain. Non, mais je suis ému, vous dites des choses gentilles. En même temps, c'est parce qu'on essaye de t'aider, tu vois, on sent que t'es dans la merde, donc. D'accord. Bon, mais alors, quelle est ta blague ce soir? Alors, quelle est la différence entre Ayrton Senna et les Allemands de l'Est? Aucune idée. Alors là, tu me poses une colle. Il y a un truc avec un mur, là. Bah, les Allemands de l'Est, ils ont réussi à passer le mur, eux. Et Ayrton Senna, elle est bien tournée, mais c'est dur. Parce qu'il a mangé le mur, lui, il est mort. Eh oui, c'est pas cool pour lui, quoi. Il est décédé. Il est plus en vie, il est mort. Et voilà, ouais. Voilà, Gaspard. Bon, mais Gaspard, salut. Écoute, on te souhaite une bonne soirée. À demain. Bonne soirée, Gaspard. Ciao, ciao. On a Antoine. Antoine, bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur Corse. Oui. Ouais, moi j'appelais car j'aimerais bien dire que vous, monsieur Corse, vous êtes trop fort. Vous avez une bonne analyse, vous êtes trop fort, quoi. Vous êtes beau, vous êtes magnifique, génial. Franchement, je voulais passer un coup de gueule, mais dans l'autre sens, tu vois. Ah bon? Je veux dire que t'es génial, voilà. Ben merci, ça fait très plaisir de l'entendre. Non, mais on l'a payé, le Corse, hein, calme-toi. non, mais ça fait plaisir d'avoir des bonnes réactions. Ah merde, Antoine, on a foiré. Et tu viens d'où, Antoine? Tu es d'où? Moi, je viens de Strasbourg. Ah, de Strasbourg. Mais bon, avec un accent marseillais, ouais, de Strasbourg. Ce que j'allais dire. Bah oui. Tu es marseillais là, d'origine, ou tu es monté là-haut faire des études, ou tu as toujours vécu là-haut? Non, c'est une imitation un peu pourrie, mais à la base, je suis belge, hein, donc voilà, quoi. Ah, d'accord. À la base, je viens de Belgique, voilà. Mais bon, j'aime pas trop mes origines, alors... L'imitation, c'est dur aussi. Hein. L'imitation, c'est dur, il a dit. Bah oui, je sais, hein. Moi, je suis pas très fort. Mais donc, ouais, voilà, je veux juste dire que le Corse, t'es... Oh, ça va, hein, Antoine. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu me parles un peu, là, je chante, on te parle au Corse et tu me coupes. Ouais, moi, ça, c'est pas cool, Émilie. Moi, j'arrête de parler. Mais non. Non, voilà, tu vois, là, tu m'as vexé, Émilie. La pauvre. Non, je l'aime bien, Émilie. Antoine, c'est une fille au top. T'es un peu amoureux de moi, je crois. Non, mais je voulais dire que, franchement, le Corse, t'es magnifique. Voilà. Ben écoute Antoine, ça me touche vraiment. Ça fait très plaisir de l'entendre et ben continue à écouter. Mais je sais très bien, sinon tu n'aurais pas appelé, hein. Oui. Voilà, donc non, ben ça me fait plaisir. Je continue à rester à l'écoute, hein, tous les soirs dès 20h avec Michael et nous écouter. Et puis je t'embrasse. Puis si tu veux laisser des commentaires sur la page et tout, n'hésite pas. Ben merci beaucoup Cor, ça m'a fait très plaisir de te parler. Ben moi aussi. On n'oublie pas, c'était combien de 300, on a dit? Ah oui, 350, Antoine. Ouais, d'accord. 350, ouais. Je t'envoie ça par chèque. Moi, je t'aime pas, non. Antoine, je te dis pas, au revoir. Ouais, bah, t'inquiète, c'est réciproque, t'inquiète pas. Oh, t'es méchant. C'est toi qui le taquine, le pauvre. Hein. Voilà. Bon, allez, bisous. Non, mais je rigole, je vous aime tous, je vous aime bien tous. Sûr. Bon, Antoine, on t'embrasse, on te dit à demain à l'écoute de Michael dès 20h. Demain matin, grosse matinale. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Très bien, et effectivement on se retrouve demain à partir de 20h. Allez, passez une bonne nuit tout le monde. Et puis rancard aussi toute la nuit et toute la journée de demain sur facebook.com. Et on se quitte maintenant avec le son de Nelly, c'est Just a Dream sur Gaume Radio, c'est parti.